Young Media. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 129e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Yeah! Ouais. Hey! J'ai le rhume, j'ai la grippe. Il est où le Kodak? Il est là, hein? Il est là. Ah, là. J'ai la grippe. Puis ça va râler, ça va manger des chips, le chien va arriver tout à l'heure. Ça va être beau quand même. Ben ouais. Mais là, ça suit quasiment le concept de setup de pauvre de Papa Cassette. Exact. C'est tout est... Mais j'avoue qu'au niveau de la tech, elle est bonne, là, c'est quand ça. Même. Ouais. C'est pas si pire, c'est plus que c'est comme setup de pauvre dans un setup de riche. Exact. Ouais, c'est ton On a même la nappe de ta grand-mère ici. Ben oui, ben ouais, écoute, c'est mon c'est enfant. Beau. C'est clair, hein? Je m'attendais à une courte pointe, mais ça fait quand même. Ça le fait, mais c'est comme ça, on n'entend pas trop les bières qui cognent sur la table. Hey, salut tout le monde, on est chez moi ce soir. Petite introduction pour expliquer le concept, c'est que notre ami Jean-François ne pouvait pas être là. Ouais. En l'absence de JF, le next best plan, c'était de faire ça dans le schlaï. Dans le schlaï. Dans le schlaï. Dans le schlaï. Ça se passe dans la grise. Comment ben oui, regarde, il y a un full set de NES juste là. Juste en arrière. Pour ceux qui se demandent à quoi ça a l'air. Ça a pas mal l'air de tout ça. De et bon puis, il y a des cassettes partout. Ouais. Ils sont toutes bien emballées individuellement, en plus. Ouais, ouais. J'étais assez impressionné. Un nom propre. Ah ouais. C'est malade. Mais tout est là. C'est pareil comme avant. En plus de ça, là, on voit vos commentaires live. Ah, c'est ça. Les chips sont là, clair. Les chips sont là, en effet. C'est un peu proche du micro, d'ailleurs. Faut juste faire attention de ne pas trop cogner sur la table et tout. Mais là, c'est ça, parlant de JF. Ce qui est le fun, c'est que là, JF est allé faire le tour du monde. Puis en plus de ça, en même temps, il a vendu sa maison. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait que là, l'idée de Rétro Nouveau qui se fait un studio tranquillement, pas vite, ça va arriver. Ça va, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est de plus en plus plausible. Ouais. Très plausible, effectivement. Je sais pas c'est quand sa prise de possession, tout ça, mais en fait, pour les semaines à venir, JF, il va être quand même pas mal occupé, je pense. Puis ben nous autres aussi là, les vacances vont embarquer tout, fait que ça risque d'être un petit peu ça va brasser là cet été, ouais, ça va être un petit peu, je dirais n'importe quoi. Mais on fait notre possible pour rester, tu sais, ça accroche. Ben oui. Mais c'est ça, ça va bouger pour mieux se stabiliser de façon parfaite en revenant. Pour mieux atterrir à l'automne. Mais chaud ce soir est bien spécial, on n'a jamais fait ça, puis c'est vraiment cool qu'on fasse ça ce soir. On répond à des questions qu'on fait. Yank ça. Vraiment juste ça. Mais il y a tellement de questions puis de bonnes questions qu'on a eues. 6 pages de questions. Hein. 6 pages. Christy, il fallait le faire, là, man. Ouais, puis Bruno, il a le look d'un serveur resto chic. Eh oui! Ben ouais, c'est fun, on voit très bien les commentaires des gens. Ouais, ça, c'est bon, ça va nous déranger tout le long. Il y a juste JF puis il filtre un peu pour nous. Là, c'est raw, là, tu sais. Fait que à tout bout de champ, là, tu sais. Le monde nous envoie chier, là, on le voit. Exact. Si vous faites 8 égal, D majuscule, ça va nous faire rire, tu sais. Colin, t'es vraiment, hein, tu l'as précis. Wow! Tu connais exactement le nombre d'égales, une verge convenable avec ça. Ça, c'est convenable. Alright. Yes, ouais, nice table, merci. C'est comme une très belle nappe. En fait, c'est pas une nappe, je pense que c'était une couverte qui servait à mettre. Hey, ça, c'est le fun pour le monde qui nous écoute en audio. Ouais, c'est ça. Savez-vous, qu'est-ce qui est encore plus le fun pour ceux qui nous écoutent en audio? Non! C'est qu'eux, ils voient pas toutes les cassettes et toutes les affaires qui sont là. Ah, tu sais, comme on est chez nous, je me suis dit qu'on pourrait quand même commencer ça avec un or gris, un petit or gris où on fait pas ça. Il y a juste des petites affaires en audio. Ah, on a pas fini. D'abord, on avait des nouveaux Patreons à remercier. Et puis. On avait-tu les noms? Oh, non, hein? Pas les noms avec nous, je non, c'est ça, c'est à soir, on a je sais qu'il y en a un big là qui est rentré ce matin, puis on était comme mind blown. Attends, je vais vous trouver ça rapidement. Trouve-le. Pendant ce temps-là aussi, je veux remercier M. Alain Dubé, chez qui je me suis présenté ce matin, pour lui acheter toutes ses consoles, sa collection. Dans le fond, il a communiqué avec nous. Et puis, il nous écoute depuis 2011, quand même. Fait que ça, il connaissait le show. Il y a comme un pug ici. Pensez-moi même qu'il soit au bout de la table, qu'il a l'air d'être le cinquième. Je veux pas y toucher, je vais être malade. Mais c'est ça, Alain Dubé, merci beaucoup de nous écouter, puis merci d'avoir communiqué avec nous. Ta collation. Ouais, ta collation était. T'es cœurante, ta connexion est encore mieux. Très apprécié. Puis c'est Jonathan Paradis, nouveau patron, fantastique, merci beaucoup, ouais, sérieusement. Ouais, ouais. Wow. Puis merci à tous les autres. Et puis là, il n'y a pas eu de pré-show aujourd'hui. Non, alors. Je disais, ça va être un petit peu chaotique au cours des prochains épisodes, mais ça va revenir là. Mais ça va être bon. Les fans aiment ça, ce genre de show-là. De toute façon, nos shows un petit peu plus laid-back sont appréciés aussi. T'sais, d'habitude, on est comme tac, tac, tac, tac, tac, tu sais. Puis là, à soir, c'est plus smooth. Plus relax. Ouais, c'est ça. On n'a pas. On n'a pas autant de structure habituelle. Ouais, c'est ça. Exact. Là, on voit tout le monde. Non, on l'aurait vu. Là. Faut pas nous raider non plus parce que je pense pas qu'on va être capable de prendre le raid, ok? On va mettre ça au clair tout de suite. On n'est pas. On n'est pas très Twitch, je pense. Ça. Ben, je pense qu'on est version Twitch de 2014. Là, fait que, c'est ça. Ça s'en vient progressivement. On est juste impressionné de voir nos images à l'écran. Ouais. Oh my god! le nom du monde en couleurs différentes aussi, c'est cool. Ben oui, Ramenko, qui est trop gaming, il est cool, lui. J'espère qu'il vient au bord. Mais tout le monde, Genius 35, on a tous des. Yes! Écoute, ça va être un show plus organique. Ouais, c'est ça. Pendant que je te crache dessus. Avec sa maladie, tu sais, c'est ça. Excusez. J'ai tout liché à la face. All right. Fait que t'avais de l'or gris. Ben oui, écoute, comme on est chez nous, je t'ai dit qu'on allait en profiter un peu. On en profitait un peu, puis parce qu'en fin de semaine, c'était le début des ventes de garage. Pis, ouais, les VDG. Les VDG, parce que nous, la vie est trop courte pour pouvoir écrire vente de garage. God. On est pas en VDG. Exact. Donc les VDG qui sont commencés. Fait que comme de fait, moi, petit Joe, on est allé courailler ça, courailler la grise. Hey, mais c'est une drôle de journée parce qu'on a fait un flat au début de la journée. Ah, ça. Fait que là, on était sûr que la journée était à l'eau. On avait ramassé des cossins, mais vraiment rien d'extraordinaire. Mais c'est quoi, t'étais-tu à vélo avec un bac à l'aile? Non, on était en voiture. On était à Saint-Hyacinthe. Écoute, on s'est pointé à Saint-Hyacinthe en voiture, en communauto. Puis là, c'est pas une flat. Fait qu'évidemment, c'est mon problème d'arranger ça. Fait que là, on était sûr que. En plus, c'est la shop rétro MTL qui paye pour ça. Perd de l'argent, Et voilà, c'est ça. Appelle le CA sur le bras. Exactement, sur la carte d'accompagnement. Puis finalement, écoute, on a réussi à tirer notre épingle du jeu quand même, puis on a ramassé vraiment un paquet d'affaires. Ouais. C'était une bonne journée, mais en même temps, c'en était une mauvaise. Donc c'est assez spécial. Puis j'ai décidé de rajouter quelques trucs à ma collection, quelques pièces qu'on voit pas trop souvent, puis je me suis dit que ça serait beau sur mes tablettes. Le premier, c'est très controversé, parce que... Peut-être qu'il y en a qui se rappellent de ça, mais c'est un jeu qui a été retiré des tablettes et ça s'appelle The Guide Game. Oh my god, ouais. C'est un très mauvais jeu de trivia slash party game, mais pis tu sais, s'il y a des filles en bikini sur la pochette, il y a une raison, c'est que c'est vraiment un jeu de, misogyne. De douchebag. Ah, c'est très misogyne. C'est en gros, c'est comme ça a été tourné dans un spring break. Puis genre, c'est comme un trivia avec des questions, puis il y a des filles, puis les filles, il faut qu'ils flashent leur beau parce qu'ils n'ont pas les réponses. C'est absolument wrong. Mais ce qui est encore plus wrong, c'est que ce jeu-là a été retiré des tablettes parce que il y a une des filles là-dedans qui a menti sur son âge et qui était mineur. Je pense que je veux pas toucher à ça! J'ai ça dans les mains! Trop tard! Non! Alors, en prison! Alors, c'est vraiment C'est pas relié au show d'Adam Carolla, ça, hein? J'ai aucune idée, Bruno, mais je vois que ton univers de trash des années 2000 est plus élaboré. Non, mais il y avait un moment donné, il y avait un show qui s'appelait The Guy Show, The Dude Show. Ah, ça se peut que ce soit une affaire comme ça. C'est absolument... Puis c'était ça. Carl, là, des Power Chasers, il dit que c'est comme les VHS Too Hot for Gay. Exactement. C'est dans les mêmes années que ça, sauf que c'était comme Too Hot for Gay. Mais ça évidemment, vaut cher, ça, vu que c'est retiré. Ça vaut... Je te dirais qu'une copie en bon état, ça vaut à peu près 50-60$. Mais là, celle-là est un peu maganée. J'étais pas sûr si je la gardais, mais c'est parce que, tu sais, tant qu'elle la vende pas cher, je me suis dit, fuck off, je vais en mettre dans mes tablettes. Dans le fond, c'est dur de trouver une copie qui est pas collante, que tu dis, c'est ça? Ouais, écoute, il n'y a rien de collant là-dedans. Là. Non, okay. On a essayé avec Fanny. D'ailleurs, Fanny de la vie secrète des geekettes qui nous a aidé à installer le setup ici et qui nous a même fourni l'excellent site Doublonné, qui est leur commanditaire d'ailleurs. Excellent. Alors, on les remercie. Très mais bon. Bref, on a essayé ça et c'est mauvais. Tout ce qui est Doublonné. Hey, attends, tu viens de faire la pire commandite du monde. avec un excellent ça, on vient d'essayer ça puis c'est mauvais. Non, tu parlais du jeu. Là, tu parlais du jeu. Le roi du cidre, il est bon. C'est pas notre commanditaire, c'est celui des filles, alors on peut le scrap un peu. Mais bref, je rajoute dans ma collection, Ce qui est vraiment drôle d'ailleurs, c'est que la fille mineure, supposément, que c'est dans le dernier niveau du jeu, alors je le verrai sûrement jamais parce qu'on a essayé puis c'est tellement. C'est le buzz de la fin. C'est ça. Bref, une autre chose qu'on a trouvé, on est arrivé à un endroit puis il y a un gars qui nous a sorti, sa mère avait gardé quelques-uns de ses jeux. Je vois des lasers là. Ils nous ont sorti ça, puis c'était vraiment extraordinaire. Puis je vais commencer avec la pièce que tout le monde connaît. Évidemment, un Megaman en bois qui va pouvoir revenir enfin compléter ma copie. J'avais le jeu puis le manuel, mais pas en maudite boîte. Fait qu'il y a une petite boîte de Megaman qui se rajoute très bien à tout ça. Ça, c'est le fun. Mais... Moi, j'ai un fantasme d'avoir les 6 Megaman. Ah, je suis rendu à 4, là. Il m'en manque 3. Il m'en manque 2. À un moment donné, quelqu'un les vendait les 6. Je me suis dit, non. Ouais. Puis, calé, j'aurais dû les acheter. Ça aurait été réglé. C'est comme chez Winners, dans le fond, tu sais. Ouais, exactement. C'est une pièce que t'aimes, tu sais. Il faut que tu jettes ça. Maintenant. Sinon, ça va. Mais de toute façon, ça se trouve dans les ventes de garage, comme tu peux voir. Il m'en manquerait 2. Je veux pas être prophète de malheur, mais. Ça, t'as fait satisfait de la shape, là. Pour moi, ça, c'est un upgrade à venir. Ben, écoute, moi, je regarde le prix payé, je me dis. Ouais, ben, c'est sûr, ça se prie. Fait que, à cette même vente-là, le gars est allé nous sortir quelque chose. Il y avait d'autres choses qui étaient là. Et une chose qui a failli me faire faire un infarctus. Alors, ceux qui connaissent les cassettes grises savent que parmi les dites cassettes grises, la plus rare et la plus en demande est Stadium Events. D'ailleurs, vous pouvez vous référer à l'excellent article de Papa Cassette sur le site de RDS. Oui. Les 5 jeux NES les plus chers. Ben oui. Et puis, on va pas. J'ai parlé justement de ce que tu vas montrer complètement là. Fait que je te laisse aller. Alors. Mais moi j'ai full relate quand j'ai vu ça. J'ai dit, oh my god! Alors, c'est quelque chose honnêtement, il y a bien des gens qui ignorent l'existence. Et si tu veux le trouver un prix pour ça sur eBay, c'est vraiment difficile parce que il y en a vraiment quasiment jamais. Et c'est avant la sortie de Stadium Events. Dans le fond, Stadium Events a été retiré parce que Nintendo voulait. Rebrander la patente avec leur propre truc, puis c'était un tapis en fait d'exercice qui existait et qui ont repris, qui ont sorti le tapis que tout le monde connaît, mais avant ça, il y avait le tapis version Bandai qui est le Family Fun Fitness. Wow. Alors, Family Fun Fitness, c'est le nom de la brand avant que ça se transforme. Et ce qui est vraiment drôle d'ailleurs, c'est que, c'est ça, il y avait un bundle qui venait avec Stadium Event, est encore très rare. Ouais, ça, c'est le basic set. C'est ça, c'est le tapis original, là, avant que Nintendo le rachète et le rebrand. D'ailleurs, en arrière, on voit la pub pour Stadium Events. Oui. Annoncé pour sortir bientôt. Coming soon. Donc, tapis est en bonne condition, la boîte est évidemment maganée et tout, mais évidemment, quand ça s'est sorti, j'étais comme tabarnak, on a-tu trouvé un Stadium Events avec le mat? Mais bon, finalement. C'était la version, parce qu'avant Stadium Events, il y avait un autre jeu qui sortait qui était Athletic World, qui est un jeu qui est pas facile à trouver, mais encore dans moins... Dans cette version-là, parce que... Dans la version, c'est ça, la version Family Fitness Fun, qui, comme tu dis, a été refaite... Parce que Nintendo a racheté toute Family Fitness Fun. De Bandai. Puis, de Bandai. Puis, quand ils ont fait ça, il y avait très peu de Stadium Events dans les magasins. Puis, il a tout été recalé. C'est pour ça que ça a pas été. C'est pour ça que ça, Stadium Events, il y en a presque pas eu. Puis, mais ça, ils ont pas joué dans le Il vaut combien celui-là à peu celui-là, près? Vaut vraiment pas très cher. Je pense que la version originale vaut à peu près 10$. Celle-là, je pense qu'elle en vaut comme 30-40. Ah, tant que ça? Ah, ouais. Un peu plus, ouais. Mais c'est parce que la cassette, c'est une variante. Ben, en tout cas, il y a deux variantes de celle-là, d'ailleurs, aussi, il me semble. Il y a celle-ci, la version Family Fun Fitness Série 1. Mais je pense qu'il y a deux variantes. Puis t'as une standard. La standard, j'avais dans mes tablettes, là. Ok, on va faire ça live. Là, unboxing. Unboxing. Fait que bref, on va faire un unboxing live justement pour comparer, pour bien montrer les. Est en haut de tout, c'est en ordre alphabétique. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de démanger ça. Il dit, je sais que c'est en ordre alphabétique, je ne sais juste pas et où la lettre A. Family Feud, puis après ça, je veux. Mais non, mais c'est Athletic World. Ah, Athletic, voyons, qu'est-ce que c'est? Cherche des A. Family Feud. Il cherchait des bleus. Ah oui. Athletic World. Yes. Fait que la grosse différence, c'est ça, c'est que. On peut voir à l'écran, hein, en gros. Il y en a une. Oups! Il y en a une qui a un 1. Oh. C'est ça, il y en a une qui a un 1 ici. Série 1. Oups, celle-là ici. Il y a un 1 et c'est écrit Athletic Family Fitness Fun. Mais ça fait, mais Family Fun Fitness. Bref. C'est pas si rare, mais c'est quand même drôle de savoir que ce jeu-là est quand même précurseur de Stadium Events. Donc, qui lui vaut la peau du cul. Bref, c'est ça. Fait que les trouvailles intéressantes, c'est toujours le fun quand les ventes de garage recommencent parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber puis vers où tu vas aligner ta collection. Il y a quelqu'un dans les commentaires, Genius35, qui demande, il est évalué à combien? Celui-là, comme je dis, je pense que dans cet état-là, avec la boîte, sûrement dans les 40$. C'est pas énorme, là. Mais c'est ridicule, mais c'est quand même dur à trouver. Moi, ça m'avait... Si on parle de Stadium Events, on parle de genre 15 000, là. Ouais, 15 000 pour la cassette, c'est un moment. C'est ça. Comme Joe Brochu dit, variable entre 10 et 15 et 20. Mm-hmm. Moi, le trouver à 10 000, là... Tu l'achètes. C'est un investissement. C'est un investissement. Ouais. Bref! Fait que c'est ça, un peu d'or gris. Il y a ben d'autres cassettes à mener. Il faudra faire une vidéo, je pense, de nos collections là, pour faire un petit survol. Oui. Moi, tout est dans des boîtes, là, je déménage. Pour les assurances, au moins. Mais bref, qu'est-ce que vous diriez de ça, messieurs? Il y a une question, Street Cup. Avez-vous Street Cup? Ouais, oui, c'est ça. C'est dans le lit en arrière, full set, c'est là. C'est là. Dans les S, Dominique. C'est d'après. Ouais, mais ce jeu-là, c'est un jeu de tir, non? C'est un jeu de tapis. Zapper. Tapis. Street Cup, c'est un jeu de tapis. Tapis et Zapper, les deux. Ouais. C'est un. Tapis et Zapper, comme. Dans run and gun. Ah ben oui! Power c'est premier run and c'est gun. C'est un vrai run and gun. C'est un run and gun, là, tu sais fort. Aïe aïe. Ça, ça vaut rien, par exemple. Mais Bandai, quand même. C'est Bandai, écoute, Bandai tenait ouais, un c'est comme au tapis. Bratteur. Ouais. Une belle cassette, ça. Tu vois, un beau dessin dessus. T'as l'impression que le gars sort de la TV. Prêt à barater du beurre. Ouais. Check ça, c'est beau. Wow. Street Cup. Barater du beurre. Alright. Prêt à t'en calisser une, mais tu sais, il est vraiment de bonne humeur, là. Ouais, c'est cette pochette-là. Il y a un gros sourire. On aime ça, là. On voit très bien à la caméra présentement. Fait que, non, c'est là. Yes! Alors, ça va plus tarder. Let's go. Ouais! On a des questions. On a des questions. Fait que là, Bruno, t'as une page de questions. J'ai une page de questions. Exact. Si tu veux, je vais commencer parce que moi, j'ai pris celle d'aujourd'hui. Bruno, celle qu'on avait en banque. Ouais. On a fait un mix and match. Là, c'est vraiment au hasard. Puis ça a sorti dans un ordre. Puis je vais pas aller piger au hasard dans le hasard parce que sinon, on risque de reposer les mêmes ouais, questions. Ouais, on risque de les mettre en, ordre. Bref, excusez, il y a comme un chien qui attaque Dom. Il y a un chien qui m'attaque. C'est vrai, il est vilain. Il est T'es parti avec son papier de toilette. Ha! C'est ça dans mon monde, dans mes sofas. Alright! Mais en fait, mais après ça, c'est le sofa, parce qu'il va le mettre au bout de la table. Parce que le chien ben ça, c'est vite, je vais le mettre. Ouais, c'est le bon plan. Alright! Alors, on part ça avec une première question. Let's go. Alors, tout le monde, c'est sérieux? Des questions? J'en prendrai mes lunettes de lecture. Ouais, hein? C'est le bout du nez, là. Monsieur Bernard Pierre. Alors, ouais, allez-y. Robert Guiscuit. Alors, Olivier Grondine. Alors, Olivier Grondine qui demande: à quel moment abandonnez-vous un jeu? Arrêtez-vous d'un coup ou vous y revenez de moins en moins souvent jusqu'à ce que vous l'oubliez? Ah, c'est comme une relation, ça. Mais pour moi, en fait, je peux répondre, c'est assez clair. Je reviens de moins en moins souvent jusqu'à ce que tu sais. Progressivement, je me mens jusqu'à un point où je dis ben là, non. Jusqu'à ce que quelque chose d'autre sorte. Ouais, exact, c'est tout à fait. Ouais, quand c'est tu ça. J'aime l'idée, tu sais, Bruno, il mentionne toujours qu'il achète virtuel parce qu'il peut revenir. Mais moi, à partir du moment où tu as quitté mon PlayStation, si t'es pas dans la boîte de l'autre jeu que je joue, ouais, t'es trop loin. Tu reviens plus jamais. C'est quand... ouais, c'est ça. Il y a un minimum deux jeux en même temps, tu sais. Okay. J'imagine le CD, tu sais. Ouais, c'est ça, pile là. Moi, je te dirais qu'au moment où je le désinstalle sur le disque dur, comme... Ouais, c'est terminé, C'est dans la tombe. C'est l'archive, là. C'est comme le baiser de la mort, Ouais, surtout quand digital, souvent, c'est genre des 40 gigs pis tout ça, là. Fait que, tu sais, moi, mettons que je le redownload, il y a des jeux aussi que, tu sais, je lâche en cours de route, pis après ça, le peer pressure fait que j'y reviens. Comme, mettons, Bloodborne, ça a fait ça. J'ai joué à Bloodborne, j'ai fait comme, c'est pas fait pour moi, ça, voyons donc. Puis je venais de l'acheter, genre, à 60$. Puis je vais être comme, Chris, tu te fous de qui, Bruno? Là? C'est vraiment pas ton genre. Fait que je l'ai lâché. Mais là, après ça, il y a tellement de monde qui m'a dit que c'était bon. Pression sociale. J'avais la pression sociale. Je me disais, Chris, je peux pas lâcher ça de même. Fait que là, je l'ai redownloadé, je l'ai réessayé. Finalement, ma personne c'était vraiment. Ouais, je l'ai relâché. Pour finalement lâcher, tu sais. Finalement, te le faire donner sur le PlayStation Plus. Il est gratuit. Mais moi, je quitte des fois, tu sais, comme en plein milieu, puis là, j'ai honte, là, tu sais. Ouais, je quitte à la fin. Exact. Mettons, il y a un an, cette petite boss de fin infaisable. Comme là, je suis un peu coincé à Tiny Barbarian, tu sais. Ouais. Parce que Chris, là-bas, je suis rendu, man. Là, il est tough, Tiny Barbarian. Il est vraiment dur, puis là, j'ai de moins en moins le goût d'essayer de me battre avec parce que c'est juste. désagréable. Le boss de fin de Cave Story, c'est pareil. Ouais. Conquest of the Crystal Palace. J'ai comme abandonné au net, j'ai abandonné ce jeu-là à la fin. Ouais. Puis là, j'ai honte en dedans de ne pas avoir persévéré, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aimerais ça. Fait que je vais y revenir à toutes ces affaires-là parce que ouais. Moi, ça reste en dedans. Puis, c'est comme un chapitre non fermé de ta vie. C'est ça, c'est ma pression personnelle. Là. Mais je trouve que dans les consoles, là, tu devrais pouvoir te mettre des reminders ou mettre des jeux genre dans l'ordre que je devrais y revenir. Parce que souvent, tu sais, les jeux, ils se poussent dans ta ligne. Tu sais, comme mettons, t'sais, sur Switch, ça va faire ça, sur Xbox, PlayStation, c'est la même affaire. Puis moins tu joues, plus ils sont loin. Ouais. Puis là, tu finis par les oublier. Ceux-là qui sont au bout, moi, des fois, je me rends au bout, puis je fais comme. Oh, c'est ça que les jeux mobiles font. Ils disent, hey Bruno, you have a beer with us? Ouais, in a while? Exact. Do you forget? Did you forget about us? Ouais. Oh, c'est ça. Ah ouais, ils font ça tout le temps. Mais je trouve que c'est bien. Parce que justement, t'as le remords, comme Dom dit. Ben, c'est bien, mais en même temps. Le remords, c'est ce qu'il y a de meilleur. Imagine, tu sais, c'est l'équivalent. C'est ça que tu fais avancer tous les jours de ma vie. Mais c'est comme, mettons, si t'étais addict à ce jeu-là, puis il y a des jeux, les jeux mobiles sont souvent faits pour développer l'addiction. Mais c'est comme genre. Hey, ça fait longtemps que t'as pas pris d'héroïne. Ouais. Mais je t'attends une petite dose. C'est comment, man? Hey, c'est ça. Tu vas avoir du fun. Tu vas même affaire. C'est vraiment ça, là. Tu sais, un temps limité. Moi, je prends avec parcimonie là, ces rappels-là. Là, je pense. Souvent, j'ai disable. Là. Voulez-vous c'est qu'on vous envoie des notifications? Non. Ouais. Ah, ça finit là. Ouais, c'est sûr. Ah, puis je peux pas lâcher un RPG pendant une semaine parce que sinon, c'est plus. Ah non, c'est clair. C'est RPG, il faut vraiment que tu y vas d'une shot, sinon tu y vas pas. Là. Faut que d'ailleurs à Gardanouche, là, tu te rappelles plus c'est où ça map. C'est ça. Quelle lampe faut que tu utilises, c'est quoi qu'il faut que je mette dans la casserole? La lance de la grenouille, tu sais, c'est ça. Moi, genre, c'est tellement rendu facile d'abandonner un jeu. Là. C'est comme, on dirait que dès que tu perds 5 minutes de mon intérêt où tu me fais poigner les nerfs, là, c'est comme. Mais c'est de même les relations tellement... aujourd'hui. Le monde se sépare. Ouais, suite, Ça, c'est les nouvelles générations. Il y a tellement de choix. Tu sais, check la pièce. Ouais, ça, c'est ça, des clair. Jeux. Il y en a des. Ouais, mais ça, c'est comme le meme avec le gars qui est avec la fille et qui regarde l'autre. Là. c'est un peu ça, les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Chérie, je fais pas ça. C'est comme nouveaux jeux qui viennent de sortir. Là. T'sais, mettons, oh, ma game de Far Cry, là. Oh, God of War. C'est un peu ça. C'est vrai, mais il y a aussi le fait, tu sais. Mais c'est vrai, sans la communauté. Mais les communautés de gamers, c'est dégueulasse de même parce que tu sais, il y a un méga méga hype, puis après ça, personne joue, t'en parles. Là, t'es comme, si tu veux faire partie de la game, toujours de nouveau, man. T'as pas le choix de jouer au nouveau, de dire, hey man, t'as-tu fait de God of War? C'est malade, non, tu peux pas me spoiler parce que je vais jouer dans 6 mois, tu sais. Ouais, là, dans 6 mois, tu vas pouvoir partager avec personne. T'es comme triste, t'es sur Reddit, tu cherches des forums pour partager. Moi, j'ai demandé God of War pour ma fête parce que je me suis dit que ça me tentait pas. J'ai pas le temps de jouer de ce temps-ci. Puis j'étais comme, je sais que je vais vouloir passer là, comme 10-20 heures d'une traite. Là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a les ailes qui poussent. Tout le monde en parle, Tu te transformes en cocon, puis. C'est ça se spoil. Il reste de même pendant 20 heures. Il sort de dire, mais faut juste que tu commences avec God of War, finalement tu joues Raiden, c'est ça que tu me dis. Ouais, exact. Mais bref, non, c'est ça, fait que là tout le monde en parle, puis là j'ai l'impression que quand je vais y arriver, moi ça va être. Ouais, tu manques le train, là. Ça va être terminé. Ouais, c'est ça. Hey, grosso modo, là, c'est comme la première question qu'on vient de clencher 20 minutes. Non, ouais, ça te prend une nouvelle question. Vas-y, ok. Une autre question, vas-y, on va tout y aller, Bruno, je vais y aller parce que t'as l'air à regarder les commentaires. Mais c'est parce que j'aime le commentaire de Power Chaser, je vais juste le dire. Il dit, si le jeu me fait plus chier que j'ai de fun, je passe à un autre appel, trop de jeux, pas le temps de niaiser. Exactement. Pas mal ça aussi. Pas le temps de niaiser. Oh, alright, une autre question. Ouais. Jean-Michel Racine. Merci Jean-Michel. Ouais. Quels sont vos types de software physique préférés? Exemple, cassette, genre laquelle, CD, cartouche, download, etc. Le hardware. Quoi? J'aime pas les hosties de CD. Je trouve ça trop gros, je trouve ça cheap. Ouais, moi avec, un case qui a l'air d'un case à DVD, tu sais, puis il y en a plein. Puis c'est ça qui est ça. J'aime moins ça n'a pas de charme. Ouais, t'sais. C'est vrai. Tu sais, on achète, j'en ai des jeux de PS2, il y a des jeux d'Xbox là, partout, tout vert, tu sais, je trouve ça beau. Mais ça n'a pas de. Ça n'a pas de valeur. C'est pas lourd! Il n'y a pas de chunk. C'est pas un objet gracieux. Mais moi, ma meilleure cartouche of all time, c'est la cartouche du Game Boy, encore aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est un carré, c'est de la parfaite grosseur, t'en perds pas. Mais tu sais, c'est pas trop gros non plus, tu sais. Ouais. Il y a, tu sais, Super NES, ça se classe mal. Tu sais, il y a souvent des shapes rectangle, weird de cassettes aussi. T'sais. C'est drôle parce que moi, la Super NES, c'est ma favorite. J'en ai deux. Ouais. La Super NES, c'est ma favorite parce que quand tu l'échappes, il y a un sentiment puis un bruit de solidité. C'est plus vrai. Que les autres. C'est vrai que c'est rigide. Hey, genre, hey, c'est correct, bro. Oui, c'est correct. Ça. Dit, hey, man. Je suis correct. J'ai été conçu par des Japonais pour ça. T'sais, ils savent que les Américains, vous avez des gros doigts huileux, tu sais, puis vous allez m'échapper. Donc là, ils disent. Puis l'autre que j'ai été impressionné, la première de DS. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était un bel objet. La petite carte, là? Oui! Tu sais, comme, c'était petit, c'était cute. C'était tellement petit. Si tu mettais ça dedans, ça snappait, il y avait un ressort. Mais ça, c'était cute. En même temps, c'est la plus dégueulasse au monde. Quand elle est en vente, loose. Je suis d'accord. Moi, d'accord, un gros rack de DS loose, comme, ravale mon vomi tellement ça me fait chier de voir ça. Je suis pas d'accord, mais la première fois que j'ai eu cet objet-là dans les mains, je me suis dit, wow, c'est vraiment ça le futur, tu sais. Puis j'aurais une note spéciale à dire pour les UMD. Parce que tu sais, c'est regarde, c'est comme une lousse, mollasse, un peu le lousse. Tu dis, je peux pas mettre ça dans mon sac à dos noir. Non, les affaires de. Dans les USB, je pense que c'est méga mal. Tu sais, l'espèce de disque dans une caisse de plastique que Sony a essayé de pousser. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu dis. Je pense qu'il est pété en plus celui-là. Ouais, tu peux pas mettre ça d'un sac à dos, man. Tu dis, je vais maganer le disque pareil parce qu'il va shaker. Mais c'est-tu tout ça? Oui, c'est juste un disque. Mais c'est dans une cassette en plastique, puis il y a comme tu un. Tu rentres dans le slot. Tabard, mais en tout cas, j'en ai un qui a comme pété à un moment donné, puis c'est comme le disque. C'est vraiment un CD dans c'est un CD dans un format propriétaire. C'est genre fait pour traîner d'un semi-sac à dos qui bouge pas beaucoup. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Mais moi aussi, moi je suis fan de cassettes. J'aime tellement les cassettes. Je trouve ça beau des cassettes. C'est comme ça s'expose une cassette. J'aime quand on peut lire ça à tranche. T'sais, 64, ça, man, ça fait chier. Jaguar, Game Boy, on peut pas lire sur les tranches là-dessus. Ouais. Une autre affaire qui me fait chier. Quand on lit ces tranches, mais qu'ils sont pas dans le même sens. T'sais. Ah ouais. Les jeux Atari sont tous comme écrits comme ça, puis il y en a un qui est écrit dans l'autre sens. Ouais, ah si, man, ça qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas le mettre à l'envers des autres, ben, ça va fucker la chaîne de la série dans ta tête. Ça, blague, c'est quelqu'un qui déteste les OCD, là. Ah ouais, c'est quelqu'un. Et que lui, va fucker ta patente. On va le faire. Et moi, je trouve les pires, en fait, PS Vita puis Switch. Malgré le fait que j'adore ma Switch, là, ça se perd tellement facilement. Ouais, justement. Tu sais, PS Vita, même affaire, c'est tout petit. Là. Non, mais en fait, c'est comme un genius qui dit justement, qui parle du goût des cartouches de Switch pour pas que tu t'es mettes dans la gueule. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé ici? Non, j'ai pas eu le goût. Non, c'est quoi cette histoire-là? J'avais pas le goût. Il y a du monde qui a essayé ça. Je sais pas si il y a eu du monde qui a fait le challenge au début. Ils ont mis un produit chimique X ou une réaction X avec, je sais pas, le métal pour que ça goûte pas bon, pour pas que les enfants les mangent. Ben voyons. Regarde, c'est une rumeur de l'internet. Vous pouvez l'essayer à la maison et nous donner live dans le chat. Là, on serait surpris et intéressés de savoir. Non, mais il me semble que c'était Reggie qui avait dit justement « Ouais, c'est vrai, on a vraiment entendu les cassettes. » Je connais juste personne qui l'a fait. J'ai pas vu de vidéo de YouTube de monde qui le faisait non plus. Mais ah, légende urbaine selon Power Chaser qui l'a essayé lui-même. Tu l'as-tu essayé, Carl? On demande ça en direct. Ouais, il y a avoir un petit délai dans la réponse, mais en attendant, il y a quelqu'un aussi qui mentionne un commentaire que j'aime beaucoup. C'est le clac and crunch de quand tu insères une cassette de Coleco. C'est vrai, Simon. Moi aussi, je trouve que quand tu rentres, cette machine-là est comme. C'est solide, là. Puis quand tu rentres de quoi là-dedans, t'as vraiment l'impression que tu viens de brancher comme genre de quoi d'important dans l'univers. Ben, je suis d'accord, tu sais, c'est. Oui, le son, il est fou, puis t'es pas sûr, tu pousses, là. Faut que tu pousses plus. Fuck. Pis y a vraiment, là, tu sens les pins trop serrées de métal. Tu sais, genre. C'est comme là. Pas de mauvais côté. Écarté, non, c'est clair, là. Moi, un de mes meilleurs feelings dans la vie, c'était de mettre des cassettes VHS. Ah! Juste le feeling, le clown qui a tout ça. Mais une bêta, mon ami d'enfance en avait une, Charles, pis j'étais là. C'était clean, c'était comme ça rentrait là. VHS c'était clean. En plus VHS le panneau, c'était un panneau qui faisait ça. Ouais. Dans le bêta, c'était deux panneaux qui faisaient ça. C'était beau là, tu sais. C'était beau, man. Il a gobé super vite. Là, c'était comme fini, man. Attends, mon bestie. Dernière cartouche là. Une qui me fait peur puis que j'aime beaucoup, Neo Geo, tu sais. Il y a un processeur là-dedans, tu sais. Ouais, c'est pas du plastique super, c'est ça. Tu veux juste jamais échapper ça, t'es comme t'apprends, t'as quasiment des gants blancs, tu sais, un coussin qui te suit, tu sais, c'est trop. Les MVS, ça a pas l'air solide. T'sais, on l'a à l'arcade, il est pas mal, mais ça a l'air quand même un peu plastiqué. Mais c'est pas du plastique. C'est les seuls qui le charme, clairement, il y a un petit bout qui casse en dedans. Mais au prix, ça se vendait, il se dit, aucun enfant va avoir ça dans les mains, tu sais, fait que c'est un produit d'adulte, là, tu sais, finalement. Ouais. Bon, hey, écoute. Il chie en direct. Bon, hey, autre question avant qu'on se ruine les papilles. On continue avec Charles Ménard pose une question, peut-être plus pour du côté rétro. D'après vous, l'émulation a-t-il eu un effet négatif ou positif sur la collection rétro? Et ça continue. Est-ce que le piratage des vieux jeux est une abomination ou au contraire, ça permet à plus de monde d'être initié et ensuite d'embarquer dans le bateau? Moi, je trouve que ça n'a absolument rien changé. Absolument. Quand le monde a dit « Earthbound va être maintenant disponible en virtuelle console », prix d'Earthbound a continué de monter dans ce temps-là. Ça, ça a changé fuck all. Et pour le piratage, ben moi, je dis « ben oui ». Ben, pirater du stock qui se vend plus en magasin, c'est une façon d'y accéder. Là. Ouais. C'est pas de le faire, mais je veux dire, je suis d'accord avec le fait que ça, comme n'importe qui peut jouer à n'importe quoi, puis ça permet à ben du monde qui n'ont pas un Coleco, un Atari ou ben un NES. Non, c'est ça. Mais je pense aussi qu'il y a une frustration de ben des gens de services ou de trucs qui arrivent pas avec le temps, qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui vont vers l'émulation parce qu'ils se disent comme calisse, là, à un moment donné, ça va tuer. Ouais, mais l'émulation a un rôle à jouer. Tu sais, moi, je mange. Tu sais, on revient dans le temps, là. Fin 90, début 2000. C'était dur de trouver des choses. Il y a des jeux que tu savais même pas qu'ils existaient. Il n'y avait pas de liste. Ouais, moi, l'émulation, Atari 2600, entre autres, là, j'étais là. J'avais joué sur Stella. C'était comme, oh my god! C'est quoi ce jeu-là? Mais tu joues une minute. Ah ouais, finalement. T'sais. Mais là, il y avait. C'était là l'émulateur. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'était un bébé. Tu sais, ColecoVision en avait. Tout le monde en avait un. Puis Nestical, pour ceux qui ont joué avec ça dans le temps. Ça marche encore. Oui, je sais. C'était beau cette affaire-là. Il y a une main qui saignait, qui était le curseur. Écrit en assembleur, je me souviens bien. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre c'était quoi la. Jeu de mots, mais là, tu sais, j'étais comme. Oh, ouais, ben ouais, c'est ça. Ok, c'est quoi ça? Ouais, mais tu sais, fait ces trucs-là ont joué un rôle important, je pense, pour maintenir le rétro en vie avant le. Qu'il y a une réorganisation des collectionneurs, puis une espèce d'organisation. Fait que pour moi, c'est intéressant. Puis c'était des abandonware à l'époque. Fait que là, présentement, il y a tout le temps une petite zone grise, là, vu que les jeux ressortent, mais il y en a un paquet, là, tu sais. Écoute, moi je pense que de ce que j'ai pu voir, c'est que je connais bien les gens qui sont équipés comme ça se peut pas d'Everdrive, de trucs comme ça qui leur permettent de jouer à tout. Puis ces gens-là aussi continuent d'acheter. Il y en a qui jouent avec leur Everdrive pour pas manipuler leur cassette. Il y en a d'autres qui découvrent qu'est-ce qu'ils veulent acheter après pour avoir un c'est ça. Physique. Puis c'est moi, sûr, tu sais. Puis l'État Sanson, c'est un bon exemple de jeu qui. Ben oui. Tu correct de donner une rince à un émulateur parce que tu sais, c'est pas si écœurant que ça. C'est le fun, mais. C'est peut-être 150$ le fun, tu sais. 1500$, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose qui coûte 1500$ qui est le fun. Il n'y a rien qui est le fun. À moins que ça comporte un gun puis des chars. Mais c'est plus c'est l'élément de collection. Fait que tu veux l'objet, vas-y. Si tu veux le fun, ben essaye le jeu. Yep. Alright. Écoute, je vois que. C'est parce que j'avais fini d'écouter Fugueuse, hein, mais je me disais. Pour 150$. Tout joke. C'est le bout en coup. Ça, c'est le bout sale, ça. Ça, c'est le bout qui est juste pour la montre qui écoute live. La petite GF l'enlève. Je bois de la milkshake à épier, là, puis j'ai chaud, puis je vais m'en venir chaud. On a tous chaud, en fait. Extrêmement chaud, monsieur. Vous allez voir, on devient rouge progressivement. Les cernes vont apparaître en dessous de nos bras. Tu sais. On a même du papier pour s'essuyer le beurre de reste. Oh my god, t'es vraiment plagué ça! Du beurre de rein! Ouais, c'est ça! C'est pas le plus bon terme au monde! Ah ouais! Le pire, c'est que c'est tellement visuel! Ah ouais, ça marche! Ok, gars! Continue! On va faire un autre 15 minutes! Ok, let's go! Les questions! Alright, alors une autre question! Cette fois-ci, c'est Éric Hébert qui demande: c'est quoi le futur des jeux comme un service? Comme service? Ah ouais! Games as service! Ouais. Donc, genre les Xbox Game Pass qui ouvrent la porte avec les nouveaux titres, etc. Et moi, je souhaiterais que ça soit ça qui arrive. Ouais. D'un, ça mettrait fin au collectionnage, ce qui serait pas une mauvaise chose. Comme ça, parce que là, on va arrêter de dépenser. Puis, la vie elle-même, je trouve. Ouais. Netflix, Spotify, j'aime 100 fois mieux ça que m'acheter des films, m'acheter des disques, puis empiler ça chez nous. Puis, fuck it, man. T'as ce que tu veux quand tu veux. C'est ça l'avenir. Ouais. La télévision, j'ai appelé Vidéotron cette semaine, j'aurais dit. Coupe-moi ça. On l'écoute plus à TV. Fait qu'on a droppé pas mal de postes. Moi, j'ai gardé ADS pour mon gars, mais sinon, je pense que j'aurais enlevé tout ça. Ouais, tu gardes la base. Moi, je garde la base juste pour pouvoir plugger Game of Thrones quand le temps est venu. Ouais, c'est ça, carrément. Mais moi, ce que je me demande, c'est où les développeurs vont faire leur argent, mettons, par rapport à un indie. Tu sais, comme les AAA par rapport au indie, d'être sur le même niveau. Moi, c'est plus ça que je me pose des questions. Comme pas pour nous autres, pour le consommateur, c'est fantastique. En même temps, c'est ça peut être l'effet contraire. Le c'est le temps que ça arrive. Tu sais, quelqu'un. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, tu t'abonnes sur Netflix pour écouter des séries ou des films que tu as en tête, mais après ça, mané, tu browses Netflix, puis là, tu commences à découvrir d'autres affaires. Tu as des suggestions, ouais, t'as des trucs comme ça. Tu as des contenus que tu aurais probablement jamais décidé d'accéder. Puis c'est la même chose avec les jeux. Les jeux, on s'entend, les jeux, c'est particulièrement traite parce que crème en bas de 10$, c'est rare qu'il y en a sur console. Tu vas sur le store, là, puis moi, à toutes les fois que je vais sur le store de Xbox, j'ai une panique là parce que je regarde ça, puis tu sais, eux autres, c'est tellement facile d'en être des jeux que. Il y a tout, il y en a des milliers, là, je peux pas tous les essayer. On le voit de la façon dont tu t'exprimes, là. C'est ça, je fait que j'étais à un point où je me dis, ça arrivera pas. Fait que tu sais, je serais pas capable, mais avec le Game Pass, je t'avoue que là, avant le WEG, j'en ai téléchargé une batch. Puis comme, ah, on va pogner ça, ça va le fun. Tu sais, t'en prends plein, puis c'est là. Ouais. C'est comme. C'est le fun, ça. C'est un peu comme Netflix, c'est juste que c'est plus lent. Faudrait que le streaming, là. Il y a quelqu'un qui posait une question menée par rapport à ça, là, le PlayStation Now. Je pense qu'on l'a pas mis parce qu'il ressemblait à la question. Ouais. Mais PlayStation Now, le streaming, c'est une bonne piste. Mais peut-être que l'Internet. Très haute vitesse, c'est pas encore assez mainstream. On va donner quelques exemples. Avec Switch, avec Switch Online, avec là, on a jeux, genre 10 jeux NES. Là. Ouais. Ça s'en vient, les gars! J'ai pas joué à Mario Bros. C'est 2, un début, tu sais. C'est un début. Sacrément, il me semble que ça pourrait aller plus vite que ils ont écrit Mario Bros. Puis Mario Bros. 3, mais pas Mario Bros. 2. Ouais. Je comprends. Il le renie, genre. Ah, c'est le vendre, celui-là. En tout cas, ça fait pas partie de la question, mais. Bon. Moi, je trouve que c'est ça, Game as a Service. C'est sûr que c'est le futur. C'est sûr que c'est le futur d'avoir, d'avoir un abonnement aux jeux vidéo, mais ça dépend juste du modèle. Ça dépend s'ils vont le faire en streaming. Moi, j'aime plus la formule que tu downloads ton stock puis tu y joues en offline comme tu veux. Comme, mettons. Comme Game Pass. Mais mettons, là. Ma seule grande crainte, là. Vous connaissez les modèles de streaming. Tout le monde dit Spotify, les artistes se font avoir. Sur YouTube, tu fais pas une scène. Ouais. C'est les producteurs de contenu, là. Puis, bon, il y a Netflix qui est un peu correct. Star Wars, il arrive chez Netflix, il y a un deal de sweet deal. Mais tu sais, mettons, on parle de Red Dead Redemption 2. Là. Ce jeu-là va coûter quoi? 500 millions? Ouais. Tu sais, genre, essaye de rentabiliser ça à coût de 10$ par mois. Puis non, ça marche pas. Fait il y a quelque chose à raffiner du modèle, mais je suis d'accord avec vous tous que c'est l'avenir. Mais c'est gros. C'est plus des triple A, c'est des quadruple A. Ça coûte des fortes. 500 millions. Oh, oui, clairement. Hey, c'est clair. Mais ramener quelque chose par rapport à ça avant que je l'oublie. Là, une pièce le game passe. Ouais, c'est ça, le game il dit que c'est une pièce en ce moment. Le game ils ont fait une grosse affaire. Je crois que c'est 2-3 jours, un spécial. Là, puis, Mais tu sais, imagine que tu peux. C'est parce que les démos, il n'y en a plus malheureusement. Puis il y a une affaire que j'avais essayé sur PlayStation pour les membres de PlayStation Plus. Il y a plusieurs jeux que tu pouvais essayer une heure. Ouais. Puis le jeu est sur ta machine. Puis t'as juste un time trial. Puis après le 1 heure, ben ça arrête, il est bloqué. Mais si tu l'achètes, il se débloque. Ouais. Je trouvais que c'est ça, c'était une bonne formule. Parce qu'au moins. Un shareware. Tu le sais. Ouais, comme un shareware, comme dans le temps. Mais tu sais, je trouve que c'est une bonne formule. Sur PC. Puis ça mettrait tout le monde au même niveau. Tu pourrais checker les autres jeux. Ça, c'est une belle façon, honnêtement, ça. C'est un plus gros revenu quand tu le débats. Ouais, c'est ça. Suivant, là, on n'est pas vite, là. Écoute, je pense qu'on va faire une dernière, puis on va faire une pause rafraîchissement. Ah ouais? Ah ben, veux-tu juste te remplir? Écoute, Je vais te remplir, moi. C'est comme tu veux, on peut y aller. On peut continuer. Dans pause, Dom va remplir Fred. On roule par l'instant. Okay. On peut faire des rotations ma douce. Non. Là, c'est pas ça, là, c'est dégradant. C'est tantôt en plus. C'est épisode. Écoute, c'est ça. Je suis comme moi. Je pense que pose la question, on va répondre. Ouais, peut-être dans le live, peut-être qu'il y a un bon rhum. Tu sais, comme un bon cidre en canette, ça serait très apprécié. Un bon cidre frais. Ok, garde. Écoute, on a perdu 3 viewers. Là. C'est vrai, une de barbouillade froide aussi. C'est pas le fun. Toutes les filles ont débarqué. Bon, ça va faire son chemin, le beurre de rien. Alors, on y va, on continue. Jonathan Paradis, salut Jonathan. Qui demande, est-ce que vous préférez jouer à vos jeux en français ou en anglais? Ouf. Définitivement en anglais. Ah ouais? Ouais, c'est... Moi? Nintendo font une bonne job de traduction, ouais. Non? Ouais, ouais, moi je te dis une que... Une job funny de la traduction. J'essaie tout le temps les deux, moi, ben franchement. Ben moi, c'est à cause de mes enfants, fait qu'on joue en français, mais je suis pas comme... comme quand j'écoute des films en français. C'est moins pire qu'avant, on se le donnait. Sérieusement, c'est quand même pas mal moins pire qu'avant. Ubisoft, je trouve que c'est dans ceux qui faisaient les meilleures traductions françaises, notamment parce que c'était une compagnie française et tout, puis ils allaient chercher... Moi, je me rappelle dans Prince of Persia, c'était Joël Legendre qui faisait la voix. J'étais la qualité. Ouais, c'est de la grosse qualité. Joël Legendre, pré-parc, là. Ah ouais, ouais. Celui de... celui de Super Sauté? De... Super Sauté? Non? La personne s'en rappelle de ce show-là, fait que c'est une joke vide. C'est vrai, Off-en-Forme ou je sais pas trop quoi. Non, Off-en-Forme faisait ça aussi. Off-en-Forme avec les légumes. Mais Super Sauté, y a-tu du monde qui se rappelle de Super Sauté, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Laissez-nous le savoir. Comment on parle de Joël Legendre, Super Sauté, pis t'as pas le connexion qui se fait, tu dis. Non, c'est ça, Circa 1991. Mais moi, je tiens à rappeler que Joël Legendre, c'est une des plus grandes voix qui fait le plus de stock en VO qu'on a. Hey, ce gars-là, ce gars-là, il travaille. On rit de lui, là. J'ai Aladdin. Moi, j'achète des Mercedes à tous les mois avec toutes ces gens. Joël Legendre. Non, mais il a fait Aladdin. Ce gars-là, il fait plein d'affaires. Il fait de la post-synchro sans arrêt. Ah ouais, en tout cas. Il fait des annonces toutes. Lui, mon gars, le cash rentre, là. Ah ouais, ce gars-là, il est comme Ricardo. Il se couche le soir. Comme il se réveille, il rit. Il a de l'argent. J'ai de la misère à dormir. Sans le cash, il a de l'argent. Bon, quelqu'un qui dit justement la phrase magique, what happened to j'ai appris l'anglais avec les jeux vidéo. C'était dans le temps, c'était utile, il fallait faire ça. Il n'y avait pas Yves Torbeil qui faisait la voix du Solid Snake. Ah ouais. Sauf que moi, j'aimerais dire que 90% de ce que je consomme dans la vie est en anglais. Puis ça me fait du bien de d'utiliser des choses en français quand je peux. Ah ben, non, non, mais c'est vrai. Ah, mais tu ris, mais moi, combien de fois, shows québécois ou francophones vous écoutez? Ah, ouais, c'est ça. C'est très bien. Mais j'ai de la misère à parler des fois sans dire des anglicismes ou des mots anglais. Puis, tu sais, mettons, une entrevue là, à l'arcade là, pour parler de nos deux ans, mettons. Là, je lâche des mots en anglais, puis là, je suis fuck, c'est quoi en français? T'sais, je consomme tellement d'anglais que j'en perds mon français. Mais c'est pas des jokes. Mais je te comprends. Super mal moi, genre, parce que je drop des mots. Je suis pas capable. T'sais. Moi, j'essaie. T'sais, souvent, les Japanese RPG, tu vois, l'audio en japonais, puis le langage en français. Puis genre, je me rappelle Xenoblade Chronicles, c'est devenu une expression dans mon couple. Ah, c'est un véritable sac de nœuds. Tu sais, on utilise ça, c'est comme... Ah, voyons donc, tu sais, t'as une situation lourde. Ah, c'est un véritable sac de nœuds, tu sais. Grâce à Xenoblade Chronicles. Fait des fois, c'est le fun, puis c'est des traductions françaises, vraiment, là, de France. Moi, je trouve, essayer les deux, on a le luxe, maintenant. Ah, c'est d'essayer toutes les langues, tu sais. C'est plus une question que je trouve que... J'ai grandi en écoutant mes films en français parce qu'il y avait juste ça au cinéma du coin et tout. Puis là, une année, j'ai découvert l'acting en écoutant des vrais films en anglais. Totalement. Là, t'es comme, OK, dans le fond, c'est pour ça qu'il y a des Oscars. C'est que dans le fond, il y a des vraies performances qui se font. Arrête, tu t'as vu un Prince à New York. Tu t'as vu un Prince à New York en français? Ou Slapshot, il y a des plus-values. Ouais. Ouais, il y en a, mais il y a New Jack City. Il y a une grosse différence. New Jack City, c'est une autre. C'est les Simpsons, ça fait une bonne job. Ah, ouais, tu sais, il y en a, ouais, mais c'est pas. Mais il y a une grosse différence entre un film et un jeu vidéo, sérieusement. C'est encore drôle, je trouve que des fois, les studios. Ouais, des fois, c'est fort. Moi, je m'excuse, mais je me rappelle, le meilleur exemple que j'ai, c'est j'avais reçu à Noël Call of Duty World at War. Ouais. Puis c'est mon frère qui me l'avait acheté. D'ailleurs, je te remercie, mon frère. Il nous écoute, il m'a dit ça dernièrement. On sait. Mais il me l'a acheté au Walmart local. Puis Walmart, eux, dans leur politique, c'est de vendre des versions françaises en priorité. Ouais. Puis c'est pas tous les développeurs qui font des versions bilingues ou multilingues. De leur jeu. Activision le font pas, donc lui il a acheté la version française pis sans le savoir. T'as pas les deux tracks sur le jeu? T'as pas les deux tracks sur le jeu parce que c'est trop des gros. C'était trop long. Ah ouais. Ouais. Alors au lieu d'avoir genre Kiefer Sutherland en multiplayer qui criait genre Release the Dogs! Tu sais, t'es comme une grosse voix masculine et virile, j'avais un petit monsieur français qui disait ils ont lâché les chiens! C'était ridicule, là. C'est comme tout. Tu sais, il y avait comme une attention qui était donnée à la version anglaise. La version française, c'était vraiment comme. Ouais. Faut que ça soit fait. Mais c'est pas tout bon, là. Tu sais, moi, je dis que je joue aux deux, mais c'est pas tout bon. Des fois, ça manque complètement. San Sato, il dit il y a une couple de voice acteurs solides pour les traductions, mais c'est. Je suis d'accord. Pas généralisé. Le seul, je dirais, qui le seul exemple que je pourrais mentionner qui, en fait, est meilleur en français qu'en anglais. C'est, je sais pas si vous avez joué au jeu Kona, qui est développé par... Ah ben c'est québécois ce c'est jeu. C'est québécois, ouais, ouais, c'est ça, mais je sais pas le nom du studio. Je m'en rappelle pas, mais l'histoire de police mais dans Grand exactement, Nord, avec Guy Nadon qui... C'est Guy Nadon? Qui fait la narration, puis fait quelques voix dans le jeu, puis ouais. C'est vraiment intéressant, c'est le fun, ouais. ça donne une crédibilité au jeu, tu sais, ça se passe dans le nord du Québec, dans le... pas en Abitibi, en tout cas, j'ai joué... Dans le bout des barrages, là... Ben Guy Nadon faisait la narration de Chariot aussi. Ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est le même studio Chariot. Que Chariot, ouais, okay. Qui fait ça. C'est dans les mêmes gars. On va finir sur le sujet, mais j'ai vu Bobette Miller a mentionné Pokémon en français, c'est rough. Je suis super d'accord parce qu'ils ont changé tout le nom des Pokémon. Ouais, tu parles au monde, puis personne ne te comprend. Fait qu'il faut jouer en anglais. Mais ça aussi, Pokémon, ça aussi, en même temps, si tu prends la vraie version, tu serais supposé de jouer en japonais. Tu sais, les hardcore vont te dire quand tu joues dans la version japonaise. Non, non. Sous-titré. Mais. J'en connais du monde de même, là, qui sont comme. Mais voyons donc. Non, mais y a pas de VO. Tu joues en japonais, tu me sous-titres. C'est juste du texte, voyons donc. Moi, je suis les kanji. Tu diras à tes amis qui mangent la marde. C'est quoi ça, hiragana? Ah ouais, c'est pas Pikachu, mais en tout cas. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, Pokémon, j'ai des gros problèmes avec ça, sérieux, parce que là, en plus, je viens de commencer la nouvelle série Moon and Sun. Ouais. Dans le. En Hawaii, là. Ouais, ouais. C'est le soleil d'Alola. C'est Alola. Puis là, ils ont tous des noms qui marchent pas. Puis là, je parle Pokémon avec du monde parce que j'ai comme une vie sociale. Ouais. Tout ça, je vis. Puis personne sait qui c'est ça. Ouais, non, c'est Greninja. Non, mais en français, Amphinobi. C'est crissement hot en français, Amphinobi. C'est Shinobi, Amphibien, Amphinobi. Ça marche au bout, mais Greninja. Je m'ennuie. Y en a-tu d'autres questions? Écoute, je te dirais qu'on est rendu. On a fait 5 questions sur 45. Ouais, mais c'est efficace. Le but, c'est ça. Écoute, je vais en skipper. Ben, Power Chaser, Jap avec les sous-titres en anglais. Toujours. Bon. Écoute, on va y aller sur quelque chose qu'on a déjà parlé, puis on va pouvoir enchaîner là-dessus, puis en parler. Je pense que c'est d'actualité un peu. Alors, il y a Laurent Nixon qui demande « Pensez-vous que Nintendo abandonne leur programme de console virtuelle vu que ça fait plus d'un an sans aucun détail? » Alors, Laurent, ça a été posé. Nintendo, ta question aujourd'hui. J'ai vu ça sur My Nintendo News. Hier soir, à 9h, ils ont posté ça, puis ça a pris le web par storm. Le web par storm, moi, j'ai entendu parler avant le show en remettant les questions. Puis il y a quelqu'un qui a reparlé de ça. Non, mais Kotaku, il capotait, non? Ouais, mais c'est Kotaku. Je dis pas Kotaku. Moi, vous connaissez mon opinion, les messieurs de Kotaku. Que Kotaku, pour moi, c'est comme aller genre lire la gazine dans la salle d'attente chez le dentiste. Là. C'est comme. C'est pas plaisant comme activité. Là. Bon. C'est des informations, mais c'est pas plaisant comme expérience. Bon. Ben ouais, allez-y. Ben ouais, c'est ça. Là, ils nous ont dit que. Il y avait 20 jeux à offrir. Puis c'est 25$. Puis c'est 25$ ou 50$ pour un an. Mais là, on parle de Nintendo Switch. Ouais, Switch, la version online. C'est ça, expliquez-moi, OK? Parce que là, je suis en train d'écrire un article sur Firebrand puis Gargoyle's Quest pour RDS. OK. Puis là, ces jeux-là, ils sont disponibles en Virtual Console. Ouais. Mais c'est quoi, là, la Virtual Console? Mais il n'y a pas de Virtual Console. Là, il n'y a aucune Virtual Console 3DS. Qui a été dite. Ils sont sur 3DS. Ça comment ça s'appelle? Oui, mais eShop? 3DS, c'est Switch, Virtual Console. Mais là, Switch, il n'y a personne. Mais si moi je dis aux gens, allez sur la Virtual Console, c'est sur 3DS. Ça serait 3DS. Et ça reste 3DS sur 3DS. Et Wii U. Ouais. Ça existe encore. Là. Ouais. Wii U aussi. Wii U pendant que le service est offert. Oui, par contre, tu ne peux plus télécharger, mais. Tu ne peux plus acheter. Tu peux plus acheter. Mais tu peux encore rouler tes jeux. Oui. Ouais. Tu peux les télécharger, mais tu ne peux plus acheter de nouvel argent. Merci. Ouais, c'est un nouveau crédit. Tu ne peux plus acheter de nouveau crédit. OK, ouais. OK. Ouais, c'est ça. Fait mais dans le fond, ouais, ça te prend une Wii U et une 3DS pour jouer à Virtual Console. Exact. C'est ou ça. La Wii soit si t'as ça. Déjà des crédits. Ouais, ou tes là, vieux ça s'en vient vieux. Ouais, ou la SNES ou la NES. Non, mais on parle de virtuel. Là. Ouais, okay. C'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment... Mais ça s'appelle pas Virtual Console, le nouveau deal. Non, c'est ça l'affaire. C'est un abonnement. C'est l'équivalent d'un PlayStation Live, là, dans le fond. Ouais. Pas live, mais plus, où tu vas pouvoir jouer en ligne. Les nouveaux jeux, les anciens vont continuer d'être offerts gratuits, là, by the way, comme ARMS puis... Splatoon 2. Mais mettons Splatoon 3 puis ARMS 2, il va falloir que tu sois abonné au service. Ouais. Ils vont donner des jeux gratuits en plus, puis tu vas avoir ton service de cloud saving. C'est ça que ça offre. Mais le cloud saving, tout le monde... Ça, le cloud saving, c'est malade. Moi, ouais, j'ai perdu des 10 heures. Dans PlayStation 3, je braillais parce que j'avais pas pris l'option à l'époque. Okay, okay. Là. C'est ça, il y a plein de monde qui ont perdu le cloud saving, c'est inutile. Ouais, c'est ça. Si tu crashes puis il y a une corruption, c'est pas si pesant, mais c'est plus de dire que... Ouais, c'est plus que si ta console, elle crash, c'est foutu, là. T'as plus rien. J'aurais bien aimé, mais c'est pas. Ok, qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. N'importe quoi. Excuse-moi. Mais non, c'est ça. Fait que là, le Cloud Save, tout le monde en voulait un. Fait que ça, c'est. Moi, je trouve ça la meilleure nouvelle, en fait, là, de cette service en ligne-là. Que ça existe pour la Switch. Après ça, le prix est très bon. Là. Ouais, c'est 50$ pour un an. Non, non, non. C'est pas cher. Non, mais c'est 45$ individuel. Ou 45 pour la famille, puis c'est jusqu'à 8 personnes. Fait que c'est pas pire. Ça, c'est tu bon. Peux pas faire ça sur PlayStation. Non. Fait que ça, c'est le volet familial que Nintendo a tout le temps. Là. Fait que ouais. Je trouve ça une bonne idée. Non, c'est une bonne idée. Ouais. Moi, mes kids peuvent pas jouer à Splatoon. Mais là, ils vont pouvoir. Tu vas avoir 8 profils. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit. Voisins, par contre, man. Il y a quelqu'un qui m'a dit par contre qu'on peut utiliser un compte Switch qui a des capacités en ligne, puis pouvoir l'utiliser pour tes enfants aussi. Fait que. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'y pense là, puis les 20 jeux en fait, peut-être que la raison pourquoi il n'y a pas Super Mario Bros 2, c'est qu'ils veulent montrer le volet multijoueur en ligne. Ben Mario 3, il n'est pas multijoueur. Mario 3 est multijoueur à tour de rôle. Fait que tu sais, c'est ça, fait que c'est peut-être. C'est-tu pour juste ça, des t'sais. Jeux en multi? C'est juste des jeux Nintendo. C'est-tu juste des jeux multi? Il me semble que oui. Ah ouais. Fait que c'est ça, fait que tu sais, c'est. C'est ça, c'est intéressant. Puis je me rappelle dans un ancien rétro nouveau, on avait parlé de ça. Ouais. Tu sais, jouer à des vieux jeux NES, mais tu sais, online ensemble, ouais. Là, Dr. Mario, tu sais, chacun chez soi, tu sais. Puis là, ils le font vrai. Ah oui, ouais. Wii, on sortit des spin-offs de Tetris de Dr. Mario qui le faisaient. Ouais. Mais là, c'est l'original. Ouais. C'est la real. Ouais. Chez Arcade Montréal, le monde, il joue aux vieilles. Non, non, non, mais c'est ça qui aime. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, c'est ça. Fait qu'on poursuit. On va aller plus vite. Quelqu'un qui demande, Bruno a déjà sorti avec la chanteuse d'Evanescence, c'est-tu vrai? Il faut que tu le dises. Pour vrai? Tu dises, Bruno. T'as pas le choix, Bruno, de la rumeur du web. Dans le temps que t'étais une star à Musique Plus. J'ai tellement pas le droit de parler de ça, là. Fait que non, je vais garder ça de même. Oh. Je peux pas en parler live. Jean-Sébastien Drolet, attends, pour rester dans le sujet. Demande, si votre nouvelle copine n'est pas gameuse du tout, quel jeu suggérez-vous pour lui faire découvrir les joies du gaming? Et là, ici, on a un petit ratoureux, je pense, qui veut avoir une réponse. Il fait de la projection. Sur Xbox One, mettons. Alors, je suis un peu dans ta situation, Jean-Sébastien. Alors, juste amuser les lumières pour te donner mes conseils. Alors, moi, ce que j'ai essayé, je me suis lancé avec ma copine aussi, qui est pas très gamer, mais en fait, elle aime beaucoup les jeux vidéo, mais elle trippe pas à jouer à part Sonic. Sonic, ça, c'est correct. D'ailleurs, elle a déjà dit de vous dire que les toutous de Sonic ici, ça lui appartenait à elle et pas à moi. Donc, c'est ma collection et c'est toutous de Sonic. Je suis pas toutous de Sonic. Bref, sur Xbox One, ce que je te suggère. Toi, là, Fred, arrête donc, là. Là, j'ai des mauvaises blagues d'adolescence puis de puberté à faire avec des toutous, mais je ferai pas ça. Parce que c'est du bon goût ce soir. Donc, sur Xbox One, moi, ce que je te suggère, c'est de regarder. La semaine dernière, il y avait Jeff qui a parlé de A Way Out. Si tu veux une expérience plus. Qu'est-ce que. J'ai lu du commentaire, je m'excuse, mais là. On vous avait dit que ça nous déstabiliserait tout le long, mais fallait qu'on rit trop fort, on réveille les enfants. On s'excuse, on va essayer le volume. Parce qu'il faut pas aller trop proche du micro, parce que le son est comme balancé pour une bonne distance. Sinon, les jeux de Lego, comme Lego Marvel, on a commencé à jouer, c'est facile à prendre en main, c'est juste que quand t'en as joué pas mal, t'es cœuré. Moi, j'étais. Ouais, c'est pas mal tout le temps la même affaire. Fait que sinon, écoute, sur Xbox One, je te dirais. Ben moi, je trouve que c'est ça, Lego Brothers. Pour ceux qui ont un NES, Othello. Mais Brothers, ça se joue à 1. Ah, pour vrai, ça se joue à 1, pis c'est vrai que Way Out, c'est intéressant. Moi, tu fais une joke, Othello. Moi, j'apprécie. Je fais même pas de joke. Moi, pis ma mère, on joue à Othello. Lui, Othello, pis ça blonde. C'est à l'Atari, pis au Coleco. Ok, un autre jeu qui est le fun aussi, comme ça, que j'aime, moi, c'est Joe Puis on a deux enfants, pis tu sais, on fourre, là. Géopardy! Juste à mentionner. C'est pas au lieu de. C'est pas un an. Tu fun à soi? C'est genre. Ah ouais, un dans la chambre. La télévision est dans la chambre. Puis, toujours. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va faire 3, un meme avec la photo de Shiny, Dom. Là. Juste pour être sûr. Ben, ça avait été demandé tout à l'heure dans le chat, fait que tu réponds. C'est ouais. C'est la prochaine question. Oui, c'est sûrement toi. C'est probablement la première. On va faire encadrer ça avec un petit link aussi. Un petit target de Mais bref, toujours aussi Guitar Hero, ces affaires-là, les jeux de son, ça marche. Overcooked fonctionne très bien. Overcooked, c'est très, très, très bon. Sinon, les Jackbox, Ah oui, ça c'est carré. Ça c'est carré avec n'importe qui ouais. game, mais c'est vraiment. Mais toi, Nick, avec ta concubine, oui. vous faites des jeux de longue haleine ensemble. Oui. Genre, le nouveau Zelda, il sort, vous jouez ensemble. Ce qu'on fait, c'est que c'est comme du partage de manette, on pourrait dire, là, où j'ai la manette en majorité du temps, mais ça me dérange pas, tu sais. Fait que. On peut faire des tâches ménagères en même temps. Tu sais, fait que, mettons, là, du pliage de linge, c'est horrible. Ah ouais, d'un que ça soit. D'un que ça soit qui plie, l'autre qui check la game. Le pliage, moi, je le rentre tout le temps. Ma blonde aime bien faire le pliage, puis là, je joue, c'est bien. Mais tu sais, comme elle aime grinder. Ouais. Dans les RPG japonais, moi, je trouve ça cool. Je dis, oh, nice, va grinder. Ouais, là, des fois, quelqu'un qui travaille. Tu vas au parc avec les enfants, les enfants. C'est bon, ça. Moi aussi, on fait des grinders pour moi, à Final. Nous, on fait des échanges de tâches ménagères ici avec la sortie du chien. Fait que, tu sais, sortir le chien pour aller le faire pisser dehors, c'est comme. C'est comme une monnaie d'échange contre genre, ok, moi je vais faire le souper, toi tu vas aller sortir le chien, ben, tu sais, c'est vrai, ça. C'est un choix évident. Moi, genre, je vais, écoute, je vais te grinder des chevreuils à World of Warcraft. Ben oui, vas-y, man. Tu dis, je vais te chercher un armure légendaire. Mais notre ami Maxime Desjardins joue beaucoup avec sa blonde aussi à des jeux, mettons à Yam Setsuna ces affaires-là. Ouais, mais quand c'est joli, ils s'assoient ensemble, puis ils le font ensemble. Ouais. Au lieu d'écouter une série télé, Uncharted, c'est comme leur série, tu sais, ils checkent ça ensemble. Si elle aime, mettons, Raiders of the Lost Ark, tu peux y aller vers du Uncharted. Ouais. Mais là, t'as un Xbox, fait que t'es un peu poigné, emprunte un PlayStation à un ami. Mais tu vois, c'est ça. Il y a Tomb Raider qui est quand même assez bon. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est le moi aussi, il y a les Telltale, toutes les Telltale. Ah oui! Ça se fait super bien avec ta blonde. Ça fait la chicane, ouais, c'est ça. J'ai même joué avec mes kids, celui-là de Minecraft. Walking Dead? Ouais, Walking Dead, évidemment. Hey, kill Clementine! Mais Walking Dead, puis voyons Colin, Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, ça fait bien aussi avec Batman, les Batman. Guardians, c'est le fun. Batman aussi, c'est, ouais. C'est sûr que. Batman, en fait, il était carrément, mais tu peux pas faire ça avec les enfants. Non, c'est ça, mais t'as un Telltale à peu près pour tous les styles. Ouais. De ça te prend quand même une partenaire qui est enclin ou. Mais faut qu'elle encline ouais. À ça, tu sais. Moi, ma blonde, c'est parce jamais qu'elle va s'intéresser à ça. Ça joue aussi à la gang, les Telltale. Tu sais, tu peux comme décider à la gang, puis ceux-là qui ont le plus de votes gagnent. C'est mais ça l'intéresse tellement pas. Non, mais des fois, t'as un petit meter là, qui va vite. Là. C'est un panic move. Ça, ouais, c'est ça qui fait les plus gros chicanes. C'est pour ça que t'allais dire de prendre. Je suis d'accord. Ah ouais. Mais bref, okay. Voici quelques conseils. Ok, on continue. Quand même. On est rendu. Ok. Marc-Antoine vient qui demande. Je sais que vous haïssez ça, mais c'est quoi le meilleur moyen de classer le N64 Lus? C'est ma console d'enfance et c'est dur de voir quel jeu qui. En tout cas, quel jeu est quoi lors de l'entreposage. Alors, mon conseil, moi, c'est que tu t'achètes Canadian Tire, il y a comme vers le fond, il y a une allée, écoute, pas loin des affaires d'arrangement. Poubelle? Il y a des poubelles, tu prends tout ça, tu mets ça dedans. C'est correct. Problème réglé. Je pensais qu'il allait dire le petit gars d'un caca. Le petit. Non, mais il existe des stickers sur Internet. Je ne pensais pas que t'allais le faire, toi. Non, mais t'es comme un heckler dans un show d'humour, tu ruines le show de tout le monde. What? Non, mais il existe des stickers custom, mais bien faits, avec le logo du jeu que tu colles sur la tranche. Je les trouve tellement laid. Je les trouve laid. C'est laid, man. C'est comme tout le monde. Couleurs, on dirait des boîtes de 64, c'est vraiment pas beau. Mais ces boîtes rondes, là, aussi, calice. C'est case, ça. C'est cassettes. Les cassettes de 64 sont vraiment difficiles. Il y en a, là, en plus. Yark! Ah, c'est ça. Moi, j'en ai mais non, il y a rien à faire, là, vraiment. Honnêtement... Moi, j'ai mis dans l'ordre alphabétique. Non, mais mettons, t'as un full set loose, là. Tabarnak, c'est déprimant, là. Ah oui. C'est pas. C'est ça. Mais là, le sticker, ça tranche, man. C'est ce qui semble être le plus populaire. Puis j'ai vu plein de jeux qui ont ça. Ouais, le monde prend des full sets, ils mettent ça. Ouais, mais tu gaspilles ta cassette. C'est super collant. Non, mais tu l'enlèves. Ouais, tu brises rien, mais c'est dégueulasse. C'est rouge et bleu et vert. Tu sais, c'est à chier. Comme tout le branding. Des boîtes de 64 qui sont ultra colorées pis plein avec de couleurs. Ça. Avec un Super NES, c'était beau, c'était noir pis il y avait un rectangle de couleurs. Ouais. That's it. Là, man, il y a comme des dégradés. C'est vrai, j'avais un ami. La grandeur de la boîte. J'avais là, un ami dans le temps. Du rouge, du bleu. Dans le temps de la 64, j'avais un ami qui lui mettait ça dans des boîtes de cassettes. Mais des cassettes, genre des TDK, là. Ah ouais, ouais. Puis il mettait ça là-dedans, puis ça se classait bien. Puis ça, ouais, ça c'est se plaçait bien. Trop gros, ça prend des caisses plus gros. Moi, j'avais essayé de le faire avec des mallettes, puis c'est un peu une petite affaire trop gros, mais ça dépend des caisses sûrement qu'il doit le faire. Ouais. Moi, honnêtement, la manière que j'ai mis dans l'alphabétique, j'ai mis sur le côté, puis fuck it, on les oublie, là. J'en ai quelques-uns qui sont pas dans l'ordre, mais parce que c'est des particulières, mais tu sais, sinon... Dans les boîtes. Moi, je pense que tout ce que j'ai besoin de Nintendo 64, je l'ai. Puis dans les boîtes. Boîte, ouais, il est en boîte. C'est les jeux que j'avais achetés. Parce qu'en boîte, c'est clean quand même, là, sur une tablette. C'est quasiment tous les jeux que j'ai achetés quand j'étais jeune. Ouais, j'ai juste gardé. J'avoue que vite de même, c'est bien. Mais si il y a trop d'informations, il y a trop d'informations, trop d'affaires en background, tu sais, c'est trop. Ouais, c'est ça. C'est sale. Je suis d'accord. C'est visuellement trop chargé. You're on your own, buddy. Tough luck. On essaye sérieux, pareil. C'est ça le pire. Alright. Charles Ménard demande: avez-vous de bons exemples cool de franchises AAA qui ont commencé petits et indépendants? Grand Theft Auto, la meilleure de tous les temps. C'était espèce de jeu top-down par un studio obscur. C'était pas comme indie dans le sens que c'était pas comme self. T'sais, comme moi, je dirais le meilleur exemple, ce serait PUBG là, maintenant qui est devenu une vieille affaire. Oui, oui. Ouais, ça commence un peu indépendant, PlayerUnknown's Battleground. Mais c'est quelque chose que. Oh. Ben, League of Legends. League of Legends qui est un mode finalement qui est devenu. C'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas une création d'une grosse compagnie qui a déjà été petit. Ben, c'est parce que si tu deviens successful, tu fais de l'argent. Ouais, tu sais que Minecraft avec. Ouais, Minecraft aussi. Minecraft, Mojang. Mojang, ouais, c'est ça. C'est un gars d'un sous-sol puis il est milliardaire. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Je sais pas s'il joue à Othello pis il fait l'amour comme moi, ce gars-là. Mais... Sûrement. Je te dirais qu'avec l'argent qu'il a, il fait peut-être l'amour en même temps. C'est ça. Il a comme la liberté de faire un peu ça. J'avoue, comme... il peut payer pour tout, se débarrasser de toutes ses tracas. Il est pas obligé d'être aimable. S'acheter de la nourriture. Son lit, c'est comme un gros jeu d'Othello. Ah, il joue là-dessus avec sa partenaire. Pis quand il se tourne, ça fait le même son de gouit, gouit. Hey, je m'en rappelle de ce son-là. Je l'avais Othello sur ma 32 jeux. Hey man, prochain WEG. Ah ouais, Othello Party. Hey, mais j'ai lu récemment que le créateur de Minecraft, il était triste à cause que. Il avait, à cause qu'il a fait Minecraft, il peut plus faire rien d'autre. Mais il est juste. Il est riche, il peut faire tout ce qu'il veut. It, c'est juste, ça dépend. Mettons, Trou du Diable, les gars, ils ont plus le droit de faire de bière. Ils citent en tout cas. Tu fais du cidre? Ben ouais, mais c'est encore lisse, c'est de la bière qu'il aime faire, mettons. Ah, c'est ça. Fait, tu te fais acheter ton produit, puis ils disent, on t'achète ton produit, la palette, là, mais tu sais, t'en fais plus de ça, là, parce que là, c'est à nous autres, puis tu vas. Sinon, parce que moi, ça, je disais, hey, vends-le ta microbrasserie, esti, en caisse des millions et des millions, fais pas ça un autre, mais non, il s'assure que t'en fasses pas d'autres pour pas tuer ce que tu viens de vendre. Mais le gars. Fait que ce gars-là, je sais pas s'il peut faire peut-être un autre style de jeu. C'est ça. Mais ou comme il a plus le droit de faire de jeu partout. Ouais, non, peut-être ça c'est peut, ça, il est juste devenu conseiller, ils ont donné un bureau là comme le Big Ed ou je sais pas trop quoi, dans Silicon Valley. Trou du Diable, c'est un peu ça aussi. C'est ça. Un bureau quelque part, comme ta gueule, va prendre un Big Gulp. Oh, ouais. Bon. Hey, t'as dit le mot magique, WEG. Justement, on a une question de Danny Ouellette qui demande: à quand le mini WEG pour les Patreons? Oh my god! C'est plus qu'il y a deux WEG par année, c'est ça. Des WEG, ça nous tuerait, mais faudrait faire peut-être un soirée. Non, mais faudrait que ça soit un mini WEG, tu sais. Ouais, mais ça faudrait peut-être une soirée à Arcade Montréal. Une salle de chevaliers de colon. Ouais, mais c'est... Le WEG, ça bouffe pas mal toutes nos loups, tu sais. Ça serait plus pratique. J'aimerais tellement une soirée, tu sais. Qu'on réussisse à trouver un autre terme que les air loups. Je savais que t'allais sortir ça. Ça me rend mal. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? C'est quoi qu'on peut dire donc? Des points de socialisation. Des pipo points, il y a des pipo points, je suis comme. Des pipo points? Ouais, j'étais comme moi. C'est pas ça. Hey, tu viens d'inventer ça, là. Non, c'est une vieille expression française de France. Des pipo points. Ah ouais, des pipo points. C'est genre, si tu trouvais que air loups c'était pas assez misogyne, attention, il y a aussi des pipo points. Le terme air loups, c'est. Ouais. C'est parce qu'on sait ce que. Ça dit ce que c'est, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que. Je suis pas si fan de François Mascotte, là, tu sais. Non, c'est exactement. Ça, moi, c'est ça. Je vois toujours 4-5-0 chemin du golf, là. C'est ça, il donne le mérite, mais moi, je savais même pas que c'était lui qui avait sorti. Ouais, moi, bref, faudrait le faire. On va l'organiser. Je sais pas comment, mais l'affaire, c'est parce qu'on dort là. Non, faut pas. Non, mais si on dort pas là, ça vaut comme pas la peine. Exact. Donc, faudrait que ça commence un samedi matin. Ouais. Que ça finisse. Genre dimanche dans la nuit. Ouais, c'est ça. Écoute, on pourrait louer un bar, là, je sais pas. Ouais, mais c'est un bon point, disons. On pourrait trouver une formule. On pourrait trouver une formule. Un bar. Non, mais faudrait que ça soit payant parce que sinon. Un événement spécial, là. Scraper un samedi pour faire ça, faut au moins que ça rapporte autant. Ouais. Non, mais c'est un point de vue business, tu sais. Juste pour les patrons. C'est le bar et. Ah, tu veux dire que le bar, il voudrait que faire des sous, tu veux dire. Ça, tu dis. Ben, je veux dire qu'un samedi soir, j'arcade Montréal, ça représente plusieurs milliers de dollars. Si on fait un WEG, qu'on dit non, qu'on ferme au public, Ok, ok, non, non. Faudrait que... C'est ça, tu veux dire. Tu veux on dire. Va y passer. On peut pas perdre plusieurs milliers de dollars. On va y passer. Non, mais salle des chevaliers de colon. On va y passer. Un cheap, c'est-tu? Non, c'est pas. T'es à TV. Tout ferme, là, sur Saint-Laurent. Tout ferme partout. Les commerçants. J'ai même vu aujourd'hui un article. Il y a des restaurants qui font du working, des gens qui vont travailler dans les restaurants dans le jour, comme ça, un bureau. Chris, ça va-tu assez mal à Montréal? Ouais, ouais, ça va pas bien. Les taxes sont en train de tuer des grosses entreprises, là, des business qui sont là depuis 10 ans. Là. Ouais. Ça ferme leurs portes, man. Ouais. Moi, ça me révolte. Ouais. Maintenant que je suis là-dedans, là, mais on va avoir la ligne rose. On va avoir une ligne rose. Ça va bien. Ah, oui, c'est sûr. Mais on va faire quelque chose de sérieux. On va, ouais, on va penser à comment. Non, on va prendre une bonne formule. Oui, exactement. Yes. OK, alors Simon Lahaye qui demande une question pour Nick spécialement. Lahaye. Ah oui. Sur quelle plateforme comptes-tu te procurer Street Fighter 38th Anniversary Collection? Ouais, tu as répondu en plus. Je pensais, non, je pensais qu'il l'avait juste sur Switch. J'ai dit non, c'est sur Switch, PlayStation, puis PC, il me semble. Même mais, pas Xbox? Non. Ça le reprendra à garder comme ça. Ce n'est pas peut-être Xbox, mais moi je l'ai acheté PlayStation 4. Pourquoi la logique derrière tout ça? Switch, j'ai mon stick, mais j'aurais pu m'acheter les petits adaptateurs qui marchent très bien, comme Zef, Joe le Zef. Zefichou. Ouais, mais le pool de players de Street Fighter, étant donné que Street Fighter 5 est exclusif à la PlayStation, il a migré vers la PlayStation. Fait que si tu veux prendre du monde en ligne et avoir une bonne expérience, parce que tu vas avoir toutes les Street Fighter que tu as connues dans ta vie qui vont être disponibles en ligne, ça va être malade ça, ben... Tu veux des joueurs, puis le et joueur moi, je sont jouer sur PlayStation. À celui de Switch, puis toutes les fois que je me suis logué, Chris, il n'y avait personne. Il y a personne, ouais. C'est un très bon jeu, on a joué beaucoup en local. Il est super bon, mais c'est vraiment écœurant. Il y a personne en ligne. Mais c'est parce que c'est ça que j'avais peur qu'il arrive pour la version Switch, même si tu peux jouer dans le boss, ce qui est l'avantage incroyable, mais pour le online, moi, c'est ce que j'aime. Le PlayStation 4 va gagner la panne. Bon, alors on continue. C'est précommandé, d'ailleurs. Bon, c'est parfait, alors t'as la réponse. Simon, JC Goyette demande... Quel film récent aimeriez-vous voir une adaptation en jeu vidéo? Hey Chris, après Avengers Infinity War, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qu'Avengers Infinity War! Ah non, mais sérieusement, ça serait malade. Là. Tout est là, le roster, tout le... Mais tu sais, premièrement... De quel film on aimerait voir un jeu? Oui, quel film récent on aimerait jeu? Voir un jeu vidéo aujourd'hui? J'écoute pas assez de films. Ouais, mais Marvel, c'est trop proche du jeu vidéo, tu sais. Ouais, c'est déjà ça. Moi, j'aimerais ça voir. Je te dirais que c'est proche des comics qui sont proches du jeu vidéo. La guerre des sucres, tu sais. Moi, j'aimerais ça voir. C'est pitch des balles de neige. Moi, je veux jouer à Black Swan. Puis je veux que ça soit David Cage qui le fasse, tu sais, genre. Ah, merde, ça va dire plein d'affaires. Ça va être fou, man. Ça va être incroyable de jouer. Incroyable de jouer. Des émotions. Tu te fais suivre dans le métro, tu sauves avec des motions. Je jouerais à ça. Ah oui. Mais le dernier j'aimerais film... ça avoir Seven en jeu. Ah, ouais. Je trouve que c'est, c'est tellement un jeu. Ah, en film. VR, man. En ouais. VR. Avec la musique et tout, découvrir des lieux et tout ça. Ah, c'est pas récent, c'est des films récents. Ah, non, sinon, un film récent. Baby Driver, man. Baby Driver, ouais, genre, comme un jeu de course un peu à la Burnout, mais genre vraiment comme plus low-fi avec de la bonne tonne. Ouais, avec la musique. Quiet Place aussi, c'est comme un jeu. Quiet Place, don't spoil it, je l'ai pas vu encore. Puis en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est un film que je veux absolument aller voir au cinéma et Fanny veut absolument le voir, mais Fanny a peur des films d'horreur. Fanny va être terrorisé parce que moi j'ai un ami qui est hardcore pour ce qui est de l'horreur puis tout ça, puis il dit qu'il y a eu des crises de panique dans la postière. C'est Jonathan Paradis, ben oui. Je l'ai jamais vu ce film là. Hey, ça c'est un classique pour faire de la puberté. Ouais, exact. Hey, avez-vous déjà vu le film d'horreur, vous autres? Je l'ai jamais vu là, c'est ouais, de Babadook. Babadook. Oui. Non, j'ai pas vu. C'est très, très... Il paraît que c'est terrible. C'est vraiment écœurant. Ah ouais. Hein. Ouais, c'est vraiment bon, mais tu sais, c'est ça, Babadook, ils font un peu comme les vieux films le faisaient, c'est que tu vois pas plein d'affaires, puis c'est l'ambiance sonore, puis le côté psychologique qui fait que... Puis les plans de vue qui fait que... Ça te fuck. T'es freaked out, là, puis sans je pense arrêt, que la là. Personne qui a fait ça, c'est son premier film, c'est une femme... Ouais. Puis, comme ça a été, waouh, wow, j'ai pris tout le monde par surprise avec ça. Ouais. Puis je l'ai jamais vu. Puis, non, man, j'ai pas ça, vu. Ça a l'air. Il y a comme des nouveaux films d'horreur des dernières années là, qui jouent pas nécessairement avec le gore, qui sont crissement plus efficaces que les films les plus. Ben, moi, c'est ça que je préfère parce que le gore, moi, j'aime ça. J'aime ça dans. À Halloween, écouter un film avec du gros Joe, c'est tout, c'est drôle. Ouais. Mais, tu sais, ça me fait pas ouais, peur. Les slashers, mais c'est plus c'est mieux filmé maintenant. Fait qu'on dirait que vu que la définition est tellement bonne, le gore perd tout son intérêt, c'est comme un vidéoclip. À moins que ça donne dans le ridicule, tu sais. Ouais, exact. C'est l'exagéré. Evil Dead, c'est l'exagéré, c'est drôle. Ah ouais, c'est ça. C'est pas effrayant. On dit que Babadook est sur Netflix, là, justement. Ouais. Moi, j'aimerais, hey, c'est vrai, un film que j'aimerais voir en jeu vidéo, c'est Turbo Kid. C'est pas des jokes, ça serait hot en jeu vidéo. Je fais même pas vu ce film-là, là. Ah ouais. Ben, il est comment non, je fais? Non, c'est ça, il est pas sur Netflix, ni rien, faut-tu le louer en DVD? Chris. C'est comme Nintendo Quest. Il y a une place qui loue en DVD. Ouais, Nintendo Quest, les gars qui font un full set NES en un mois, là, sans utiliser Internet, là. Ils ramassent les jeux, là, puis ils font c'est le tour. Ça. Je veux le voir, ce petit film-là. Je pense qu'il est sur Amazon Prime. Je m'ouvre un compte Vimeo, je sais pas quoi, puis là, j'ai fucking pas envie de faire ça. Vimeo, là, c'est vraiment rapide, puis ça coûte rien. Pour vrai, non, mais c'est pas, peut-être pas ça. C'est pas là, okay, okay. C'est un autre connecte-toi avec Facebook. Puis, non, c'est pas Vimeo, c'est Voodoo. Ah, ouais. Ouais, en tout cas, ah, ouais. Là, c'est shit. Non, mais il est pas disponible au Canada. Tu sais, comme je vais l'acheter sur iTunes 20$, ça me dérange pas. Je veux juste le voir. Ah, un autre, un dernier. Lights Out. Ça serait écœurant en jeu vidéo que quand tu fermes la lumière, les bébites arrivent, puis quand tu l'ouvres, les bébites sont pilées. Il pourrait faire comme une espèce de. Il pourrait faire la même affaire que l'espèce de gant écœurant qui change de temps dans Titanfall 2. Ou dans Avengers Infinity War. Ah, quoi? Qui est dans Fortnite! Hey, dis rien, ouais. Go. Julien Leroux Garou qui demande quel jeu. Hein? C'est-tu le vrai nom de. C'est le vrai nom de Garou? Leroux Garou. Ouais, okay. Lui, il y a Garou. Il y a le Garou Switch comme le profil, là, puis il est très présent. Est on le salue, on le remercie. Il pose beaucoup de questions d'ailleurs. Une très bonne question souvent. Ouais, il participe au bout, hein. Exact. On l'aime ce gars-là. Alors, une question, ça part encore parce qu'on en prend souvent. Oui. Quel jeu sur la NES aimeriez-vous voir une suite ou un remake sur une console d'aujourd'hui? Il l'a posé deux fois. Ah, le coquin, ça. Ben, tu fais bien, Colin. Ouais, il a pas répondu. Ouais, bref. Fait quel NES? Carnov, premièrement. Ouais, Carnov il est vraiment une question spécifique, Carnov. Il est dû. Il y en a jamais eu. Non, c'est ça. Ben, rien de récent sur Carnov. Il y a eu comme un jeu de combat. Ouais, c'était pas Carnov. Ouais, Fighters History, pis ça fait là à l'arcade. Ouais. Mais ça fait quand même tout ça il y a très longtemps, tu sais. Mais sinon, je te dirais, moi je veux absolument une suite à Shatterhand. Ouais, mais. C'est comme le jeu le plus 90s. Là, tu refais un jeu vraiment là qui. Feel radical style des 90s avec du gros fluo. Mais moi j'ai tous ces jeux là en tête là. Power Blade, Vice Project Doom. Tu fais un crossover. Shatterhand, Shadow of the Ninja. Gunnim Viper, j'aimerais. Ah mais ça c'est Rolling Thunder mais déguisé en commando. C'est ça. Mais ouais, un bon Rolling Thunder-like récent. Ouais. Puis un petit peu parce plus. Rolling Thunder, j'aimerais ça que ça revienne. Mais, ah, mais c'est tellement dur. C'est vraiment dur. On l'a dans l'arcade à la même. Ouais. Man, c'est impossible. Puis là, j'ai essayé sur mon Everdrive Rolling Thunder 3 ou Genesis qui vaut cher. Mais le packaging est beau, tu sais, magnifique. Ouais. Mais Chris, ça pardonne pas ces jeux-là. Non, les 2 et le 3 sont crissement mal balancés. On dirait quasiment qu'ils ont chupé sans les essayer. Moi, j'ai le 2 ici, c'est comme, je me suis dit, je vais le passer. Le premier, il se fait. Si tu étudies les patterns puis la place où tu faut que tu sautes. On dit Battletoads ici dans le chat. Il y a eu les grenouilles ont été même, de retour dans Karen Stein. Ça, j'applaudis. Bravo, c'est très cool. Mais il y a comme une rumeur. Il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait peut-être un retour là-dessus. Il y en a qui disent qu'ils ont testé le terrain avec. C'est ça. Pourquoi pas un nouveau Lolo? Ouais, il y en a eu des. Moi, j'ai adoré Lolo, mais il y en a 3, je pense. Ouais, il y en a 3. J'ai adoré ça, Lolo. C'est un jeu. Pourquoi le fun, relaxant. Ça, ben non, c'est ça. Tu sais, comme tu joues à Lolo, là, c'est frustrant mais relaxant en même temps. Ah, c'est ces petits jeux-là, Kekol, Québécois. Kekol, Québec. Moi, le jeu que j'ai aimé, là, vous allez savoir, là, j'ai oublié le nom momentanément, mais c'est un jeu de Konami où tu fais un fighter qui shoot des blocs comme Tetris. Là, j'ai un blanc. C'est Quartz, c'est ça? C'est comme, il faut que tu fasses des carrés avec oui, c'est ça. Les boutons, c'est ça, c'est Quartz. Ah, Schnurk! Je m'en rappelle plus du nom. Mais c'est vraiment. Ben, il est au Game Boy, mais là, sur les cassettes 260. Oui, c'est ça, il était tout le temps. Tetris 4. Ouais, c'est pour ça que je me rappelle pas du nom. Tetris 4 aussi. Ça, c'est Quartz. Ce jeu-là, c'est Quartz. Ça, c'était très bon. J'aimais ça, c'était relaxant, un peu plus. Puis tu pouvais te donner du challenge si tu voulais. Ouais, exact. En mettant tes formes belles. Cochonnais ça. Ouais, c'est ça. Oui, tu pouvais donner des formes. C'était vraiment. Ces petits jeux de puzzle-là, là, de réflexion rapide, tu sais, qui t'amènent. Fire and Ice, là, qui est la suite de Solomon's Key. Ah ouais, qui ça, j'ai pas joué. Très bon, mais très difficile. Ouais. Ben, je sais pas, je me suis pas rendu à la fin parce que j'ai arrêté. Pas parce que j'aimais pas ça, parce que. Il était sur ma NES classique, en fait. puis j'ai débranché ma NES classique, j'ai crissé ça dans la boîte parce que j'étais écœuré du lag. Mais Fire and Ice, ben Solomon's Keys est un très bon jeu. Fire and Ice, c'est un beau upgrade, les animations sont super belles. C'est sharp là, c'est vraiment très propre. C'est un jeu de poussage de blocs puis de brûlage de... Ouais, c'était tough ça, non? En tout cas, venez jusqu'à la date, pas si pire. En tout cas, ça a switch. Il y a une couple de gars qui l'ont fini dans le NES Challenge. Hey, my switch and my pocket, ça aurait été le fun aussi. Juste qu'ils finissent ce jeu-là. Il est comme pas fini ce jeu-là. Il manque de choses. C'est super bon, par exemple. J'adore ce jeu-là. Puis c'est pas un jeu de NES, mais NARC. Parce que NARC, c'est vraiment le fun. Tirer des flashs. Il y a pas eu un NARC en ligne au PlayStation. Oui, c'était dégueu. Il y avait comme un gars qui ressemblait à Shaft puis un autre d'autre 12 balles. Ouais, je me semble que c'est pas dans les pochettes les plus pires des jeux vidéo ou quelque chose. C'est horrible. Toute cette era-là, PS1, PS2, les remakes, tu sais, comme. Comme le Final Fight, là, de Street... Fight for New York, là? Ah, je sais pas, c'était comme Street Wise. Anyway, c'était pas bon. Tout est pas bon. Ok, on change de question. Yes! Ghislain Comtois qui demande... Je viens de me faire prendre avec un fake de Super Princess Peach. En parenthèse, merci Dom, ça semble un excellent jeu. Je sais pas si c'est comme un commentaire genre... Merci Dominique! Attends, où ça? Ah ouais, hein? Ici. Un fake. Ouais, c'est pas un vrai. Il a acheté une repos. Alors il pose. C'est un jeu de DS. Ouais, c'est ça. Ça existe. Non. DS. DS, là, c'était la pire console où il y avait tellement de repos. C'est la Game Boy Advance. Game Boy Advance, c'est la pire. Ouais, mais DS. Oui. Ah, ouais. Rapidement, il y a eu. Ça savait même pas. Ouvrable, une cassette. Ah, ouais, c'est ça. Bref, sa question est quelle est votre idée sur les fakes et le risque d'y retrouver dans les pawn shops / EB Games? Ben, il faut se renseigner, premièrement. Achetez jamais un gros jeu de Super NES. Trop beau pour être. Ben, quoi que. Rétro, je sais pas où est-ce que je pourrais acheter. Je pense chez Rétro Montréal, en tout cas, d'ailleurs. Tu peux être sûr que tu te feras pas crosser par ce genre de monde-là. Parce que ils sont très respectables. C'est des bonnes gens qui connaissent leur affaire. Honnêtement, c'est une bonne question parce qu'il y a toujours du monde qui achète des reproductions en se disant hey, c'est moins cher d'acheter genre une fausse cassette d'Earthbound, acheter une fausse cassette. Le problème, c'est que ça se ramasse dans le monde, ça. C'est ça, c'est quand même. Quand t'as fini avec, là, il y a un noob qui saura pas. Tu vas l'acheter, usager. Peut-être au gros prix. T'sais, peut-être toi, tu vas aller la vendre au marché aux puces métropolitain, mettons. Pour 10$, puis lui, il va la revendre, mettons, 200$, tu sais, puis il va pogner un poisson, mais il saura pas le poisson, tu sais. Fait que. Ouais, mais moi, je me dis. C'est un problème que ça existe. Si tu sais pas ce que tu fais, n'achète pas de jeu. Ça, c'est une autre très bonne affaire. C'est achète pas des jeux à 300$ si tu sais pas. Ouais, c'est ça. Ça. Comme moi j'irais, mon premier réflexe, ça serait d'appeler Rétro Montréal. Mais sinon, de parler. Le bon réflexe, Rétro Montréal, 514. Ouais. Non, mais tu sais, de parler à quelqu'un qui connaît ça. Non, c'est ça. Tu veux te lancer là-dedans. Ouais, mais c'est pareil. C'est des pièces de collection. Il n'y a aucune différence entre jouer au jeu quand t'achètes un jeu à 300$. Un jeu cher ou un char. Tu sais, genre, tu vois, là, ici, là, en venant sur Hochelaga, j'en ai vu une couple de... Il y en a un, entre autres, que moi, je ferais pas confiance, tu sais. Tu achètes une auto, tu peux pas te fier juste au look, là, tu sais. Faut que tu regardes, t'as comme une inspection à faire. Ouais. Un gros jeu, tu dois ouvrir, tu dois regarder dedans. Alors, c'est clair, si moi, on le fait. Ça dépend, là, si t'as un cercle trusté, mais tu sais, un... Chez Rétro Montréal, on ouvre toutes nos cassettes. C'est un minimum, là, ouais, absolument. Tu sais, tu peux pas acheter à l'aveugle. Mais il y a des petits détails, tu sais, sur le label qui est pas pareil, ou tu sais, des petits. Un print pad. Moi, je trouve que c'est correct les repros quand c'est des jeux qui sont pas disponibles. Mettons Terra Enigma, ou des jeux traduits japonais, des RPG. Secret of Mana 2, mettons. Ouais. Ça existe pas, ça ici. Ben là, ça existe, tu peux l'acheter, puis c'est en anglais, puis tout est clean, tu sais. Ça, c'est correct, puis tu peux pas te tromper, ça existe pas. Fait que c'est clair que c'est un repro. Puis tu sais, il y a du monde. La boutique, man, il casse des. Si une repro est la repro d'un jeu plus cher, la repro est plus chère. Ouais. Donc, crise de colon. Ouais, c'est du plastique, puis c'est la même affaire. Là. C'est pas une vraie affaire. Tu peux pas vendre une affaire fake. La rareté se transmet pas. Non, tu peux pas transmettre une rareté dans quelque chose qui est fake. Mais t'sais. C'est comme un faux Louis Vuitton. Ça devrait tout être le même prix, les faux Louis Vuitton. Mais pour revenir, c'est drôle parce que j'ai un collègue qui m'a vendu sa collection, ce qu'il y avait chez lui. Il voulait s'en débarrasser et tout. Il m'avait sorti des super de beaux jeux GBA, tu sais, Metal Slug, Fire Emblem, ces affaires-là. Puis, tu sais, juste avec la photo, quand j'ai vu, j'ai fait comme, t'as acheté ces jeux-là sur eBay dans le temps, hein? Il dit, ouais. Je dis, ouais, c'est pas des vrais. Parce que GBA, c'était la première console où est-ce que les jeux étaient sur tablette, puis le fait qu'il était sur tablette aussi. Ouais, je suis d'accord. Sur eBay, moi j'en ai acheté. Moi j'ai acheté mon Castlevania à l'époque. Ouais, sur avec eBay. Harmony of Dissonance. Ça, c'était le Dawn of Sorrow. Harmony. Puis je trouvais qu'il était bizarre, là. Il était comme le manuel, était comme croche. Puis Harmony of Sorrow, c'est ça. Puis, comme de fait, plus tard, j'ai découvert que c'était. Ah, ben c'était pas une rip. Ah, moi, ben, j'étais bien déçu, ça. C'est ça. On est obligé de la racheter. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que toutes ces affaires-là, ben, ils commencent à se retrouver sur le marché. Pour l'autre fois, justement, au Pawn Shop, il y avait un beau Street Fighter Alpha 3 sur GBA que j'étais comme crime. J'ai une belle boîte chez nous, mettre ça dedans. Deal le jeu avec le gars, pis juste avant de partir, juste avant de clore la transaction, je regarde en affaire, puis là. Je check sur la cassette, j'ai comme eu un petit doute, j'ai ouvert, puis c'était une fake. Je veux juste répondre à DJ Sonic 78 dans le chat qui dit que sur AliExpress, en fait, Alibaba, AliExpress, oui, il y a des tonnes de fakes là-dessus, mais nous autres, chez Arcane Montréal, on a débarqué tous les jeux originaux qui ont une valeur au-dessus de 40$, genre. Ouais. Puis on a acheté ces cochonneries-là. Ouais. Parce que. Ben, tu joues au jeu. C'est la même affaire, t'es mieux, puis on se faisait voler des jeux de temps en temps. Fait que tu sais, si j'ai un Turtles qui vaut 70$, ouais, c'est tout bien d'avoir un Turtles qui vaut 15$, puis le monde s'en calisse du label, ouais. Là, tu sais. Mais ça paraît que c'est des fakes, là, c'est dégueulasse, tu sais. Tu mets ça dans ta collection, t'as envie de vomir. Mais dans un bar, c'est correct, tu sais. Ça fait un job, là. Yes. Mais à part dans un bar, je vais pas. Mais moi, je dis pas. Nulle part ailleurs que chez Arcade Montréal, 514. On a même pas de téléphone. Ben, on en a un, mais on le dit pas, on va pas se faire acharner. Écrivez-nous sur Facebook. Mais pour vrai, il y a tellement de ressources, je trouve, maintenant, là. Comme avant, des ressources rétro, il y en avait pas. Quand, il y a 5 ans, sérieusement, là, si tu connaissais pas ça un peu, tu savais pas pantoute où aller, tu sais, si t'avais besoin de... Aujourd'hui, on a Rétro Montréal. Ou NES, whatever. Aujourd'hui, il y a Rétro Montréal. Rétro Montréal. Bon. Il y a le Corbeau qui demande s'il y a beaucoup de vols chez Arcade Montréal. Je te dirais qu'on s'est juste fait voler des jeux de 64. Ouais. On sait que les voleurs ont 21 ans. Exactement. On s'est fait voler des Mario Party, des Smash, des affaires à la main. Ouais. Pourtant, on avait Turtles 3 au NES. Au Super NES, on avait les Turtles in Time, les affaires de même. Jamais fait de voler ça. Mais le monde vole des Smash, ils ont volé des Mario Party, là, c'est vraiment ça. Là. Voler pour le thrill. Ouais, ouais ben... Chez eux. Alors, on continue avec une autre question. Kevin Dupont qui demande « Votre opinion sur les projets Kickstarter, vos coups de cœur Kickstarter, vos coups de gueule aussi. » J'ai jamais donné une crise de scène à Kickstarter. Me sens-tu mal par rapport à ça? Je pense pas. Non. Parce que j'ai vu du monde donner plein de l'argent à Kickstarter, jamais avoir leur shit, faire rire deux autres. Fait que... Ou recevoir Mighty No. 9. Ouais. En download, alors qu'il y a une copie physique qui sort à la. Moi, mes expériences Kickstarter sont vraiment. Je pense que j'ai backé comme 5 projets, je peux les dire. Mighty No. 9, qui m'a fait chier parce que après l'avoir backé, on fait une copie physique. Ouais. J'ai backé Bloodstained, le jeu de. Ouais, de... le nouveau Castlevania. Ouais, pis là, lui, il a une copie physique, mais tu sais, je l'ai commandé. Je suis déçu du feedback de Bloodstained. Ouais, c'est pas super. J'ai essayé le démo, je trouvais ça correct. Ouais, mais dans le sens que tu sais, si tu back Bloodstained, je trouve qu'il y a, tu sais, il y a des développeurs qui donnent beaucoup de feedback pis qui donnent des updates, tu sais, souvent. Qui donne l'impression de faire partie du processus ben, un font peu, tu sais. Mais c'est juste que Chris, moi je veux juste savoir quand est-ce que ça sort là. Ça fait. Je pense que j'ai choisi comme version la version Xbox 360. Tu veux dire à quel point ça roule, tu sais. Shit. Sinon j'ai backé le jeu de Tim Schafer qui est devenu un jeu que j'ai pas tellement aimé finalement. Ouais. Là, Broken Age, juste ça. Ouais, Broken Age. Toi, j'ai backé beaucoup de jeux d'amis, dont nos amis chez Tribute Games, Mercenary Kings, que j'ai reçu. C'est un des premiers jeux que j'ai payé et que j'ai reçu rapidement. D'ailleurs, je dis merci les gars parce qu'ils sont très sérieux. Même chose pour Primus Vita, qui est des anciens collègues à Dubi qui ont parti à un puzzle game narratif. Ouais. Moi aussi, cool, j'ai backé ça, puis ça a l'air intéressant, puis ça avance. Il nous donne des updates constants. Ouais, puis c'est concret. Ouais, exact, puis c'est du monde qui ont un vrai background. C'est comme tu dis, du monde Ubi, c'était mon ancienne voisine, en fait, là, que Nancy. En fait. Nancy, ah ben oui, c'est vrai. Puis tu sais, elle me parlait du jeu, ça avait l'air vraiment cool, puis j'ai hâte de voir le résultat fini. Puis tu sais que ça, c'est des pros. C'est pas comme un gars dans son sous-sol qui dit... moi, j'ai imaginé un jeu, ça va être malade, puis qui finit par ramasser là, des millions, puis qui sauve avec. Là, le gars qui a la recette de salade à patates était assez bonne. Il a fait la meilleure recette de salade de patates, il a fait 3 millions, je sais pas trop. Ça, il était obligé de le donner à charité parce que c'était trop mal vu de le garder pour lui. T'sais. C'est quand même, ça démontre l'absurdité des fois de certaines moi, choses. Moi, ce qui m'écœure avec Kickstarter, c'est que souvent, je me rends compte qu'un jeu était backé par Kickstarter quand il est trop tard, genre quand que ça a été fait. Parce qu'il y a pas, tu sais, il y a pas nécessairement une tonne de publicité par rapport à ça si tu sais pas. C'est comme Jotun entre autres que tu sais j'ai essayé récemment, qui est super le fun, qui est vraiment bon. C'était un jeu Kickstarter. At In Time, j'étais arrivé trop tard, ça, je voulais le backer. C'était quand même un, c'est un vrai jeu, fermé, qui a quand même un bon succès At In Time. Ouais, mais c'est, tu sais, c'est correct. C'est pas ça aurait pu être mieux, mais c'est ça, c'est cool Kickstarter, mais je trouve que la plateforme est pas encore ouais. Je sais pas, il y a pas encore assez de moyens d'être au courant de ce qui sort. Ben, faut que tu faut vraiment que tu sois genre je m'en vais sur Kickstarter puis je m'intéresse à ça, c'est comme ça. Si c'était un réseau social, tu sais. C'est pas mal. Sinon, ça. Le dernier truc que j'ai backé sur Kickstarter, c'est le NES Maker, qui est en fait un logiciel un peu comme Game Maker pour faire des jeux de NES. Donc, il fait tout le back-end. Pas être emballé par cette affaire. Ben, parce que toi, t'aimes pas ça faire des jeux. Moi, je fais ça dans la journée longue. Fait que ça me fait bien triper. Peut-être ça. Mais bref, puis là, moi, j'ai même backé le truc qui vient avec la carte qui tu peux writer tes jeux dessus, puis après ça, jouer sur ton NES. Hey, tu feras jamais ça, man. T'as pas le temps. Je vais non seulement le faire, Dominique, mais je vais me rendre riche avec ça. T'as annoncé dans la version ghetto de Rito Nouveau. Ouais, c'est ça. Allez, prochaine question. Prochaine question. Alors, on est rendu où? Mario G. Ramos. Oh. Salut Mario. Hey Mario. Oh, salut. Qui dit, que pensez-vous des camps de jour vidéoludiques? Vous y inscririez vos enfants? Donc, il y a des camps de jour. On parle parce qu'il a fait un article sur RDS là-dessus qui est paru aujourd'hui, je crois. Ouais. Mais je sais que. Wow! Le gars, il est plus agile, agile, ce chien. Il est plus chubby qu'agile, disons. Mais j'ai vu que le Gaming Café sur Masson, qui est un café de e-sports, offre ça. Je sais pas par exemple qu'est-ce qui se passe exactement. Moi non plus, j'ai pas de. Je pense qu'il y a comme des camps e-sports où est-ce qu'ils font comme alternance. Sport physique, sport virtuel, je pense. Tu vois? Ouais. Ça se passe pas toute la journée devant l'ordinateur. Exact. Ça serait intéressant. Tu sais, pour moi, ben, j'imagine nos ça, vies modernes, puis les enfants modernes vont moins dehors, on s'entend. Ils ont plus de jouets techno, tu sais. De faire des Fait que tu sais, de dire, t'inscris ton enfant à quelque chose comme ça. Si c'est dédié, peut-être pas. Si c'est une balance pour maintenir l'intérêt et que ça soit correct, de toute façon, dans la journée, tu peux pas être 12 heures soleil parce que tu brûles en 2018. Là. Fait que c'est correct. Ouais, c'est minutes, un peu de dans mon temps, on brûlait! On brûlait! Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. On n'en fait pas rentrer sur Nintendo avec les Batman quand on était pas brûlé. Mais ça prend une balance, tu sais. Ils perdront. Ça. Non, mais tu sais, les enfants, tu veux qu'ils aient dehors. T'sais. Ils vont perdre toute leur volonté. Post-adolescence, anyway, tu sais, ils vont devenir. Ils vont devenir des fucking zombies avant longtemps. Pokémon Go, c'est à ça que ça sert, ils ont envie dehors. Ben, c'est super. Ah, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est. Mais ces camps-là, s'il y a une balance, ça peut être intéressant. Ben, j'imagine qu'il y a une balance, parce que tu peux pas, en 2018, quand même, faire un programme pour enfants qui est comme. Hey, envoyez vos enfants, je vois leur ordinateur la journée longue, tu sais. Ça serait atroce. Hey, mais écoute, moi, je pense que c'est une bonne initiative, surtout les camps qui prennent le temps de montrer aux jeunes comment faire des jeux vidéo. Moi, quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, Dominique, avec le NES Maker, mais moi, genre, j'étais pas assez mon temps à dessiner. À l'école NAD, man, faire un stage une fin de semaine, puis j'ai jamais fait de jeu vidéo suite à ça. Ah ouais, au centre NAD? Ouais, j'étais allé au centre NAD faire un stage. C'est malade, ça. Puis là, j'étais comme, tabarnak, c'est donc désagréable, là, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, faut rien savoir de ça. Je te confirme que c'est pas si pire que ça. Mais bref. Écoute, c'est tellement vaste qu'il donne de faire des jeux vidéo. Moi, quand j'étais jeune, c'est ça, faire des jeux vidéo, c'était comme pas. C'était pas une option qui était sur la table. Je me rappelle que Mané, dans le EG, dans l'Electronic Game Gaming Monthly, il y avait comme un cours qui montrait le Nintendo au Japon, qui montrait Nintendo au Japon, il y avait comme des cours académiques et tout pour des nouveaux employés, puis j'étais comme, hey man, flash, j'ai au Japon d'envie de faire des jeux. Tu sais, j'avais, puis quand ils ont annoncé justement Campus Ubisoft dans les années 2000, j'étais vraiment comme mind blown, enfin, on va pouvoir aller étudier pour faire des jeux vidéo. Bref. Rien m'a changé depuis que quand nous, on était en âge d'étudier ou ouais, être dans des camps de jeux. Quand nous autres, il était trop tard, la game a changé. Moi, je viens de la campagne, genre, ça existait même pas, les camps de jeux. La carrière. Tout le monde joue au baseball, c'est tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Nos mères travaillaient pas, okay. On était à la maison, là, on connaissait rien, là, puis c'est ça. Ouais. Fait que, non, c'est dans la misère à relate, là, la vie d'aujourd'hui. Peut-être une autre question, puis après. On va faire une pause quiz. On va faire une pause quiz. Ah oui, c'est ben vrai, écoute, moi j'irai tous pour le quiz. C'est quelque chose à dire. Ben êtes-vous prêts? Ah oui, je suis prêt. Super, parce c'est un quiz express rapide. On va tester le. Ah ouais, call ice. Pas la petite. C'est vas-y. C'est bien beau ça, Akufen Studio qui arrive et qui... Il est flashé son Twitch cred, lui-là. Ouais, c'est ça, des couleurs. Super. T'es comme, tu devrais être ici en ce moment, Akufen Studio. Je pense que t'es worthy de prendre la place de quelqu'un de ton choix ici. C'est très... Alors, un fameux quiz, effectivement. Alors, vas-y, mon beau Nico, pose-nous une question. Sentez-vous prêt à la maison pour répondre plus vite que nos membres ici. Alors, c'est un quiz, il est assez facile. Parce que les dernières fois, on a eu lieu à plusieurs humiliations en ligne. Ouais. Et ça a fait des gens qui ont pleuré. Là, ça va être easy going. Alright. Première question. Qu'est-ce qu'un Lakitu dans l'univers de Mario Bros? C'est facile, ça. Un mille pattes, un Koopa Troopa sur un nuage, une boule noire qui jappe, ou une souris qui porte des lunettes fumées qui lance des bombes. B. Ouais, B moi aussi. C'est une de ces choses dans le nuage qui lance des bombes. Regarde, je t'ai dit, ça s'en vient facile. Alright. Ça s'en vient facile, c'est déjà facile. Ça commence facile, ok. Là, j'en ai une pour les amateurs de consoles rétro. Oh! Ah! Dans cette liste, quelle est la plus vieille console? Tu peux aller plus vite, hein? Ok, parce que je vais me chier dans les jeans. Ping Autronic. Hey, tabarnak, ok. Atari Pong. Magnavox Odyssey 2. Et le fameux Vidéo 2000. Et un dernier, Coleco Telstar. Ça existe un collector Ça existe pas. Ouais, moi je dirais Pong aussi. T'as répondu? Non. En fait, la bonne réponse est le Pignotronic, qui est une console d'Italie de 1974. Je vous ai piégé parce que j'ai dit Magnavox Odyssey 2, mais la première était la première console de tous les temps officiellement répertoriée, qui était de 1972. La Magnavox Odyssey 1. Ça, c'est la première console de jeux vidéo répertoriée. C'est arrangé. Il me semble. Il y avait Fairchild à un moment donné que j'avais vu, mais ça semble être après. Ok. Fairchild, c'est la source d'Atari, ça. Facile, mais toutes les réponses. Ouais, j'ai toutes les réponses. Ok, celle-là, nommez l'intrus dans ces jeux Atari. Ah, oh, j'aime ça. Ah ouais, c'est le fun. E.T. The Extraterrestrial. Ouais. Raiders of the Lost Ark. Ah, c'est tous les jeux faits par show. Yard Revenge. Ouais. Et Pac-Man. Pac-Man. Ben oui, parce que tous les autres jeux ont été faits par HSW. Donc, Howard Scott Warshaw. Et Pac-Man était fait par Todd Fry. D'ailleurs, on va tout le temps le blâmer. Tout le monde qui connaisse rien dans les jeux vidéo blâme E.T. pour avoir causé le crash du jeu vidéo. Mais arrêtez là, de suivre Internet. C'est pas juste là. Ça. Là. Écoutez, c'est une graine à travers plein de choses, là, E.T. Puis Warshaw, il a fait des jeux à succès. Yard's Revenge, man, c'était écœurant, ce jeu-là. C'était écœurant. Ça a marché au bout. Puis Riders of the Lost Ark est un jeu dégueulasse, à mon avis. Mais qui a quand même marché. Ouais. Puis E.T. est un jeu quand même correct, étant donné le temps qu'il y a eu pour le faire. C'est pas juste ça. Les jeux vidéo, c'est qu'il n'y avait aucun contrôle. Comment tout le monde en faisait. Pour Nick, la voix de Nick, d'après moi, il est encore dans son audition de doublage de films douteux. Il est tellement suave. Merci. Suave. J'apprécie ce genre de commentaire. Merci. Ok, on va passer à... Dans le fond, pour quelqu'un demande un update sur l'Atari, la fameuse console Fantôme. Ouais, le nouveau Atari Box qui est rendu le VCS Atari, en fait, pour le Vidéo Console. VCS, c'est le même que l'Atari s'appelait dans le temps. La pré-vente est ouverte. Je me rappelle plus. En tout cas, mais VCS 2006. La pré-vente est ouverte. Ben, c'est même pas de... Ouais. Ça veut rien. Mais, non, mais... On a rien vu, quand même. Non, mais il y en a plus de détails. Mais c'est juste du texte. Dominique, c'est comme... Il est déconnecté de tout, mais il y a un gars qui met Atari sur une boîte de conserve, il est comme... Les gars, là, il y a des updates, là, il y a des updates. Il y a de la lumière dans le jeu. Il y a eu des updates. Il y en a eu. Ils disent qu'il y a 100 jeux dedans. Ouais, mais ça, c'est la moindre des choses. Les jeux, les classiques built-in dedans, c'est la moindre des choses. Mais moi, tout c'est le reste que je veux savoir. Ben, le reste, c'est une console Android qui joue tout ce que tu veux jouer, là, dans le fond. Tu peux downloader tous les jeux Android? Ben oui, puis plein d'autres affaires. Mais allez voir, les gars, là, vous chiez ben là-dessus. Non, mais moi, mais il y a eu des vrais, de vrais, de vrais updates. Triggered! C'est comme une Ouya, finalement. C'est comme une Ouya. Non, mais pour vrai, c'est comme une Ouya. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un vidéo ou quelque chose, parce que là, C'est juste du texte. Ça coûte cher les vidéos, là. Ces gars-là, ils ont pas d'argent. C'est pas excitant. Ils sont achetés à Atari, là. Tu sais, attends un peu. Ils sont comme bon, ben, c'est 200$, c'est Nouya avec un case d'Atari. Mais ils changent le prix tout le temps. Mais c'est vraiment ça, c'est Nouya avec un case d'Atari. On sait même pas si la manette est pas clunky, Calis. Hey, guys. Non, les manettes sont malades. Prochaine question. Prochaine question, parce que là. Vous allez vous battre, là. Dom, il lâche. Il va pas abandonner Atari comme ça. Non, je sais. Elle est bien en tabarnak, mais je sais pas. Une d'accord que ça va flopper, mais il y a eu des vrais développements. Au lieu de rire, allez les lire. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais je lis. Vous avez rien lu. Non, tu les as pas lus. Oui, je les ai lus. Non, parce que. Oui. Moi, j'ai pas la capacité intellectuelle de comprendre les affaires d'Android, les téléchargements. J'ai pas vu, là-dedans. J'ai vu les nouvelles manettes. Mais tout le monde comprenne ces choses-là. Ils sont comme, ah, OK. J'ai vu les nouvelles manettes. Je me fie à ces gens-là. Ils sont qui comprennent maintenant ce que c'est que cette chose-là. Parce qu'avant, on comprenait pas ce que c'était. Ouais. OK. Ouais. C'est ça. Moi aussi, je comprends. Je l'ai lu. Une petite facile. Les gars, vous êtes rouges. Ça marche pas. Le Pog s'énerve. Ok, une pour me gâter. Lequel de ces personnages n'est pas un personnage de Street Fighter? Hostie. Schoolomania, Boogie, Eagle, Oro et Joe. Hey, t'as 5 choix de réponse. Le deuxième, c'est quoi? Ah! Boogie. Ouais, je dis que c'est lui. Eagle, Oro, Joe et Schoolomania. Le premier, c'est quoi déjà, Schoolomania? Schoolomania, c'est ton préféré, man. Tu peux pas spoiler! Non, mais il en reste 4 autres weird là. Et, écoute, je suis j'élimine un choix. Ça. Ok, qui est. Toi, t'as dit. Qu'est-ce que t'as pensé? C'est Boogie là. Boogie. Deuxième. Ouais. Répète les choix. Schoolomania. Boogie. Eagle. Oro. Joe. Mais c'est pas Schoolomania, c'est Schoolomania. Schoolomania. Schoolomania. Tu dis Oro et Joe avec tellement d'admiration. Que je vais y aller avec le même choix que Dom. C'est deux choix, c'est Oro ou Joe. Ah ouais? C'est deux noms. Joe. Mais c'est ça, les deux derniers, t'es dit vraiment avec beaucoup de passion. Ok, ben. Fait que non, je vais y aller avec le deuxième. Boogie? Oui. Vous avez tous raison, parce que il y a Eagle et Birdie, mais pas Boogie, qui est un autre. Call de golf. Ouais. De pote. C'était le. Tu l'avais pas fait la C'était ça le lien, guys. Schoolomania, il existe pour vrai. C'est dans le EX franchise. Ouais. Avant qu'on passe à la prochaine question, je veux juste que tu me dises. Puis moi, j'ai capoté. Lou Gris est venu chez Arcade Montréal. Ouais. Là, il est là très souvent, c'est pas ça. J'ai vu. Streamé à la maison. J'étais dans l'impossible. Je pleurais. Ah, il est hot. Puis le sensei de Strider et Ryu. Ouais. Et de Guy. Parce qu'ils ont le même style de combat. Ouais. Et maintenant, dans Street Fighter, comment il s'appelle? Zeku. Zeku, man. Puis il y a comme tout le temps les. Bruno, Jack, il y a comme. Il court avec des affaires dans le même. Ouais, mais tu sais, en fait, c'est ça. Zeku. Je suis comme bandé, là. Zeku, le sensei de Strider. Ben, en fait, c'est le sensei de Guy. C'est le sensei. Mais c'est, il fait partie de la bande des Striders. Parce que les Striders, oui, c'est un Strider. C'est une. Ouais. Bon, là, c'est un changement, mais. Fait que dans le fond, c'est un gars-là. Je suis comme bandé, là. Je parle de ça, là. Il est hot parce que si vous avez joué à Jen dans le temps, oui, Jen, ben, il change de style. Fait que Zeku, il devient. Il est vieux quand tu te bats. Ah, ouais. Puis il devient jeune, puis il change radicalement. Fait que c'est comme deux personnages en un. Fait que, ouais. Ah non, hey, arrête, c'est hot, là. Mais il est vraiment. De vos nouveaux mais il est vraiment cool à jouer parce qu'il est plus. Il est diversifié. Mais il est dur à apprendre. Mais y a-tu un saut comme Strider et Ryu? Oui, oui, y en a un, man. Il bleu, morph en Strider. Ouais, il smurf en Strider. Il y a le foulard rouge. Ah, man. Ben, ok. Ah, il est bandé, mais dur. C'est ma dernière question et celle-là, vous allez l'aimer. Ok. Pourquoi le jeu Clay Fighter 63 et 1 tiers Sculptor's Cut vaut-il si cher? T'es sérieux? Tu demandes ça comme à nous autres? Un. Hey, ouais, mais parce que c'était une exclusivité. Écoutez tout. Exclusivité du Kmart. Deux. Il était spécifiquement réservé à une location pour Blockbuster. Deux. On le distribuait avec un abonnement de Nintendo Power. Ou trois. C'est sur ce jeu que Bruno a perdu sa virginité. Ah, c'est dès la réponse, là. Ben Bruno a perdu sa virginité sur toutes les clés. C'est Blockbuster. C'est Blockbuster, tu nous prends pour des. Non, mais c'était juste pour plugger la virginité de Bruno. C'est des vrais, là. Je sais que c'était facile. Je l'ai dit, c'était facile. Est-ce que quelqu'un s'est senti humilié aujourd'hui? Oui. Non. Puis, non, c'était trop facile. T'es réconfortant. Bon, alright. C'est bien, ça. Est-ce que Gaël a un saut de rose? Oui. Il y en a un saut de rose, Gaël? Il y a un genre de. C'est un mauve rose. Messieurs. Messieurs, il reste plus beaucoup de batterie sur le laptop qui est juste en ce moment. Et surtout, ça fait quand même un bon 1h40 qu'on roule. Alors, pour remercier, moi, je pense. Moi, je suis encore capable. Nos auditeurs. Moi aussi, je suis encore capable. Moi, je pense que pour remercier nos auditeurs qui sont à l'écoute depuis tout à l'heure, on va prendre vos questions en direct dans ce qui est propre. Oh my god. Dans ce qui est propre, messieurs. Donc, allez-y avec des questions. C'est de l'art sans filet. On peut répondre, là. Sans filet. C'est sans filet. On improvise. Sans filet avec. Un bon 10 minutes. RDS, c'est comme ça s'appelle. Alors, vous avez une question qui est en tête. Vous l'avez peut-être posée un peu plus haut. Copy-paste, bring it back. Dans à peu près, je dirais, là, on vous donne environ une ou deux minutes là, pour pouvoir ramener ça. Hey, c'est qui à Koufen Studio? Il est drôle. C'est quelqu'un dans Disney? Non, ton nom, Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a, tantôt, il y a comme. Il y a l'air d'avoir une familiarité. Fait, ah, ouais. Mais je connaissais un gars à l'université qui avait comme un genre de band musique. Il faisait de la musique sous le nom de Akoufen. Ah, tu connais ça? Il a eu du succès au 89.3 à l'époque. La marge. Ah, ouais, c'est ça. Bon, ok, il y en a. On jouait à Friday 13 et Dead by Daylight. J'ai joué à Dead by Daylight que j'avais bien aimé. Ouais. Parce que c'est un jeu. Je l'avais mis dans mon top en fait de l'année, ouais. Même parce que c'est un jeu de collaboration contre un gros méchant. J'ai pas joué à Friday 13 et vraiment. Ça me tente pas. À ça? Ça me tente pas de jouer, c'est tellement violent. Tu sais, comme Dead by Daylight, il y a une petite collaboration de fun, mais Friday 13 a l'air vraiment gore. Ça tape parce que je vois pas pourquoi. Puis la version NES m'a tellement déçu à l'époque que je donne plus de chance. Ouais, ouais. Non, mais c'est quand même mieux la nouvelle version. Je sais, là, mais j'ai pas le goût, c'est trop violent. Le gameplay. Ouais, mais c'est trop violent, tu sais. C'est quand même pas le film de la série Virginie, là. C'est sûr, c'est Friday the 13th. Je fais juste dire, ça me tente pas. Ok. Ça me tente. Je pense que oui. Moi, non, j'attends toujours d'avoir des gens pour jouer. J'ai pas de. Ouais, je suis pas intéressé de payer un multi comme ça sans avoir. Mais je trouve qu'il est trop cher pour ce qui est Friday the 13th. Exactement. C'est un peu ça le problème. Il y a une super question. Ouais, G Paradis 117. Pourquoi les copies téléchargeables sont-elles au même prix que les versions physiques? Ça, c'est simple. C'est pour pas tuer ton réseau de retail. Parce que si tu fais ça, eBay Games, Walmart, Future Shop, Best Buy, pardon, sont en tabarnouche contre toi, puis ils retirent tes produits de leur tablette parce que tu viens juste de leur couper l'herbe sous le pied. Pour maintenir le réseau physique, t'as pas le choix de le vendre au même prix. Et voilà, et c'est voilà, plate de même, c'est business. C'est tout simplement ça, effectivement. Alors, Genius35 qui demande, Polybius, croyez-vous à cette histoire-là? Alors, moi, j'y crois pas vraiment. Légende urbaine qui court comme quoi l'armée aurait développé dans les années 80 un cabinet d'arcade avec d'un jeu qui s'appelait Polybius, qui supposément était capable d'envoyer des brainwaves, si on veut, aux gens qui jouaient pour pouvoir les brainwasher puis les transformer. C'est comme une expérience, finalement. C'est pas les Simpsons qui ont fait un affaire là. Il y a une référence dans les Simpsons à ça. Il y a beaucoup de références dans la culture populaire. Angry Video Game Nerd a fait un épisode spécial il y a pas si longtemps. Puis, d'ailleurs, très mauvais épisode. Chris, arrête. Moi, j'haïs ça, les YouTubers qui font du cinéma alors qu'ils sont si bons à faire des épisodes genre critiques et historiques sur les jeux vidéo. Puis ils se mettent à faire du cinéma, man. Asti, arrêtez c'est ça. Pas sa force, c'est pas ça qui est bon. Mais c'est parce que je pense qu'il y en a là-dedans que c'est des étudiants en cinéma. Ouais, puis... ben lui, non, il mais c'est le monde qui tripe cinéma. Hey, ça marche pas le cinéma pour toi, man, buddy. Mais regarde si marche, Asti Angry Video Game Nerd. Fais-le comme il faut. Arrête, abandonne le cinéma. C'est fini pour toi. Sinon, Fredoch Melo qui demande, quel est l'avenir du multiplayer local? Ben, il est en feu, là. Non, mais. Ben, sur Switch. Il y a un revival de ça. Ben, sur Switch, c'est bon, mais à part ça, je te dirais. Ouais, mais une fois, de l'Overcooked t'as plugué tantôt. Il y a des. Il y a du couch. Il y a du couch qui se passe. Le problème, c'est indie, c'est niche. C'est niche. Tu vas pas vendre des millions de copies. Parce que tu peux pas faire un triple A, tu sais, genre un jeu comme God of War, puis tout d'un coup, tu dis on le fait split screen multiplayer parce que. Ben, ils l'ont fait avec Ascension. Ouais, ben tu le fais avec 10. Oui, mais c'était multiplayer online. 10 FPS. En split screen, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que tu fasses un rendu graphique double. Parce que t'as deux, tu montes deux affaires. Fait que tu as deux plans de caméra différents. Donc, t'as un rendu qui est double, donc c'est hyper coûteux en termes de ressources, donc il faut que tu baisses la qualité visuelle tout le jeu complet pour supporter ça. Puis tu sais, de nos jours, c'est déjà compliqué de faire un jeu qui est beau. Il y a juste pas de demande, puis il y a bien du monde qui joue en local, à maison, avec deux PlayStation ou un PC et un PlayStation. Fait que tu sais, le marché, il est là. Bon, on a appris. Mais la Switch Studio s'appelle Will, donc on vous salue. Je pense qu'il s'appelle Will Savignac. Est-ce que tu t'appelles Will Savignac? Dame fucking live! On a le aucun! On sait où t'habites, man! Il habite à Berthierville. Hey, c'est l'internet quand même. On a 19 amis en commun. Fait que ça doit se ressembler. Bon, un studio, on peut-tu laisser ça dans le cours? Ben si tu veux qu'il marche plus rien, parce qu'il va être rouillé. On va régler ça, je pense que oui. Il va être rouillé. Non, mais tu mets une bâche. Il n'y a pas de tradition chez Rétro Nouveau. Ça va dans la neige. C'est ish la réponse, c'est ish. Okay. Bon, pourquoi qu'on n'a pas encore eu de reboot de Parasite Eve. Ah, il y en a eu un sur PSP à l'époque. Ouais, moi j'avais fait le Third Birthday. Personne l'a acheté avec un petit disque. C'était super bon pour vrai. Ouais. C'était un des personne l'a acheté, donc du coup, il n'y en aura plus jamais. Mais il y a eu un succès par la suite, par exemple. Sérieux, si tu l'as pas essayé. C'est pas comme un peu Metal Gear, Peace Walker, ça. Un peu. Tu sais que genre, c'est un nostalgique bon jeu, là, comme vraiment hot all around, mais personne n'a joué parce qu'il était sa mauvaise conscience. Exact. Alors, Fanny qui demande, j'ai une question pour Fred. As-tu sauvegardé le son sur Retro Nouveau sur mon ordi? Je pense que non. Pas encore, mais ça s'en vient, chérie. Commande S. Alors, El Corbeau, notre ami Terrou, chapeau. Non, sans chapeau, il est comme sans chapeau, mais. Ah, il n'y a pas le chapeau, là. Ah ouais? Ben, on répond pas. Il dit, à quand le prochain jeu qui est aussi une comédie musicale comme Rhapsody au PS1? Il est beau, hey, moi, j'haïs tellement les comédies musicales. À part les Muppets, c'est parfait. Les Muppets, j'en prendrais plus. Mais le reste, jamais. Ah non. Ben, moi, c'est genre, c'est comme... Tu sais, là, je sais que c'est une question un peu blague, mais le problème avec les jeux niche modernes, c'est qu'à moins que ce soit un indie qui le fasse, tu en auras pas, tu sais. Aucun studio va prendre une chance, là, fait que... Tu bats le monde en avance. OK. Hey, 80$ pour un port de la Switch Donkey Kong. C'est pas un peu exagéré, il dit Cyclone. Oui. Je pense que ça l'est beaucoup. Tout le monde est exagéré. Tu sais, à un moment donné, il y avait un principe d'upgrade. Viens de l'acheter, ce jeu-là. Qui a pas eu lieu, mais tu sais, il y en a qui avaient dit, ah, t'as acheté ce jeu-là sur tel... Tu sais, rentre un code X puis tu vas pouvoir l'avoir. Malheureusement. Quand ils ont sorti la PS4, tous les jeux de fin de PS3 venaient avec un code. C'est où ça. Est-ce que tu payais pour un upgrade de 10$ pour l'autre version? Ce qui était excellent. C'est une très bonne idée. Mais je trouve, tu sais, sans le vendre 20$, il aurait pu aller, genre, in between, genre, faire un 39,99$. Et tout le monde l'aurait acheté. Ouais. Tu sais, c'est juste là, Chris, 79, man. Ça c'est pas comme si le jeu t'avait coûté cher à développer. Tu viens d'acheter Tropical Freeze. Ça fait pas si longtemps que ça a pris sur Wii U. Là. T'as mis comme peut-être 3 gars pendant genre 4 mois sur ce projet-là. Ouais. Tu sais, c'est pas une montagne. À moins que la version Wii U a pas vendu. Moi, j'ai écouté un podcast aujourd'hui, jeux vidéo de luxe, version micro. Et puis, ils font un top là-dedans de qu'est-ce qui arrive avec la Wii U. Y a-tu des jeux de la franchise, y a-tu des jeux de Wii U qui sont définitifs pour la console, tu sais, qui s'en vont pas sur Switch, t'sais. Mettons, tu penses Wii U, qu'est-ce qu'il y a juste là-dessus qui définit la console? Il n'y a plus rien. Ben, t'sais. Présentement, il y a presque Devil's Third, dans le sens qu'ils ne porteront pas. Ouais. Tu sais, Wonderful 101, mais en même temps, ça va venir. Tout va venir. Wonderful. Fait que la Wii U, tu sais. Ouais. Puis même Captain Toad s'en vient. Absolument. Là, il manque Super Mario Maker. C'est sûr que ça va venir au E3. Quand c'est Smash va sortir sa Switch, là, on peut-tu dire que la Wii U va devenir la chose la plus obsolète? C'est la seule affaire qui maintient la Wii U, la scène compétitive de Smash. Totalement. Mais ça va être le fun pour les collectionneurs. C'est une belle console à collectionner. Moi, je l'ai adoré. Ça va peut-être venir. Je veux juste dire qu'à Koufen Studio, est-ce que tu es William André, finalement? Es-tu William André? ça se pourrait très bien. T'as dit, genre, une mauvaise personne. Non, mais il a répondu, il a tantôt, il a dit, ha, non. Fait que là, je pense que c'est William André. On s'est fait pas une bonne. Alright, alors, Simon qui demande, pensez-vous que le hype rétro a plafonné? No. Non, je pense pas. Honnêtement, à on en parle année, tout le temps. Chaque monde dit que ça plafonne jamais. Par contre, il y a des prix qui ont arrêté de monter. C'est plus répandu, on pourra pas le nier là, quand même. Là. Ben, c'est une culture populaire, c'est très ça, populaire. C'est une culture populaire, alors qu'il y a 5 ans, c'était vraiment niche. C'était obscur. Là. C'était très obscur. Alors, G-Feet Nadera qui demande, les télés marque maison genre RCA, genre les Billitronic pis ces affaires-là. Les récotons. C'est vraiment mauvais ou non? Écoute, je dirais, c'est une bonne question, c'est une bonne question pareil, parce que ce qui est important sur une télé, c'est d'aller voir sur internet les reviews de cette bonne télé. Ouais. Parce que, tu sais, t'as le taux de rafraîchissement d'image, la latence, toutes ces affaires-là, c'est vraiment important, pis... T'as des marques vraiment entrée de gamme comme Vizio qui ont des très très bons rapports qualité-prix. Qui sont des marques chinoises qui copient un peu les techs qui en ont d'autres, des uniques et tout. Mais bref, ça dépend des marques. Pas toutes les marques sont bonnes, mais t'es mieux de faire une recherche avant d'acheter quelque chose. Si on parle de télé rétro-cathodique, là, j'ai pas vu tant de différence que ça entre, mettons, une Toshiba, une RCA, une Zenith ou whatever. Ah, t'en as pas. Moi, je te dirais, quand t'es côte à côte, tu prends ta barnette. Ah ouais, tant que ça. Okay. Ah ouais, moi, j'ai l'œil pour ça. Ça me prend... Mais ouais, une 4K à 400$, c'est toujours comme en mer. Mais Vizio, moi, tu vois, c'est ça. J'ai acheté une Vizio. La latence est pas... C'est pas la meilleure pour ça, mais côté 4K entrée de gramme. Gab, entrée de gramme, c'est... Entrée de gamme, c'est vraiment... Oui, man! Ah, une autre question qui pop, peut-être dans les dernières, là, si attends, vous en avez, si y avait, il y en avait deux, trois. J'ai vu une question sur un jeu de baseball. Je vais avoir des réponses. Super Mega Baseball 2, j'ai pas joué, mais à présentement, il y a des bons Mario reviews. A fait un review de ça sur RDS. OK, mais... Et, il dit que c'est malade. Mais tout le monde dit ça, il y a un hype sur ce jeu-là présentement. Fait que ce jeu-là, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu baseball, mais lui, j'ai vraiment le goût. Fait que peut-être aller checker ça. MLB The Show, c'est super bon. Aussi. Sérieusement, moi, je suis pas un gros fan de baseball. Mais lui, il est plus cartoon. C'est un des derniers jeux de baseball qui reste, qui roule encore dans mes séries. Mais je pense que Super Mega Baseball 2, c'est plus comme un genre de... C'est plus arcade. Baseball Star ou genre plus un classique. Exact, comme Neo Geo Baseball Stars. Neo Geo sont bons pour les jeux de sport arcadesques. Ouais, SNK. Ouais, Neo Turf Master, tu sais, Baseball Stars. Le personnage, tellement cool. C'est riche, riche, riche. All right. Ok, une suite à Panzer Dragoon. En fait, il y en a une sur Xbox One qui était sortie. Je me souviens plus du nom, malheureusement. Xbox One, ouais. Ouais, wow, il y avait comme une suite spirituelle. Ça me prend au launch. C'est quelqu'un qui est sûrement dans le chat pourrait répondre à ma place. Mais c'est pas une suite vraiment, mais c'est dans le même genre que ça. Puis ça jouait avec Kinect à l'époque et tout. Ouais, ok. Mais c'était pas débile, mais il y en a eu une, bref. Qu'est-ce que Capcom va faire pour le prochain Resident Evil? Hey, alors, il faudrait demander à Capcom. Non, c'est pas vrai. Écoute, je pense qu'après ce qu'ils ont fait avec Resident Evil 7, l'année en VR, first person, retour un peu aux sources du côté clunky, survival et tout, je pense que c'était une bonne chose. J'imagine qu'ils vont continuer là-dedans. Et ce qui serait vraiment cool, c'est de continuer là-dedans, mais nous ramener dans un univers qu'on aimait de Raccoon City. En first person, ça serait intéressant. Ouais, c'est ça. Ça serait le fun qu'ils ramènent Raccoon City quand même avec une nouvelle... Panzer Dragoon Horta, c'est ça le nom? Non, Panzer Dragoon Horta, c'est sur Xbox. Alors moi, ah oui, hein, classique. C'est lui-là. Puis moi, je parle de sur Xbox One, qui est un jeu... Écoute, je vais te le dire. Ouais. J'ai hâte de trouver ça. Ah, sinon, Théroux qui demande s'il va y avoir de la nudité sur Switch. Parce il y en a déjà. Il y en a déjà. Moi, j'ai... dans... voyons, Colin, dans Elle est noire... il y a des femmes nues sans arrêt, puis il y a du monde mutilé sans arrêt, fait que tu sais, ils sont... Chris, mes deux sujets préférés. Il y a Night Trap. À part les rosettes de Vachon. Ouais, Night Trap, il n'y a pas de nudité. Night Trap, il n'y a pas de nudité, mais c'est quand même... je pense que la Switch, ils l'ont positionné comme une console familiale et de gamer, fait qu'ils vont aller large. Ah ouais, ils vont ratisser large. Puis moi, je le call, GTA 5 s'en vient sur Switch. E3, ça va être l'as dans la manche. Je sais pas, ce serait quoi l'intérêt de faire ça. Ben, Chris, c'est le jeu le plus vendu au monde, puis il était sur PS3 et 360. Il n'y a aucune raison qu'il soit pas sur la Switch. On parle de Cyberpunk 2070 avec Studio. Je sais pas si tu te rappelles, Bruno, on a fait un moment donné un spécial E3, il y a genre 3 ans. Ouais. Cyberpunk, là. Oui. C'était comme un. Puis moi, je l'avais mis dans ma liste parce que je trouvais ça nice, tu sais. Ouais. C'est pas encore sorti. Ça fait genre 5 ans. Ça va sortir dans 2 ans, mais tu joueras jamais à ça. Parce ben non, je jouerai c'est jamais. Les gars de The Witcher. Ça va être 150 heures. Le main quest. 300 heures. C'est n'importe quoi dans ce temps. Moi, j'ai hâte de voir ce jeu-là. Ça l'a dit, c'était propre, mais. Je suis pas hype. La seule fois que j'étais piste à propos du studio. Attends. Ils ont copyrighté Cyberpunk. Je suis comme, voyons donc. Ouais, le studio polonais, j'ai oublié son nom, il m'échappe. Mais ils ont copyrighté Cyberpunk pour pas que le monde puisse l'utiliser en disant qu'il serait pas evil avec. Puis ils l'ont pas été pour l'instant. Mais juste ça, moi, j'aime pas ça. Ça m'a touché. Il y a quelqu'un qui demande encore Genius qui demande pourquoi sur Microplay on a Dead Island 2 en précommande et qu'on entend parler nulle part. Alors, parce qu'il a été annoncé il y a vraiment longtemps à l'E3 Dead Island 2, puis que pour moi il a sûrement été animé, mais Microplay me garde espoir. Bon, je veux juste dire à Koufen là, que tu t'appelles Will. Will Bro. Mais j'arrive pas à trouver ton nom, ton profil Facebook. En tous les cas, on se salue. On devrait être amis. Send me a friend request parce que Eric il dit beaucoup de beaux commentaires. C'est vraiment un cool dude streamer. Akoufen, c'est sa boîte en plus. Ils sont boréales comme compte de design. Je comprends rien. Will Bro, un gars de pop. PUP. Ça, c'est tous des termes, ça, de gens tellement modernes. Alors, la suite de Panzer Dragoon, qui est pas vraiment une suite, mais qui est une suite spirituelle, ça s'appelle Crimson Dragon. Donc, ah, ben oui! Crimson Dragon, je sais pas s'il est juste sur PlayStation. Oh, oui. Sur Xbox, mais... Non, je veux savoir, en ce qui concerne Panzer Dragoon, y a-tu juste le premier qui est un genre de shmup les sur raid dégueulasse? Et Crimson aussi, c'est un shmup. Mais moi, là, j'ai pas aimé ça, ce petit jeu-là. C'est un peu à la Star Fox, mais des pauvres. C'est comme Space Harrier, mais... Mais quand c'est sorti, c'était spécial à regarder. Il y avait aussi plus bas que je trouvais cool. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que vous regardez des streamers des fois ou préférez-vous jouer? HarryCat21 qui dit ça. Probablement 21 ans. La couronne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense qu'ils sont membres de Twitch Prime ou qu'ils osent des affaires. Okay. Je sais pas trop. Mais moi je préfère jouer, mes enfants arrêtent pas de regarder du monde gaming, puis ils trouvent ça super drôle, puis le fun, puis tout. Puis moi, à toutes les fois, c'est pas parce que j'aime pas ça, mais je me dis en même temps, ben, je pense que j'ai plus le goût de jouer avec le peu de temps que j'ai, tu sais. Mais ça m'arrive des fois, il y a des jeux que je sais que je ferais pas pantoute, puis j'écoute du monde faire le jeu quand c'est un jeu qui est très cinématique, pis tout ça. Ouais. Comme, mettons, Resident Evil, je l'ai fait un bout, pis j'étais comme, ah, je jouerai pas à ça, ça, t'sais, j'ai pas le temps, pis t'sais, je vais juste aller voir les jumpscares, pis toutes les affaires qui se passent dans le jeu. Moi, j'aime bien. Ça, j'aimais ça. À la place de regarder un review, t'sais, les reviews à mener, t'sais, t'as pas besoin de toutes les lire pour savoir c'est quoi le. Ouais. C'est quoi le vibe sur ce jeu-là, t'sais, c'est-tu comme. Vraiment adulé par tout le monde, est-ce que c'est un peu controversé? Tu vas sur Metacritic. Sinon, ce que je fais, c'est je vais voir qu'est-ce qui. J'allais voir des streamers pour voir le vrai jeu, c'est quoi? C'est quoi le flow de jeu? C'est quoi le pacing? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est comme actif? Est-ce que ça a l'air plate? C'est une bonne façon de voir. Ouais, c'est les gars, je pense qu'on va prendre une dernière question. Ok. Alors, on a Jiffy Nadera qui dit « J'ai un GameCube avec ben des classiques. Devrais-je le garder ou le vendre? » Tu devrais contacter les gars de Retro MTL. Ces gars-là vont te l'acheter. Les pimes des cassettes. Les princes de la grise. Les princes de l'or gris. Sinon... C'était tellement un meilleur nom. Ah, je sais. On change tout. Dernière question. Écoute, on finit sur une question, je m'excuse. C'est une question de marketing. Simon, pensez-vous faire des peintes rétro nouveaux et les vendre dans la boutique? Ce qui arrive, c'est que Society 6 fait n'importe quoi, des rideaux de douche, des couvre-lits, puis tout ça. Puis sûrement qu'il y a des peintes là-dedans. Il y a des grosses chances qu'il y a des peintes parce qu'il y a des verres, il me semble. Il fait un raid encore. Ah, c'est Deep Paint 2000. On peut pas continuer. On va continuer un peu. Vous héberge pour 5 spectateurs. Alright! Yeah, c'est. Mais merci Deep Paint. J'ai vu que Deep Paint. C'est malade. C'est Deep Paint, moi, malade. Non, c'est ça. Mais j'ai vu ça, Deep Paint. Merci énormément. Je pense qu'ils sont à l'extérieur du Grand Montréal et puis ils font du streaming dans le fond, puis ils déconnent. Les gars sont bien relax. Excusez, j'ai pas trop suivi, mais ça me semble des cool guys. Ouais. Puis c'est très cool de la part de nous. Les streamers, souvent aussi, c'est parce qu'on manque de temps dans nos vies, ce qui fait qu'on en connaît pas tant que ça. Moi, des fois, c'est plus cherche un jeu, cherche, admettons, la première partie du jeu pour, comme toi, Fred, regarder ce qui marche pas par rapport au jeu. Puis je vais juste regarder la personne que je vais trouver. Je vais pas. Vers une personne en particulier. Là. C'est sûr que genre du monde comme PewDiePie, ça me tape ses nerfs. Quand le gars, il gueule, ouais, pis qu'il fait des personnages, souvent, moi, je suis pas capable. Ah, ouais. Je suis pas capable, esti. Pis ben, un autre exemple, là, complètement à l'extérieur. Hier, j'écoutais Sur le pouce. Tu sais, le gars qui fait la tournée des fast-food à Montréal. Écoute, c'est quand... Évasion. Non, mais il y a une émission de nourriture excellente qui s'appelle Triple D, Diners, Drive-ins and Dives. Ouais. Mais le gars, il laisse le restaurateur parler, tu sais, puis il est pas intrusif. Mais sur le pouce, c'est comme, hey man, on va des chips, on va des chips. C'est dégueulasse, man. Fait que les streamers, c'est la même affaire. C'est comme, calme-toi les nerfs, buddy. Tu m'énerves. Je peux pas t'endurer, tu sais. C'est ça. Quand c'est too much, là, c'est too much. Ça me donne le goût de me tuer, tu sais, je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable. Ça suicide. Ah, man, c'est... Ouais, mais, c'est ouais. Tout... Alors, pour ceux qui viennent se joindre à nous... Vous serez crissement pas survie. C'est surpris si je meurs bien. Au-delà des menaces suicidaires ouais, de Dominique... C'est comme Louis C.K. Qui parle de queue sans ouais, arrêt, m'en dire comme moi... Ouais, il ouais. M'a attaqué avec sa queue, je dis, ouais, pas vraiment surpris. Là. C'est il parlait rien de ça. C'est drôle, on dirait que c'est Yannick qui vient de parler, qui dirait « je suis sous, fait que je vis rétro-nouveau », mais là, ah ouais. Je pense que c'est plus « rétro-nouveau, je suis sous, puis on jase ». En fait, pour ceux qui viennent joindre à nous, ce soir, rétro-nouveau, on faisait un épisode spécial ouais. « Questions du public », donc exact. C'est vraiment, on a répondu à des questions ah ouais. Pendant, là, ça fait deux heures, très officiellement. Ah oui, quand même. Ouais. On est en train de finir la batterie du laptop qui enregistre, on est en train de se dire qu'il fallait « wrapper ça up », fait que ouais. Je pense qu'on va faire... Ah, mais il en reste pour combien de temps? On l'étire! Écoute bien, écoute bien. On pète le on défonce le 2 heures. Le plan est pas compliqué. Je pense que c'est on va rapper la version audio puis on va rester en direct puis on va pouvoir continuer là, de jaser avec tout ce monde. Ouais, ouais ça, j'aime ça. Parce que la batterie du laptop va l'enlever en 6 minutes puis on va tout perdre ce qu'on a enregistré. Ok, non, non, faut faire ça. Comment ça, ton fil, il fonctionne pas? Ah ouais, flash les lumières. Non, elle est pas branchée. C'est... Ouais, on est déjà en jogging, tu sais, je veux dire. Jogging coupé avec un cuissard en dessous. Là, on tire la plug qu'on se met en bed-end dans pas long. Comment ça qu'il est pas branché? Ben, il voulait pas qu'on branche. Il avait peur d'enlever des enfants. Bienvenue à Rétro Nouveau après 10 heures. Xbox. Fait que bref, pour nos amis qui nous écoutent en ce moment en audio, on vous remercie d'avoir téléchargé le podcast et de l'avoir écouté. T'es bandé mou avec ton film. On n'aura pas d'explosion ce soir. C'est toi, on a l'air chaud. J'ai l'impression qu'on a perdu le show complet. Non, mais sérieusement, comme... non, mais c'est merveilleux. Ça a comme ça. Moi, je suis un peu chaud d'air présentement. Mais retourne en Bixi, j'ai pas de problème là, à me perdre la face. Écoute. Bref, à tous nos amis qui écoutent audio, on vous remercie. Nos Patreons, encore une fois, oui. Mille merci énormément. Ceux qui sont avec nous en direct, on continue avec vous. Puis ceux qui viennent de se joindre à nous, qui nous connaissent pas, on remercie D-Pain. D-Pain. Ouais. Allez D-Pain sur retronouveau.ca. Toute notre shit est là-dessus. On fait du stock depuis 2011. Podcast et beaucoup de vidéos qu'on a faites à l'époque. Bruno, il y a des jokes de graines molles, il est plus capable. Mais il n'y a pas juste ça depuis 2011, tu sais, qu'on a fait plein d'autres affaires. Fait que tout est très bien répertorié là-dedans. Allez voir ça. Alright. Alors, merci à la version audio. On dit à la prochaine. Au revoir, version alright. Audio. Salut. Non, comme ça, c'est ça. Ok. Bon, on peut en continuer. On va juste faire ça. Et c'est sauvegarder. Ok. Et on est toujours live. Oh, non, mais c'est encore live. On est encore live. Mais non, c'est live. On est 52 viewers. On est comme dans le. Il y a juste. Ça va devenir atroce. Bruno va devenir un mémé du web avec la blague. Hey man, ça marche pas! Bruno, il est brisé. On est brisé, Bruno. Écoute, mais je savais pas que tu voulais pas brancher ton laptop. C'est ça, je trouve drôle, le gars. Hey, si professionnel, les gars, on va faire ça. Il y a peut-être des gens ici qui vont connecter avec moi, mais mon setup de brancher toutes mes affaires dans mon gaming room. Et fais en sorte que reploguer quelque chose d'imprévu, c'est pas une option qui est valide. Ah, mais... C'est genre, on débâtit la maison, on la jette à terre pour la reconstruire plutôt que de faire ça. Ouais, c'est ça, t'as vraiment pas d'autres plugs. Ben, c'est en arrière des tablettes, en arrière des fils là-bas. Tu sais, quand t'as chez Corneau, c'est genre, monsieur Gémus, voulez-vous payer 20$ supplémentaires pour avoir 4 autres plugs dans votre sous-sol? Non, non, merci, je ne pense pas en avoir besoin. Et on vit avec ça maintenant. Honnêtement, la première chose que j'ai faite quand j'ai acheté mon condo, c'est que j'ai tout converti mes prises téléphoniques en prises internet. Et c'était comme la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite de ma vie. 4-5, 4-6, 4-6. High speed internet partout à la maison, où je veux. Mais tu pourrais pas de téléphone. Pour répondre à la couffaine, c'est une nappe vintage. Qui vient directement d'un rond l'enfant martyr. C'est probablement fait martyriser là-dessus. C'est Winners en spécial, pas trop cher. Ah, non, c'est ça, j'aime le look. Il y avait un attachement émotionnel. On s'est même pas essuyé main de chips là-dessus parce qu'on pensait que c'était assez grand. Mais ça servait surtout à. Comme, ça peut servir de jeter. Absorber le choc des gars qui déposent des bières. C'est une seule idée, c'est d'empêcher les pitchless. Les chips. Ça fait pas de bruit. Exact. Non, c'est beau. Ah ouais. Mais y avait-tu d'autres questions? Roger Brulotte, on est proche du stade, on aurait pu, mais... Ouais. On est à côté. Mercedes-Benz, je vois, c'est sûr d'affaires dans ce chat-là. Ouais, t'as-tu, regardez, là, si on a d'autres questions. Écoute, il y a quelqu'un qui dit « C'est quoi je dois fouetter? » Alors, je dirais, une personne consentante, ce serait préférable. Ouais. Fouetter quelqu'un en 2018, je pense que c'est mieux de demander la permission avant de fouetter. Tout à fait. Il y a des sites web pour ça, de toute façon. Exactement. Tu peux regarder tout ça, puis l'Internet. Je voulais mentionner, vous connaissez la page Facebook d'Eric, Chussou Fact Review. Oui. Là, c'est parce que Eric, à chaque fois, ben souvent, quand il revient d'Arcade Montréal, le vendredi après un événement, il est un peu chaud d'ail. Ou des fois, c'est un soir. Puis là, il aime ça s'asseoir dans son sous-sol devant sa game room, qui est surtout composée de jeux de 6e génération. Ouais. Xbox, première génération, PlayStation, ça. Ouais. Puis il fait des reviews de ces jeux-là. Il sort un jeu, il dit hey, « Oui, j'ai joué à ça. » Mais il joue pas, là. Il en parle. Non, mais il raconte l'histoire. Puis là, dans le moment que ce jeu-là est sorti... Tu peux voir à quel point il est chaud selon la durée du vidéo. Hey, l'épisode de Halo 3 qui est sorti quand il se lève pour aller chercher le jeu, c'est le meilleur moment ever. C'est drôle. Mais là, il se demandait... un peu croche. Il veut rendre son projet un petit peu plus legit. Puis là, il se demandait, tu sais, je devrais-tu appeler ça post-rétro gamer, tu sais, dans le sens du post-rétro. C'est pas rétro, c'est post-rétro gamer. Puis là, on s'entend tout pour dire que c'est trop générique. C'est trop générique. C'est façon branding, a quand même un appeal, là. Je review. Mais lui aussi, c'est un franco-ontarien, fait que c'est drôle qu'il y ait deux, il y ait du français et d'anglais dans le titre de son affaire. Exact. Pour ça, ça marche. J'ai plein de personnalités, ce Chussou Fact Review. Fait que Eric, je pense que tu devrais rester avec ton ça. Stock, mon gars. Vraiment, là, vas-y pas pour une affaire générique, là. Vas-y, reste dans le même. On a une question qui est Eric, lève-toi plus souvent pour des interventions. Constamment. Pour voir ton. Est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans le VR ou on attend encore un peu que ça se développe? GF, notre expert, est pas là, en fait. T'sais, nous, on serait mal... équipé pour te conseiller parce qu'on est tous en train d'attendre live là. Fait que... Ben il est dans le VR solide là. Son podcast comment le port du casque obligatoire. Mmh. Puis non c'est vrai mais c'est le temps de se lancer dans le VR pour vrai. Quand vous prenez des deals, il y a des deals qui sortent pour toutes les plateformes. Puis quand il y a un deal ça vaut la peine. Quand il y a pas de deal c'est quand même encore assez cher là. Mais tu sais ça vaut la peine. Moi tout le monde que je connais qui ont un PSVR ils trippent, le monde qui ont HTC Vive ou Oculus trippent encore plus. Ceux-là qui ont les caméras dans la pièce, les sensors, là, ceux-là, c'est ceux-là qui sont vraiment en business et qui trippent. Parce que sinon, t'es cloué à ta chaise, tu sais. Côté-là que les gens aiment un peu moins. Là, ah, mais moi, les jeux que Jeff m'a fait essayer, le jeu, espèce de schmop. Ah, oh, man, c'est tellement le fun, ça. Là, j'ai capoté, là. C'est-tu que j'aimais ça, là. Avec les shields. Ouais, avec le shield, là. Ah, mais Super Hot VR, Super Hot VR, c'est genre la vie. Ah, il y a des belles. Ça fait exactement ce qu'un jeu vidéo devrait faire, c'est de faire sentir comme dans un. Dans un film, dans un autre monde. C'est genre, t'embarques là-dedans, pis tu sais, tu fais un move de tu t'amuses à mettre tes guns sur le côté, pis flasher, pis souligner les affaires, pis ça répond, t'es comme, my god, là, je suis vraiment en train de c'est vraiment vivre la vraie expérience. Ouais, c'est le gros deal. Hey, quelqu'un qui demande, t'es rousti, qui demande encore, votre hidden gem sur du PS3. Hey, j'ai pas beaucoup de jeux de PS3 en arrière, Bruno, mais si tu veux me passer. 3D Dot Game Hero puis Dragon's Crown, ça c'est deux jeux. Je l'ai pas essayé des, je l'ai puis je l'ai pas essayé encore mais les reviews de ça. 3D Dot Heroes. 3D Dot Game Hero c'est un genre de Zelda 1 au NES mais genre sur le crack. C'est ça hein. C'est genre tu boosts ton épée puis maintenant ton épée a fait comme ça, l'écran au complet. C'est complètement débile. Ce qui est vraiment cool c'est que c'est comme un pixel art 3D puis y a jamais personne qui a vraiment repris. Repris cette initiative-là. C'est vrai, mais tu peux créer ton propre personnage. La quête est quand même longue, mais pas trop. C'est pas un RPG grindy et tout. C'est puis peut-être l'histoire qui laisse à désirer, moi aussi. C'est comme Zelda. Tu sais, Zelda, l'histoire, une au début, puis une à la fin, puis c'est tout. Là. Mais le gameplay est le fun, puis ton épée est fucking longue. Ouais, c'est ça qui est satisfaisant. Je pense qu'on épée est un gros rectangle. Une feuille de papier géante qui coupe le monde. Sinon, un autre de mes jeux préférés sur PS3. Qui est assez exclusif, Dragon's Crown. J'ai comme pas trippé. Surveiller ma. Moi j'ai joué sur dernièrement. C'est sur une télé, c'est moi je le préfère console que Vita parce que je trouve que Vita t'as pas le même. Trop de stock à l'écran. C'est aussi, ça, c'est trop petit, c'est trop chargé. Moi ce que j'aime bien ce jeu là, il est magnifique en full screen. Il y a la version HD qui est ressortie qui est vraiment très bonne. Tiens Bruno, présente-nous deux jeux que t'aimes beaucoup là. Oui, mais Mirror's Edge, vraiment un incontournable. Le premier est vraiment meilleur que le deuxième, là. Même s'il est plus court, on dirait que justement, il était, c'est un condensé des meilleures idées. Mm-hmm. Le Mirror's Edge, ça, dans le fond, c'est du first-person runner. Fait ouais. que, dans le fond, c'est comme... C'est comme du monde qui font du parcours. Ouais, c'est ça. Si tu fais du parcours en first-person, ça fonctionnait vraiment bien. Heavenly Sword... qui est un de mes meilleurs jeux ever. Il est vraiment le fun de ce jeu-là. On a souvent chialé contre ce jeu-là à cause de l'utilisation du 6x6 que tu utilises ta manette toutes les affaires de tout ça, ouais. c'était poche, mais le reste du jeu est vraiment excellent. Avec Andy Serkis dans le rôle du méchant, c'était très hot. Puis ça, c'est Ninja Theory qui ont fait ça, qui ont fait une tonne de super bons jeux, dont Enslaved. Fait que ça, c'était très bon. Dernièrement, c'est eux autres qui ont fait le double A Hellblade. Senua's Sacrifice. Ouais, Senua's Sacrifice, ouais. qui est très bon. Moi aussi, sur PS3, je sais pas si c'est un exclusif à PS3, mais j'avais quand même bien aimé Dark Sector. Puis c'est un jeu qui a comme eu des mixed reviews vraiment. Ouais. Vraiment c'est le jeu qui a fait en sorte. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez peut-être vu parler de Warframe. Ouais. Warframe qui est comme. En fait, Dark Sector. Warframe, c'est un peu compliqué, mais le studio qui le faisait, Warframe, c'était comme un peu leur projet de rêve. Puis ça a commencé comme Dark Sector devait être le MMO qui est devenu genre Warframe avec le temps. Mais il n'y avait pas les revenus, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas la tech, puis ça a comme chié, c'est devenu Dark Sector. Aïe, aïe. Puis là, maintenant, ils ont fait comme fuck off, là, on met le studio, genre, ça a guillotine, c'est comme, c'est Warframe or nothing. Puis ça a commencé, puis ça a parti tranquillement, puis là, à un moment donné, ils ont gagné en popularité, puis là, ils ont comme lancé, puis ils ont fait vrai. Tu sais, c'est un jeu, Warframe, d'ailleurs, ceux qui connaissent, c'est un free to play. Puis c'est un jeu qui a vraiment beaucoup évolué. C'était quoi l'offre initiale? J'ai pas rejoué après l'offre initiale. Parce que moi, j'avais essayé l'offre initiale, j'avais trouvé ça correct. Mais pas assez aussi. Pour revenir, tu sais. Ouais. Apparemment, je sais que maintenant, il y a une grosse un following de ce jeu-là. Mais... Avant que j'oublie, là, Dark Sector, si vous tripez God of War présentement, le tri de la hache qui part et qui revient, Dark Sector faisait ça way back, puis avec une espèce de blade que tu lances puis qui revient vers toi puis t'attrapes tous tes amis avec ça. Fait que ça, il y avait de quoi de vraiment cool avec ça. Ouais, moi, je l'avais déjà mentionné, mais il faut tout le temps que je le plug. Valkyria Chronicle, le 1. Ouais. Là, maintenant, il y a comme 8 remakes HD, que vous pouvez le trouver assez facilement. La version PS3, d'une beauté, l'histoire est fun, touchante. C'est du beau tactique moderne où tu vas bouger, à une vue 3D en third person. Vraiment super ce jeu-là. Là. À l'automne, on va avoir le 2 sur PS4. Là. Puis oubliez un peu les versions PSP, là, je les ai essayées, puis c'est pas la même expérience. Mais la version PS3 et ou HD sur PC ou PS4. Le remix, allez-y. Remake, c'est-à-dire HD. Fait que très très bon. Moi, je veux parler de deux jeux. Bien sûr, Vanquish, qui est un classique de Retro Nouveau. Ah, man, c'est vrai. Où est-ce que c'est un third-person shooter. C'est sur Xbox. Il est aussi sur Xbox. Ouais. Ah ouais, ok, ben je savais pas. Mais moi c'est pas donc, c'est zéro mon genre de jeu, mais celui-là, j'ai comme connecté là 100%. Court, rapide, fait par les mêmes gens que choses là. C'est ceux-là qui ont fait. Ah, c'est Bayonetta, c'est Platinum. Très bon. Puis un jeu téléchargeable là, qui je pense est seulement disponible sur la PS3, puis il était le premier jeu que j'ai acheté sur PS3, Renegade Ops, qui est une espèce de Jackal-like de Jeep. Top down. Le sprite est pas trop gros, t'as le choix entre 5 personnages. C'était 4 pages, ça, il me semble, en plus. Non, je pense non? pas. Je pense que c'est indépendant quand même. Puis même ce jeu-là, encore aujourd'hui, je l'ai essayé il y a pas longtemps parce que j'ai rebooté ma PS3 et tout. Chris, c'est bon. Ouais. Renegade Ops, essayez ça, c'est vraiment trippant. Pas trop compliqué, pas trop tough. Une couple de side mission, mais tu sais, il y a de la belle action, t'as des trucs différents que tu peux prendre. Ah non, t'as raison, c'est pas Capcom. Cartoon dans les. C'est parce que Capcom ont fait une suite de commando sur Xbox 360 et tout, là. Ah, mais là, c'est un jeu de véhicule, là, tu sais, c'est vraiment... Ah, pis hey, avant d'oublier, oubliez pas, iPad. iPad! Alright. Hey, j'ai vu une question qui m'a interpellé. On a demandé si vous avez essayé de, mettons, Darkest Dungeon. Moi, ce jeu-là, je l'ai sur mon buy list de Steam, pis j'hésite tout le temps, parce qu'au début, il y avait beaucoup, quand même pas mal de hype, pis des bons reviews, pis au fur et à mesure... que le jeu avance dans le temps, il y a des moins bons reviews. Peut-être qu'il y a des patchs qui sont arrivés, la version définitive. J'hésite à l'acheter, honnêtement, mais ça m'appelle. C'est un genre de jeu vraiment intéressant. Donc, je sais pas si vous avez joué, vous me le recommandez ou pas, là, Darkest Dungeon, là, mais... Quoi. Il est sur mon... Darkest Dungeon, c'est tout le monde a l'air de dire que c'est vraiment malade. Ben, moi, les reviews Steam, ils vont depuis... Ah oui? Ouais, ça va vers le bas, là. Hey, je suis surpris. Ouais. Bonne question. À quel jeu pensez-vous être le meilleur? Que seriez-vous prêt à vous inscrire, à un tournoi? Hey, moi, c'est vraiment drôle, mais il y a un jeu, je me rappelle, que je jouais puis je me sentais vraiment comme un dieu, dans le sens que j'étais comme... Esti, man, je pense à des affaires puis je fais des trucs, puis ouais. ça marche. C'est Battlefield Bad Company, le premier. Celui-là, genre, il y avait tellement c'est le premier qui avait comme les personnages avec les classes, ouais. Les trucs un peu débalancés. Il était drôle. Il était vraiment très débalancé. Puis il y avait vraiment des trucs qui étaient abus, je me rappelle. Là, je jouais à ce jeu-là, puis mon kill-death ratio était vraiment là, sûrement de 10. Là. C'était ridicule. J'avais jamais. Je pense qu'il n'y a pas un shooter que j'étais aussi bon sur console que lui. Ah oui. C'était comme, j'avais compris la méta de tout, puis c'est la seule fois que c'est arrivé. Ouais, moi, il y a eu, mettons... Moi, c'est des jeux NES, tu sais. Je suis bon à Castle of Vegas. Tu sais, à chaque fois que je suis à l'arcade puis je joue à Street Fighter ou whatever, il y a tout le temps quelqu'un qui me tue. Ouais. Tu sais, je suis quand même, je pense, pas pire, très bon à Dr. Mario. Ouais. Mais il y a quelqu'un, man, qui vient à l'arcade puis qui, comme, brise. M'éclate ouais. comme si j'avais jamais joué à ça de ma vie, tu sais. Ah ouais, il y a tout le temps. Il y a du monde qui sont... On pense qu'on est bon, mais on est pas bon. Ouais, tu sais, moi, c'est plate, là. J'ai accepté dans ma vie qu'un jour, je serais pas un pro gamer, tu sais. Tu sais, j'ai des franchises, Street Fighter, je me débrouille, tu sais, c'est bien correct. Puis, mais tu sais, pas comparer les niveaux better de than most. Là. Oui, ça, c'est sûr. Je me, dans un. Je pense que j'étais genre de 10 ou 12 000 ouais. meilleurs. Mais au web, t'es le temps. Ben. Ben, ça va être pas mal fort. Ouais. Mais, j'ai déjà été excellent à Counter-Strike. Je pense à 1.3. Là. Ah ouais? En temps, je jouais comme un malade mental. Ouais, ouais. Puis tu sais, j'ai été rendu là, menace quand j'entrais dans un serveur. Ouais, Quake 2, moi, j'étais pas pire aussi. Ouais, moi, j'ai été moins bon. Quake Unreal, j'étais. Mais Counter-Strike, c'était mon jeu. Puis tu sais, là, maintenant, je joue, si je suis correct. Je suis encore capable d'avoir un ratio. Je joue plus, là. Des fois, je reviens, j'ai un ratio 50-50, ce qui est, mettons, raisonnable pour un gars qui joue plus. Fait que je me dis, OK, c'est cool, je lâche, je reviendrai. Je t'ai encore dit. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça. Mais, bon, à un moment donné, t'acceptes le fait que, tu sais, il y a un skill cap, puis moi, ouais, je le frappe. Je sais que je pourrais jamais être meilleur, comme... Ben, c'est tout le temps le temps que t'as à mettre là. Ouais, ben, il y a ça, mais il y a aussi ton corps, tu sais. T'es structuré d'une certaine façon, tes terminaisons nerveuses. Les pro-gamers... C'est une coche, là, tu sais. Ouais, non. J'en ai vu opérer des fois, tu sais, pis t'es comme. Faut tout le temps les calculs. Ouais, voilà. C'est une autre affaire, là, tu sais. Comme le meme, là. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. moi c'est sans contredit Roller Games. Roller Games! Au top. Quel bon jeu! Roller Games! Mais quel jeu à 10$ underrated? Roller Games! On va le monter à 15$. On va le mettre, c'est notre projet. On le monte à 20 cette année. Oui! Rien de trop beau. Achetez Roller Games! On les revend cher. Achetez toutes les Roller Games. Mais sinon, il y a Paperboy, by the way. Paperboy, c'est sûr. C'est tough en Christ, je passe trop de temps sur Paperboy. On a Dom Devine qui demande, j'ai la Switch, j'ai fini Mario, Zelda, et là, on dirait que rien sort dans mes goûts. Ouais. J'attends où je vends. Qu'est-ce qui arrive qui me convainc de pas vendre? Écoute, attends après. Ben, ça y prend 3, des jeux ça, dans ces goûts-là. Captain Toad, tu sais, des affaires-là. C'est ça y prend des franchises de Nintendo juteuses. Ouais, faut que t'attendes les AAA, en fait, parce que, tu sais, je vois ton... Ouais, ça. Je vois ton pattern, tu sais, puis même moi, ça m'arrive quand même, tu sais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indies sur la Switch, tu sais, pour feeder le temps mort. Puis on dirait que ils ont tellement eu une belle lancée avec les AAA que là, il y a eu un ralentissement, puis tout le monde panique. Ouais. Mais tu sais, c'est normal qu'il y ait ce ralentissement-là aussi, là, à un moment donné, pour qu'ils puissent remonter à côte. Fait que moi, je dis, attends le E3. Une fois que les annonces de E3 seront faites, tu vas pouvoir te faire une meilleure idée. Tout à fait. Écoute, J. Paradis qui pose une question importante. Est-ce qu'il y a une pilule en Dr. Mario qui guérit la chlamydia? Oui, la mort. Alors, je pense que quand t'es rendu... C'est la bleue et jaune, hein? C'est quand le jaune est à droite. C'est la mort, donc la rouge et la bleue ensemble. Sinon, ça rend stérile. Tu mélanges bien, ouais. Sinon, d'où, ouais. La queue te tombe. Aïe, aïe, aïe. C'est comme manger un qu'est-ce qu'il dit, Pickford, c'est bien de la merde l'écran cette semaine. Pas sûr de comprendre. Je pense qu'il n'était pas dans le début de show pour comprendre que il y a des gens qui nous demandent. Il y a des gens aussi qui nous posent des questions par rapport à des sujets qu'on a déjà répondu, malheureusement. Ouais, on va les skipper. Il y a quelqu'un qui demande comment on a perdu notre virginité. Ça, ce sera pour un autre podcast, peut-être. Ah, c'était triste. Pour les Patreons. Ben, c'est aussi triste. En fait, c'est une très belle journée. J'étais en secondaire 4, puis c'était le bal de finissant des secondaires 5, puis c'était beau, là. C'était pas beau, mais tu sais, c'était comme... Tu sais, t'as déjà vu Dazed and Confused, là? Ouais. Le gars qui est un peu plus jeune, mais genre que... Mitch. Mais il y a une fille, les filles plus vieilles trippent sur lui, puis tout, puis comme il saoule, puis il y a une belle journée, puis le lendemain matin, il se couche dans son lit, puis il met ses écouteurs, il écoute du Kiss, puis il est comme, il y a eu une petite belle soirée. C'était toi? Ça, c'était moi, ça. Wow. C'est génial, ça. C'était bien. C'était bien. Super. Wow. Là-dessus, j'ai vu une autre question aussi. Hostie. Qu'est-ce que j'ai pas de réponse à ça? Hey, t'as pas dit l'âge? Oui, ben oui, il a dit fin secondaire 4. Ben, secondaire 4. Je sais qu'Adam a passé sur secondaire 4. Ouais, mais j'ai pas doublé d'année, fait que dans le fond, j'étais en secondaire 4. J'aurais aimé que ça soit plus jeune, par exemple. Hey, Greg, c'est quoi votre meilleur... Elle avait 34 ans. I wish. C'est quoi votre meilleur look de Game Chaser à vie? Hey, c'est dur à dire. Moi, c'est un Conker Bad First Day à 2$. Pas mal ça. Ben si on regarde le ratio prix payé versus valeur. Ah, t'sais. Mais sinon, il y a un gars qui est venu me donner pour plusieurs milliers de dollars de cassettes Atari puis Coleco chez nous, comme il a tout fait ça chez nous. C'est... Moi je te dirais en termes de décor, prix payé puis genre valeur, si Nick tu vas prendre la première cassette du Super Nintendo en haut à droite. Ah ben ça c'est récent, ça. On l'a couvert à droite. On l'a déjà couvert pour ceux qui sont là ce soir. Qui était mon Aero Fighter au Super NES, trouvé dans un pawn shop. Tous les jeux étaient pricés correctement, mais celui-là était 50$. C'est toi, c'est un jeu qui vaut les en gars, était comme... ben, les gars, 900 à 1000$. Ça, j'étais bien content de le payer pas trop cher. Sinon, je couraille pas mal la cassette. Fait que, c'est dur, des fois, j'oublie un peu. Mais habituellement, quand je sors ma collection, je suis capable de dire à peu près où est-ce que j'ai pogné chacun de ces jeux-là, même dans le NES. Fait que, des fois, il y a des. Des fois, je me rappelle des ventes de garage. Il y a des ventes, des fois, que tu fais que. Tu sais, Mané, j'avais trouvé. Je voulais jouer à Power Blade au NES. Je le trouvais comme nulle part. Il était disponible nulle part. Je le trouvais pas en ligne. Les seules copies qui étaient disponibles sur eBay étaient LED et tout. Puis ça faisait 3 semaines que je cherchais puis j'attendais ce jeu-là. J'étais dans une vente de garage, puis un dimanche matin, tu sais, le dimanche, c'est déjà même plus la même de la bonne journée. À quelle heure, Fred? Ah, c'était genre, il était 10h, là. Il était pas trop tard. Puis le gars, c'était dans une ruelle, c'était mal annoncé. Je suis arrivé, il y avait un Metroid 2 en boîte complet sur la table à 2$. Oh my god! Je parle au gars, puis il me dit, ah, écoute, mon gars, j'ai un ami qui m'en avait donné dans le temps, puis en tout cas, je vais aller chercher, puis. Il était revenu, puis dans sa pile de jeux NES, il y avait... 2$, hey. Ça vaut quoi? 120 maintenant? 120-140. Aïe, aïe. Puis le même gars m'a sorti les jeux NES, puis quand il m'a vu la face, j'étais tellement... Il y avait Power Blade, j'étais tellement heureux, puis le gars était comme, oh, gars, check. Genre, hey, je pense qu'il y avait 5-6 jeux, puis le Metroid, du bar à carton, tout ça pour 10$, puis c'est correct, là. Lui, il s'en foutait, là, fait que j'étais comme, yes! Ben, c'est ça. Fait que, tu sais... Faut mettre beaucoup de temps pour avoir des fois, des fois, tu peux comme être loqueux, mais la plupart du temps, c'est... Tu trouves rien, puis là, paf! Tu sais, pis des bons deals comme ça aussi, ce qui est cool, c'est que, tu sais, tout ça, c'est encore sur mes tablettes. C'est chez nous, puis j'y joue, tu sais, c'est mes jeux, je suis pas... Des bons jeux, ça. Il y en a qui font ça, tu sais, puis oui, des fois, évidemment, on achète bien du stock en vendant garage, puis là, je suis rendu à un point où j'ai bien des affaires en double. Fait que oui, il y a des fois qu'on vend ce stock-là pour racheter d'autres stocks qu'on a besoin, tu sais. Mais quand des choses comme ça, quand tu les trouves. Ouais. Bon, besoin, c'est un mot étendu, mettons que j'ai pas. On est quand même des passionnés en arrière de ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde qui vend des jeux comme, mettons, Macho. Mais. passionnés, des vrais. 5-1-4, 3-4-3. Moi, j'étais fier. Je chasse pas vraiment énormément, mais à un moment donné, j'avais pogné un Game Boy Advance SP version 2 avec le bel écran au Village des Valeurs. Donc, au prix du village des valeurs, genre. Ah, les prix du village des valeurs, à l'instant, sont rendus un peu. À l'époque, c'était 12$, genre. Fait que. C'est bon, c'est maintenant rendu presque 100$. Ouais, c'est ça. Ça que c'est une belle console. C'est la meilleure version un rétro-éclairage, à moins que tu aies l'original. Mais tu sais, moi, j'aime bien ce format-là. Ça se met dans les poches de l'arrière de jeans, bien comme ça. Un beau petit corps. C'est comme un portefeuille, puis. Moi, c'est bon, tout le temps lui. Tu fais une fesse carrée, moi, c'est ça. Ah, et comme vous, Cachal, ça fait deux fois que je pose la question. Est-ce qu'on ramène des TV et des N64 dans les parcs à jeux du McDo? Alors, t'es où? Ça marche jamais, ces 64. Je te dirais que les meilleurs parcs à jeux de McDo ont toujours leur N64 sur place. Ils sont encore là. Non, mais juste le Repentigny, proche de chez vous, man. Ouais. Il y en a. Oh, oui, il y en a. Puis moi, je fais du press à Martin, puis à Ellie, puis au gars d'Arcade Montréal. Je dis, faut aller faire une offre, faut ramener ça dans le bar, man. 64, puis c'est des télés 13 pouces, c'est minuscule, c'est là. Dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Les manettes sont pognées, mais, les pitons sont pétés. C'est comme un poteau, tu sais, qui se colle au plafond. Hey, imagine si on avait ça dans place, comme ça. Ça, là, les gars, ça serait malade. Hey, moi, demain matin, man, je ferais ça. Le monde, ils chieraient dans leurs jeans. Facebook exploserait la... Eh ouais, Chris. Ouais, je tiens à dire, on a Fredoche Melo qui nous dit qu'il a pogné un Dino Pig pour 5$ et un Sculptor Scott pour 15$, donc va chier. Pas mal de gens, Baptiste. Ils sont tous très jaloux. C'est qui ton Fredoche? Ça me dit quelque chose. C'est un nom qu'on voit souvent passer. Ouais, ouais, ouais, pas dire. Cheerios au miel, Christy de beau nom, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Miel et au noix. C'est bon, Lien supprimé et clair qui est pour mes enfants, genre c'est bon, quelqu'un qui met des liens. Mm-hmm. Combien d'heures de game chasing par semaine? Fanny, c'est combien d'heures de game chasing par semaine? Écoute, il y en a vraiment beaucoup. Je te dirais une dizaine d'heures et plus, 15 heures. Ça dépend. Moi, je te dirais au travail, sur l'heure du midi, ouais, quand j'ai rien à faire, je vais me promener. Ouais, mais quand je reviens, j'arrête toujours à un ou deux spots, pratiquement tous les jours. Ouais. Après ça, la fin de semaine, l'été, dans les mois de vente de garage, c'est possible que le samedi matin, mon réveil sonne à 5h30 puis qu'à 7h, je sois sur la route. C'est possible que je revienne habituellement, si j'ai pas de crevaison, je reviens à peu près vers 13h. Comme c'est arrivé en fin de semaine, c'est ça? Cette fin de semaine, ça va être un peu plus long parce qu'il y a eu une crevaison qu'on a eue. Je l'ai expliqué tantôt en début de show. Mais bref, c'est sûr que quand j'aurai des enfants, ça va être d'autres choses. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas le choix. Je vais game chaser, tu sais. Ta vie va changer. Ouais, ça marche plus. C'est juste plus possible. Ouais, ben, je vais aider mes enfants comme des du monde de marché aux puces. Allez voir les concerts de ma fille. Ou aller au. Ils vont perdre leur temps et ils repousseront pas. Ah ouais. Man, quand t'as des enfants, tu cours après ton temps. Écoute, on a DJ Sonic qui demande, je pense, c'est la quatrième fois qu'il pose la question, un peu hors contexte, avait écouté la série Cobra Kai. Moi, non, parce que j'ai écrit là-dessus, mais je l'ai pas écouté. On l'a pas encore écouté. Ça va être drôle. Mais c'est ça, ça va être drôle. Mais c'est pas accessible. Juste niaiser. C'est pas accessible. C'est YouTube Red, puis il y a juste les deux premiers épisodes disponibles, puis sinon, faut que tu t'abonnes à YouTube Red. C'est payant YouTube. T'sais, c'est sur une plateforme de merde. Une autre question, me semble. Oh, mais c'est que le problème, c'est qu'il y a une multiplication des plateformes. C'est beaucoup d'exclusivité. Là, dans le temps, Netflix avait réussi un petit peu à centraliser tout ça. Ouais. Mais là, man, tout le monde en veut une. Là, d'ailleurs, c'est trop, là. Marvel, Disney, ils s'en préparent une. Fait que, tu sais, ça va être. Arrêtez ça. Hey, il y a Genius qui demande, avez-vous de la nostalgie pour votre club vidéo d'enfance quand vous passez devant en le regardant? Moi, personnellement, il est fermé. Ouais, c'est fermé, ben oui, mais. Mais avant que ça ferme, j'avais réussi à avoir ma copie de Mega Man X 3 à 10$, une copie en boîte. C'est un bon deal, ça vaut 800. Moi, j'aime ça parce que à Terrebonne, les buildings n'ont pas changé. Ouais. Fait que tu sais, c'est un autre commerce, mais l'endroit, tout est pas mal pareil comme c'était quand on était petit. Le vidéo choix qui était pas loin du Max pis du Yellow. Exact. Tu sais, il est là. Puis le club vidéo, je me souviens plus c'était quoi là, mais sur Seigneurs. Le Vidéo J. Vidéo J, c'est rendu genre un magasin à une pièce. Ouais, c'est ça. Puis il y avait aussi la Vidéothèque 2000. Ouais. Qui est devenu un genre de Subway, un resto Subway. Puis le pire, le plus triste de tout du monde. La place louche où on louait un 3DO, là. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'était, l'espèce de club de réparateurs d'électronique. Exact. Mais l'affaire la plus triste du monde, je trouve, là, c'est pour moi, à chaque fois que je pense, mon cœur saigne. Là. Il y avait l'arcade de Terrebonne, sur le coin, Boulevard des Seigneurs, ceux qui ont déjà vu, là. Puis, dans le fond, la ville, elle voulait pas d'arcade, tu sais, parce que c'est des bombes, puis tu sais, des drogués dans l'arcade, puis ils ont décidé, quand l'arcade a fermé, c'était rendu, ça a été un 2-22, un Daniel Amusement, ça a été plein d'affaires, puis quand elle a fermé, la ville, c'est dégueulasse, là, parce qu'il y avait un droit acquis, ils ont pris la bâtisse, puis ils ont fait des bureaux administratifs de la ville, ils l'ont loué juste pour perdre le droit acquis, après ça, on dit, ok guys, tu sais, nous autres, on s'en va, juste pour plus qu'il y ait d'arcade à Terrebonne. Tu sais, genre, c'est terrible, là. Ah, c'est là, je suis comme, wow. Tu sais, là, à chaque fois que je pars, je vois la bureaucratie qui a tué l'arcade. Ah, ouais. Ah, j'ai mal, tu sais, mon cœur. Même ça, avec la voûte, tu sais. À l'époque où. À l'époque, les arcades, c'était louche. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Il y avait des bâtins 5-5 versus avant 40. Ouais. En effet, un quotidien sur l'heure du lunch. Bon. Il y avait des dépanneurs aussi louches dans le coin qui avaient des machines d'arcade de Street Fighter pirates. C'était le fun. Mais tu sais, mais c'était ça. Dans le temps, il y avait aussi. Mais tu sais, dans cette arcade-là, il y avait une espèce de voûte qui était une ancienne banque. C'était comme une banque avant. Puis il y avait toutes les machines illégales de vidéo poker. Dans le temps, tu sais, là, monnaie, le Auto-Québec est arrivé, ils ont réglementé ça, ça s'est disparu. Mais tu sais, c'était vraiment, c'était louche, cette affaire-là. C'était très louche. T'avais peur un peu pour ta vie quand tu y allais, c'était le fun. Mais moi, j'allais jamais dans voûte. Il y avait le pool d'un bar. C'était cool, je jouais à Gaz Panic. Il y avait des gaz Panic. Hey man, Gaz Panic, c'était. Gaz Panic, c'était comme. Ah! T'sais, c'était super fort. Puis il y avait les vieux monsieur, tu sais. Un vieux monsieur. Tu vois un vieux monsieur en imperméable, cliché, grosse lunette, Fedora. Il rentre, il demande 10$ de jetons, puis il s'en va direct sur la Gaz Panic dans le fond. Tu sais, puis là, il joue juste à ça. Il va en voir des jetons, là. Tout le monde sont satisfaits, tu sais. Non, mais écoute, c'était ça. Il y avait une époque qui n'avait pas Internet. J'avoue qu'Internet n'existait pas. C'était soit ça ou aller dans le bois pour espérer pogner une revue, là. Tu faisais du bike avec le rêve, c'est que. Ouais, c'est comme on va tomber sur des vidanges. Ah, mais je pense qu'on allait voir, il fallait se crosser, Imaginaire. Ouais. J'avais un ami, sa mère était abonnée au World Québec, tu capotais. Les vedettes bien marquées. Ah ouais, c'est vite. Ah, c'est dégueulasse, ça bifute. Elle avait ma meilleure madame dans le sérieux aussi. Fanny Lorraine. On a rapidement. Une vedette. Chaperon rouge. Pour tourner dans les questions, Jeepy et Nadira. Et les Let's Play, on en a parlé il y a pas longtemps, on disait qu'on en regardait un peu des fois, mais pas trop pour économiser, je te dirais. Sinon, on avait une question que j'ai perdue, qui est... Quel jeu vous a fait jouer plus que le temps que vous vous étiez mis en tête en disant encore un petit peu? Bref, c'est une question de Glatercius, là, est un peu formulée... Il est tard pour lui aussi. Puis dans le fond, un jeu qu'on a mis plus de temps qu'on pensait qu'on allait mettre, j'imagine que c'est ça la question. Ouais, moi c'est Stories de Path of Destiny. Je m'attendais à passer un après-midi là-dessus, puis le finir, puis finir ça. Fait une soirée aussi. Et, man, j'ai joué pendant des mois à ce jeu-là. Là. Moi c'est Game Dev Story. Ouais, c'est vrai, j'ai essayé ça en me disant que j'haïssais ça, genre, puis finalement, j'ai tellement là-dedans. J'ai recommencé tout le temps, man. J'ai mes hackers bien plus vite qu'à mon autre game. Ah, ouais. C'est drôle, mais c'est. Blower le monde de l'industrie. T'as comme eu le même trip que moi, mais genre 3 ans plus tard. J'étais rendu addict, là, genre le téléphone est là, puis je vais avancer ma game de Game Dev. J'ai une console de prête. Là. C'est tellement malade ce jeu-là, man. C'est addictif. Là. C'est mon... Ça, puis Pokémon Go, mettons. Les bêtes noires. Je l'ai lâché Pokémon Go depuis un an, man. Bientôt, j'avais pas joué à ça. Puis je vais te le dire, ça me manque pas. Ok, ouais, c'est ça. Parce que c'est beaucoup de gestion. Tu sais, moi, quand j'embête dans l'affaire, comme je suis full anal, tu sais, puis je peux pas sortir dehors sans comme l'allumer puis checker tout ce qui se passe, puis tabarnak, je suis fatigué là. J'ai pas besoin d'une strat de plus même de gestion dans ma vie là. Le jeu que j'ai passé plusieurs que je pensais, c'était Dark Souls. J'ai acheté ça quand ça faisait un bout que c'était sorti, j'étais comme je vais juste checker les contrôles qu'il m'avait parlé. Ah, tu sais quoi, le fighting, toutes ces affaires. Non, c'est ça, c'était Demon's Souls que j'ai vu que t'avais. Ouais, le collector, il est un peu plus chiant, je trouve. Mais Dark Souls, j'ai comme écrit ça, je me couchais le soir, puis je rêvais à des feux, là, puis genre, il y a des feux dans le jeu-là pour aller sauver ta game, puis revenir, puis c'est comme les safe space, là. Puis genre, je faisais des rêves, puis je voyais des mots qui crissent de feu, là, j'étais comme plus capable. Hey, Akoufen qui nous dit justement à Sylph, ben oui. C'est le fun quand vous faites des streams de jasage comme ça, à refaire les boys. Arrangez-vous pour que GF se pète une jambe pour qu'on puisse aller chez eux, on va toujours. Ouais, ben là, on a 36 minutes de plus que. Non, on est rendu loin, on a dépassé, là. GF va pas nous aimer là-dessus. Hey, G Paradis qui demande la meilleure nourriture d'un gamer. En fait, on a répondu à cette question-là, je pense, à l'épisode 126. Ouais, on avait déjà parlé un peu. Il y a des bonnes suggestions santé au-delà des chips et des toasts. Ce que je me dis, pour performer en même temps, tu sais, la boisson, c'est le fun de boire de la bière. Mais très vite, là, les facultés sont affaiblies. Ouais. C'est bon pour pas fonctionnel. C'est bon pour les podcasts. Ouais, c'est ça. Surtout. Le cidre Beaupré, gracieuseté des geekettes. On est en train de boire leur stache, là, ça va pas, ces geekettes-là. Hey, moi, j'aime beaucoup manger un tube glacé. Ça, là. Comme dans Péris. Ouais, je suis en train de manger le tube de ton père, fait qu'il se crame. C'est bon, des tubes glacés, mon gars. J'achète. Tu es en train de manger un tube? Mes enfants. Non, mais du yogourt ou un Mr. Freeze? Non, c'est vraiment du yogourt glacé. C'est bon, ah, c'est un tabarnouche. Sur Bioplay qui Tu mets ça dans le congélo, c'est bon, mon gars, c'est rafraîchissant. C'est bien, c'est moi, j'aime pas beaucoup, quand même les idées en place. Moi, j'ai envie de répéter ce que j'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup, genre, crisser des bleuets dans le congélateur pour faire des petits fruits congelés. Tu sais, quand moi, j'étais fumeur, puis quand t'arrêtes de fumer, des fois, t'as besoin de temps de crisser des affaires dans ta gueule. Ouais. Fait que genre ça, c'était bon. C'est comme... Les bleuets, c'était mieux. Sauf des pénis, tu sais. J'avais que ça travaillait. J'avais que ça travaillait d'homme, là. Ah, oh, c'était bon. Mais on n'en parlait pas. C'est juste des bleuets. D'homme, il y a une veine qui gonflait. Il fallait qu'il le dise. Il veut pas dire ça. Des bleuets gonflés. Ou des pénis. C'est ça. Il y a pas d'entre-deux. Des fois, t'as pas le choix. Non, il y a pas d'entre-deux. Un révélo, non. Mais je dois juste te dire qu'il existe des fruits congelés, le choix du président. Ah, les fruits congelés, ils sont moins bons parce qu'ils sont. Il y a comme un peu d'eau. Je me fais des shakes avec ça toutes les matins. Oui, en shake, c'est bon. En shake, c'est bon, mais comme ça, il y a comme de la petite glace. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime. Les clémentines. Faites geler des clémentines. C'est bon. Moi, j'aime ça. Moi, c'est bon, ça. Je suis sûr qu'ils mettent ses fruits au frigo. Ah ouais. Moi, je suis comme ça. T'aimes les choses fraîches. Fanny, elle aime pas ça. Les tomates raides, là. Il y a des fruits, faut que tu mettes au frigo. Il y en a d'autres, faut pas que tu mettes au frigo. C'est comme ça, là. Moi, j'obéis pas les lois des hommes, Bruno. Moi, je vois. Il y a une seule loi dans la vie, pis c'est la Fred's Law. Oh! Fred's Law. Fred's Law. Le Jackal's Law. Il est comme un sous-entendu de Fanny's Law. La Jackal's Law. Dans le fond, l'after show, c'est juste pour donner une chance à Bruno de dégriser un peu avant qu'il prenne son char. Là. C'est un homme raisonnable. Non, moi j'ai fait attention à ce soir, je suis crampé pour vrai. C'est vraiment drôle. Puis il fait chaud. C'est vrai. On va perdre connaissance. Moi je suis sous présentement. Tu avant le temps cette affaire. Merci Glatercius, qui est un de nos amis qui arrive du raid. Ouais, c'est correct. On dirait qu'à Mané, on s'est rafraîchi. Je pense que notre soir a fait baisser. Là. Hey non, mais il a fait chaud. Wouh! Colin. Arcane Montréal. Tout le monde nous suit. C'est quoi cette affaire là? Où ça, Arcane Montréal? Check ça. Live. Ah ouais? Ah ben ça c'est... je pense que c'est Éric Hébert ça qui parle avec le compte de l'arcade. Probablement. Est-ce qu'on en fait une dernière? Une dernière question. Une dernière là après ça. Une petite dernière. Fait que la prochaine question qui apparaît à l'écran après Bruno est juste heureux, on va y répondre. Alors c'est le temps de poser cette question que on attend à la première, à la prochaine. Alors, désolé. Pourquoi Nintendo? Pourquoi? Parce que Sega. Ouais, exact. Pourquoi Nintendo? C'est dur comme question, ça, Eric. Ben, c'est ça. Il me semble que c'est un sujet qu'on parle pas souvent en plus, Nintendo. Ouais, on en parle jamais. Temps, Je suis plus capable. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est parce que moi, je répondrais à ça, là, simplement. Mettons, pour moi, Nintendo, j'ai grandi avec ça. Fait que l'affaire que t'avais quand t'étais petit, puis l'affaire qui t'a formé en tant que gamer, c'est souvent ta meilleure affaire au monde. Même si cette compagnie-là, mettons, elle va faire des affaires qui t'intéressent pas, puis qui te font chier, tu vas y revenir. T'sais. Fait que quand la marque avec laquelle t'as grandi, c'est elle qui va tout le temps revenir. Même s'il te laisse tomber en cours de route, tu vas tout le temps y revenir. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu reviens nostalgie, souvent, qui joue un rôle là-dedans. Je pense que je suis un rétro gamer et un modern gamer, disons. Ouais. Je te dirais que tout ce qui est rétro, j'aime beaucoup Nintendo et Sega. puis tout ce qui est moderne Nintendo, c'est un peu moins mon truc maintenant. Puis tu sais, je suis comme juste dans un autre style de gaming maintenant. Mais tu sais, il y a des gens, on dirait qu'ils peuvent pas faire comme apprécier ce qui venait avant, pas ce qui, est récent et tout. Puis tu sais, là, tout est pareil, tu sais. Nintendo, c'était Super Nintendo, c'était malade. Fait que, tu sais, tout ce qui est Nintendo, c'est malade. Ouais. Tu sais, moi, j'ai comme... Non, je peux apprécier le Nintendo, le Super Nintendo, puis pas nécessairement très apprécier la Nintendo 64, que j'apprécie quand même. Mais il y avait de la demande aussi sur Nintendo, puis le Super Nintendo. Ah, c'est des quantités industrielles. D'ailleurs, je suis en train de me questionner présentement. Je fais-tu un full set de Super NES? Parce que j'ai quand même une couple de grosses cassettes. Ouais, moi, je regarde les jeux qui ont de la valeur, puis il y a tellement du caca là-dedans. Là. Ben, c'est comme la NES, là, tu sais. Faut pas faire des full sets. Ah, mais peut-être, juste, tu sais, comme si je libère d'Atari, un peu chez nous, d'ailleurs, pour en parler de monsieur qui parlait d'Atari. Bon, il est disparu. Il se sentait... Non, il est là. Papa et Atari, mon premier jeu à vie. Il y a quelqu'un qui parlait d'Atari. En tout cas, Atari E, mais ça parle pas de E. Cela dit, je vais libérer peut-être des boîtes d'Atari chez nous, puis je me suis dit, je vais-tu faire un full set de Super NES? C'est peut-être envisageable. Parce que j'ai déjà une couple de grosses cassettes. Le Super Nintendo, le problème, c'est qu'il y a tellement de jeux de sport pis de jeux génériques que tu veux Ben oui, mais NES aussi, man. T'as non, NES! Check tout ce style marque-là. Comme le corps de ça qui est intéressant. Non, c'est non, toute non, la non, merde, non, non, ça, je suis pas d'accord. Super NES, c'est le pire. Super NES, c'est le pire. Moi, je dirais... On va... Écoute... Top 50 sur le blog d'ici vendredi. Voyez-y. Commence pas d'homme. Ouais. Non, faut pas. Faut 7,64. Une chose à la fois, triplex en premier. Ouais, exactement. Moi, j'en rappelle un homme il y a deux ans qui disait oh, full set, c'est pour les caves. Vous ne ferez jamais de full set, je connais full set. C'est pour les caves. Par contre, il y a une opportunité en or qui s'est présentée. Fait que je l'ai faite, mais sinon, je l'aurais pas faite. Mais tu as déjà dit que c'était une genre de maladie mentale. C'est une très mauvaise idée de faire des full sets. Faut être un peu imbécile au final, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai dans un sens, c'est un peu ridicule. Tu payes pour de la merde. Ça sert à rien au final. Ça vaut rien cette merde-là. Non. Puis tu vas être pogné avec, j'imagine. Toujours. C'est exactement comme... Full set, moi, ça full set de PS2, full set de Wii. Non, mais attends, à partir du moment où ils ont atteint... Je comprends que les gens se jettent là-dessus parce qu'ils ont besoin de collectionner ma chaîne. C'est pas cher. Puis moi, j'ai ce besoin-là continuellement. Mais j'essaye de pas aller vers ces choses-là. À partir du moment où t'as atteint le full setness, la junk... De vie, elle a une valeur X. C'est pas comme un paquet. Mettons le OPC 96. Il te manque 3 cartes. Ton set, il vaut rien. Il est complet, bang. Tu sais, même affaire. Ben, peut-être si tu veux. Ah, le jeu, c'est pas comme ça. Mais tu vas de la misère à écouler ta junk, là, à part du monde. Non, mais c'est sûr que c'est ça le problème. Vendre, le problème, c'est que ta junk, tu vas vendre par l'eau. Demain, je veux plus mon set de NES, là. Je vais rester pas rien avec ma junk. Là, ben oui. À part au prix, là, tu vas y mettre dans l'eau avec des beaux titres, là. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vas la vendre à perte. Ouais. Fait que, mais des sets de PS2, là où est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu qui vaut au-dessus de 100$ ou à peu près, là. Mais que la librairie est genre 2000 jeux. NES, c'est 700 kecs, là. Hey, t'en as de la marge, chevaux. Ah, mais si tu fais ça, au NES, le ratio de jeux de merde est moins gros qu'au Super NES, je te garantis. Ouais. Fanny, pige un jeu au hasard en tablette. Pige un jeu au hasard sans regarder, là. Ah, j'ai hâte de voir. Pige une carte. Attention, pour mettre la tablette à terre. Ah, Elevator Action! C'est de la Elevator une Action! Une belle pochette! C'est une mauvaise version. C'est bon, Elevator Action! J'ai tellement joué à ce que j'ai jeune. C'est une version cheap. Ben, c'est sûr que... Allons chier, c'est ça, stream. Je me suis vraiment sentie comme une fille de The Price is Right. Ouais, c'est ça! Allez, ouais. Come on down! Mais faites donc un fausset de Wii. Non, la qualité jamais, là. Ben, j'aimerais ça. Pour ça Non, je veux une belle collection de Wii, mais de bons jeux. Mais j'aimerais ça, faire ça, rien que pour aller dans un pawn shop et ramasser toutes les affaires, mettre ça sur mes tablettes. C'est ça qui est le fun en tant que collectionneur. Moi, là, comme ça me donne envie de chier, genre de placer mes affaires, parce que c'est tellement anal, c'est tellement... Ah, oh, j'aime ça. Ah, je m'en vais. Tu sais, comme... t'as des enfants. Tu sais, des fois, ton enfant, il s'en va dans son coin. Décris toute ta maison. Joue à une affaire précise, joue au Lego, là. Puis là, il s'en va tout de suite aux toilettes. Oui, oui. Parce qu'il est dans sa zone, puis il est bien, là. Ouais. L'humain est fait comme ça. Ben, moi, c'est quand je place mes cassettes. Tu te relâches, t'es comme. Oui. Ah, enfin, je relâche. Tout ça me fait du bien, puis je pense plus à rien d'autre. Puis là, je peux aller aux toilettes. Ah, ouais, vraiment. L'humain est fait comme ça. Ouvrez les classer des cassettes. Excusez-moi, c'est ça que ça fait. Ça finit tout le temps de même. Ça relâche, tes tensions. Ouais, ça évacue ton stress. C'est ça que le monde veut. Évacue, est-ce que zone anale, merde, le mot de mardi. Voilà, ouais, mot-clé bon. Du mardi. Mot-clé. Hey. All right. C'est bon, ça. Hey, là, je pense qu'on a atteint un summum de streaming. Il arrive 11h. Ouais, on devrait fermer ça. Hey, wow. Écoutez, merci énormément à ceux qui nous ont raidés. Ouais. Alors, D-Pain 2000 et ses followers nous ont tordu le bras de continuer. Yes. Et on vous en remercie. Je pense qu'on n'aurait pas su comment Dom a perdu sa virginité sinon. Ouais, hein, j'ai tellement révélé ce soir la virginité, comment j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est tellement pathétique que j'ai déjà oublié. Tu vas voir. Je pense Fred a essayé de t'arrêter, mais t'as continué pareil. C'est pas ce que j'avais envie d'en parler. Tu voulais. Moi, tu vas voir. Non, la question. Tu sais, genre, demain matin, Dom se fait appeler. Salut, c'est Amélie. Ah ouais, exact. Est-ce que tu pensais à moi? Parce que hier, j'écoutais ton show. Non, elle écoute pas. C'est sûr que non. Tu sais pas. Ah ben, je sais que non. Sinon, est-ce que... Écoute... Mais ce gars-là, il met du pain partout. Des pains. Des pains 2000. C'est sûrement des pains. Ça s'appelle sûrement... D-Pain, man, c'est ça. Je sais pas si c'est D-Pain ou D-Pain, mais en tout cas. D-Pain, c'est le fun aussi, quand même. On voit qu'il y en a qui suivent. C'est génial. Ça s'appelait pas la grosse Sandra. Non, tellement si. Alright. Bon. Alright, écoutez. Merci, guys. Encore une fois, merci énormément d'avoir été avec nous. Si jamais on garde cette version-là pour la version audio, on vous remercie si vous écoutez. Je sais plus qu'est-ce qu'on va garder parce que, en tout cas. Tout est bon. C'est du gros stock. Puis on vous remercie. On vous dit dans deux semaines, même heure, même poste. Pas le même setup, puis on va brancher l'ordinateur cette fois-là. Ah ouais, il faudrait, là. Puis GF va surveiller le temps pour être sûr qu'on dépasse pas 2 heures. Ouais. Fait que sur ça, bonne nuit tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Merci aux geekettes pour le cidre. Oui, le setup. Les abreuvés et le setup technique. Yes. Nice. Bonne soirée. Salut.